Énergie. Numéro 1. Numéro 1. Sur les nouveaux hits. Are you ready? Nouveau hit Énergie, écoutez, de Parakeet, Save Me, donc in French, sauve-moi. Guillaume arrive sur Énergie dans moins de 3 minutes maintenant, à 21h. Minuit, c'est Mickaël. Bonne soirée. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. Sur Énergie, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, lourde l'émission, frère. Allez, sur Énergie, bonne soirée, les gars. On y va, 21h minuit, on se retrouve, hein, comme chaque soir, de 21h à minuit pendant 15 jours jusqu'au 15 juillet. On est ensemble sur Énergie, on passe une partie de l'été et on a pris les horaires normaux, c'est-à-dire 21h, les horaires classiques, 21h minuit. Voilà, 9h du soir, vous êtes bienvenus, on est en direct. Il y a du foot ce soir, j'ai déjà rien. Non, il n'y en a pas, Guillaume. Voilà. Demain. Bon, on a bien préparé le début de l'émission. Je rêve de thunes de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. J'espère que vous avez passé une bonne journée, pareil que nous. J'espère que vous avez pu bien kiffer, peut-être que vous étiez au boulot. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des examens encore. En tout cas, on passe les 3 heures ensemble. Vous voulez parler avec nous, bah, vous êtes à la maison. On partage cette radio. On est juste derrière, mais c'est vous qui la faites l'émission. Vous appelez, vous partez pour un jeu, vous passez, vous délirez avec nous sur un sujet, il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste nous appeler 0870 42 48, 0870 42 48, pour nous appeler ou par SMS Guillaume au début du texto, et vous l'envoyez au 6 11 12. Voilà, Guillaume et le message au 6 11 12, en mode été du coup ce soir. Ça va, je vais stagiaire du coup. Ouais, ça va très bien, salut tout le monde. Tu dis pas de foot? Non, demain soir il y a Pologne-Portugal. Voilà, ça reprend les quarts de finale. On pourra prouver qu'on est en direct. L'avantage du foot, c'est qu'on peut prouver en instantané qui, voilà, avec le score et tout. Ça va, Guillaume du standard? Salut Guillaume, ouais, ça va super. Ouais. Hier il y a eu l'attentat malheureusement en Turquie, ouais. Donc on a dit en direct, mais on est vraiment, il n'y a pas plus direct que nous, hein, les gars, je vous jure. Voilà, 21h01. S'il y a beaucoup d'émissions qui font sûrement être en direct et tout ça, il n'y a pas d'embrouille. On est bien là, nous. Ça va, Mina du standard? Oui, ça va très bien. Salut Guillaume. Mais oui, ton micro il sature. Tu parles plus fort qu'avant? Non, pas du tout. Non? Elle a mué. T'es sous hormones, t'as des cachets. Merci. Ouais. Non, mais je m'éloignais un peu alors. Ouais, vas-y, attends, éloigne-toi plus. Voilà. Non, mais tu vois, c'est limite, ça sature encore. Il y a un problème dans ton micro. Il faudrait qu'on signale. Ouais. Je vais chuchoter. Non, mais alors, carrément, je vais couper ton micro. C'est ça la solution. Eh, merci, technicien. Même le micro, il ne se porte plus. Ah bah, merci. Non, mais c'est parce qu'à mon avis, il doit y avoir un petit réglage technique. Bonsoir, Flo des cadeaux dans le couloir. Salut Guillaume, salut ça va tout bien le monde. Ça va, ouais, tranquille. Ouais, tranquille. On a des cadeaux aujourd'hui à filer. On a encore des drones ou pas? Ouais, des DJI Phantom 3 et il y a aussi des PS4 avec le jeu Lego Star Wars. Mais toi aussi, ça tue. C'est tout le monde. Ah bon? Ouais, les deux. Vous avez deux micros, parce que c'est les deux micros qu'on a mis dans le couloir. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a touché ou quoi. Il y a un sabotage. Ouais, il y a un problème. Ou alors c'est ta voix. elle non, porte voilà, je sais pas, vous avez. Non, mais je pense qu'on a deux problèmes de micro. Bon, c'est pas grave, on va réparer ça. Bah oui, je vais y aller à moi. Vitesse, oui, réparer. Pour réparer les trucs à énergie. La je pense que dans 5 semaines, on sera à la rentrée, il y aura toujours. Ça remonte en non, parce que je parle pas de ceux qui réparent la technique, hein, je parle de ceux qui réparent la clim, par exemple. J'ai encore envoyé un mail, Guillaume. Ah, ils sont toujours pas arrivés. Non, mais ça fait une semaine, on a plus de clim, il fait 40 degrés dans le bureau. J'ai envoyé un mail en disant, mais qu'est-ce qui vous fait peur dans notre bureau? Ils répondent pas. Ils répondent pas, ils me rendent fou. Non, mais c'est fou. Mais vas-y, pourquoi tu vas pas les voir? Parce qu'ils sont pas là non plus. Ils sont pas là. Peut-être que c'est pour ça qu'ils répondent. Ils sont où? C'est en vacances. Ils ont des bureaux, les mecs. L'été, ils font quoi? Ils réparent des clims. Peut-être qu'il y a toutes les clims qui sont éteintes et j'en sais rien, ouais. Salut, j'ai de très gros problèmes. Gérer mes nerfs. Ah, là, viens pas travailler énergie. Travailler énergie, les mecs de la clim, tu les tues, quoi. Bon, et si vous voulez passer en tout cas avec nous, vous êtes les bienvenus. Guillaume, au début du texto, pour le balancer ici. Voilà, on les lit à l'antenne en direct. Il faut juste commencer le texto par Guillaume, comme tous les soirs. Guillaume, un espace et votre message au 6-11-12. Voilà, Guillaume et le message au 6-11-12. Si vous voulez faire une dédicace, vous êtes en famille, là, vous nous écoutez en voiture ou quoi. Vous êtes dans le lit tranquillement, vous êtes tout seul avec les petites oreillettes. Bah, vous voulez passer, vous écoutez peut-être en moto dans le casque, avec les écouteurs aussi, dans le bus. Bah, vous pouvez balancer un petit message et on va le lire à l'antenne. Vous allez voir, c'est drôle, il faut attendre 2-3 minutes et ça passe à l'antenne. C'est la Dream Team, on compte sur vous pour nous faire passer une bonne soirée de malade. Là. Coucou à la team RCEA et à la team Evolupal, Ghost du 18 qui est là chaque soir. Trop content de passer encore la soirée à vous écouter, vous êtes les meilleurs. Salut Marine du 33. Bisous. Avec toutes les conneries, bonsoir à l'équipe la plus déjantée de la radio, vous êtes les meilleurs. Bonsoir Escro. Salut au Blaireau 86, bonsoir Mathieu. Pénin Lauriane, 19 ans, j'ai cassé la voiture de mon père. Ah non, ça c'est une connerie à mon avis. Ouais. Ce que t'as dit, quand t'as dit le nom de famille. Énorme de vous avoir pendant les vacances. Dédicace aux galettes saucisses de Dinard. Salut Adeliska. Bonsoir Adeliska, je m'appelle Adeliska. Bah, gros bisous à toi. Voilà les meilleurs. Bonsoir Thomas du 27 aussi. Merci. C'est dans l'heure. Un petit bisou. Y a-t-il quelqu'un qui écoute, qui est développeur? J'ai 13 ans, je voudrais me lancer dans ce domaine. Et bah, il faudrait que tu laisses ton numéro, hein. Comme ouais. Vous tous, hein, si vous voulez passer et laisser votre numéro, bah, allez-y, hein, Guillaume, et puis les petites histoires avec votre numéro. Puis je vous appelle, vous le balancez au 6-11-12 en commençant bien par Guillaume pour qu'il arrive dans mon studio. T'es en retard de 2 minutes, c'est pas bah vrai. Non. Il est 21h04. Bah ouais. Voilà, 21h04 et 58 secondes, 59 secondes, 21h05. Top, regardez vos portables, voilà. On dirait du tracteur en train de faire du foin. Salut les agriculteurs, bon courage à vous. Salut à toute la Tsuko. Merci pour la tablette que j'ai gagnée hier, 5093. Salut Samy. Je sors de la. Ah non, t'as reçu hier parce que t'as dû la. Parce que cette semaine, on a des DJI Phantom 3. Des drones. C'est drones, Flo des cadeaux qui gère les cadeaux. Ouais. Il y a d'autres cadeaux aussi, il y a les PS4. Des PS4 avec le jeu Lego Star Wars, ouais. Voilà, il sort. Il est sorti hier. Ouais. Voilà, il est sorti hier. On vous offre un vieux jeu, hein. Il est sorti hier. Et le drone, c'est grâce au Ninja Turtle qui sort aujourd'hui. Ah oui, il paraît qu'il est bien en plus. Ouais, ouais. Il y a la pub partout. Ouais. Ah ouais. C'est pas Ninja Turtle, c'est Ninja Turtle 2. Deux, ouais, le 2. Parce que t'as oublié de le dire. Pardon, je suis désolé. Et vu que c'est ton travail, je me dis, ce serait quand même dommage que tu fasses virer pour un chien, tu vois. Ouais, dédicace. Je sais pas si t'avais vu Ninja Turtle 2, là. Il y a Camping aussi qui est sorti. Ah, Camping. Il y a Camping 3, ouais. Tu l'as vu, j'ai stagiaire. Non, mais je vais aller voir ce week-end, je pense. Ah, c'est vrai, ouais. C'est prévu, là. Il paraît qu'il est. Je suis fan de du boss. Moi, j'aime bien les campings, ça fait mal. La bande annonce, c'est drôle aussi. Bonsoir. Enfin, je dis ça, mais j'ai jamais vu Camping. Ah non, sérieux? Ouais. Non, même pas le 1. Me dire, je crois que j'ai pas le vu. Le 1, il est rigolo. Ouais. Oh, le 1, il est avec l'an 20. Non, je crois que je l'ai pas vu. Ouais. Ah ouais? Ah, il est bien. Non, je crois que je dis oui. Comme un le 1, c'est le meilleur. Je vais le mater alors. J'adore votre radio, vous êtes géniaux. Salut à toi, tu pourrais passer du Jules, mais je suis trop fan. Bonsoir, Alice de Lyon. Gros bisous. Salut. Alice à Lyon. Salut. On rentre du resto et on t'écoute. Fred et Jenny. Bonsoir, Fred et Jenny. Moi, petit FIFA, en vous écoutant, Alan du 60. Là-bas. Bon, on fait chacun un truc de différent, mais on se concentre sur le son. Et Clément, qui est là, 26 ans, qui est dans le vent, Clément. Ah bon, vous entendez? Ah beaucoup. Ouais, beaucoup. Tu peux pas te mettre à l'abri du vent, mon poteau, deux secondes? Ah, j'essaye. Non, c'est pas mieux là? Ah bah si tu te mets à l'abri, ça sera oui, mieux. Oui, tranquille. Ah, ouais. Voilà. Bah, je pense que ça doit être mieux là. Pourquoi t'es où là? Bah, je suis dehors. Dehors? Ouais. T'as faim chez toi? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu rentres pas chez toi alors, mon Clément là? Parce qu'il y a mes parents qui sont à l'apéro. Ah. Pour ce que je vais vous parler, je préfère me mettre discret. Ah ouais, d'accord. Il a peur. J'adore. Et pourquoi? Alors, attends. Bon, alors, tu nous appelles de Cholet, hein, c'est ça, dans le 49, Maine-et-Loire. C'est ça, Véranger. Eh ben, enchanté. Alors, sois le bienvenu, mon Clément, là, 26 ans. Et, bonjour, eh ben, bonjour. Salut. Salut. Voilà, je te présente Amina du Standard. Oui, coucou. Flo des cadeaux. Salut. Stagiaire. Salut, mec. JM du Standard. Salut, mec. Voilà, toutes les l'équipe qui est là. Salut tout le monde. On est au complet là. Voilà, exactement. Enfin, il en manque une. Hein. Ouais, c'est vrai. Julia. Non, Julia qui est en stage chez nous jusqu'à jusqu'à l'été. Julia qui s'est briquée avec ses fesses. Ouais. Et Julia la bourrine. Et non, elle est pas là, elle est à genre dessous là. On en a une stagiaire jusqu'à l'été qu'on fait parler de temps en temps parce qu'elle est marrante, un peu bourrine. Là, c'est pas, elle est un peu cracra et nous fait rire. C'est vrai, c'est on aime bien les filles cracra. Ouais. Elle est moins coincée qu'Amina. Allez, ah. T'as remarqué ça, Clément? Ah bah qui ne l'a pas remarqué? Ah oui. Et, mais en même temps, on va être beaucoup plus coincé qu'Amina. Je sais pas comment on peut avoir une fille plus coincée. Le mur de Berlin. Si, on va trouver. Ah, dur, hein. Non, je pense pas que ça soit possible. Sincèrement. Si, je te présente mes copines, tu vas voir. Non, tes copines, c'est toutes des catins, tu le dis. À chaque fois que tu nous as raconté une histoire de cul avec tes copines, bah c'était oui, sale. Parce que je raconte les trucs trash, mais j'en ai d'autres qui sont un peu plus tranquilles. Mais pire que toi, je pense pas quand même. Après, j'ai beau chercher. J'aime ça. Comment tu veux qu'une fille soit plus coincée que ça? J'aime ça. C'est impossible. Désolé. À part une vraie nonne. Et encore. Et encore, je pense qu'en privé, une nonne est plus fun. Ouais, dans sa chambre, même les moules fermées, elles sont plus. Mais c'est pas ça, parce que je vais trop grand-mère. Salut l'équipe en direct de ma voiture, fin du taf, big up du 40, salut les Landes. Salut. Pousser la barbe, tu parles bien, je te laisse aller. Ces crènes arrivent au hasard. Pourquoi râler? J'adore ton émission, ça fait 6 mois que je l'écoute. Salut Clément du 66, gros bisous. Hein. Salut. Au transport Rosette et aux touristes qui se prennent cette semaine, bonsoir le chevelu. Tu veux pas changer le message du chevelu? J'ai besoin de te faire un message pour les. Pour les. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai entendu du son. Ouais, j'entendais aussi, ça doit être un ordinateur, non? Ouais. Qui ventile alors? Je pense que c'est Amine El Sahar qui a fait genre l'air de rien. Qui sonnait là. C'était le vibromasseur des Ah, oui. C'est l'heure, on se décoincé. Non, mais tout va bien. Tout non, parce que j'entendais Amine El Sahar tout à l'heure, je comprenais parce que à chaque fois que je lui parle, elle me dit oui. Elle me dit oui, Allô. Je l'appelle, je lui dis, tu fais quoi? Je suis au cinéma, Guillaume. C'est pour rire, n'importe attendez. Quoi. Ce van, parce qu'on s'aime bien. Ouais. Bon, alors, mon Clément, toi, donc, tu disais, tu sais quoi dans la vie à 26 ans là? Je suis chauffeur livreur. Chauffeur, ah d'accord, bah dédicace alors à tous les chauffeurs. Ouais. Bonne route. Et je passe mon temps à vous écouter dans mon camion. Eh ben, le métier idéal. Eh ben, c'est gentil. Eh ben, salut à tous les livreurs de France, hein, de Belgique et de Suisse. Bon courage à tous. Hein. Et merci beaucoup. Si vous voulez venir avec nous, vous êtes à la maison. Comme Clément, c'est la première fois que tu passes en direct? C'est la première fois avec vous, oui. Ah, t'étais déjà passé où alors? Moi, c'est vous les meilleurs. Ah. Je suis déjà passé avec ta copine Enora. Ouais. Non, mais j'ai rien contre Enora, moi. Non, mais attends. Je connais bien l'émission. Non, mais attends. Charmante. Non, mais attends, elle a l'air très sympa, Enora. C'est juste que. On a eu un petit clash, on va pas faire semblant à l'époque. Ouais. Oui. La suite, parce qu'elle parlait un petit peu. Voilà, je me suis un petit peu enflammé parce qu'elle s'enflammait un petit peu trop aussi de son côté. Ouais. Et voilà, et maintenant tout va bien. Ah, c'est du passé, c'est bon. Maintenant tout va bien, on va manger des glaces italiennes. Ah. Non, je la connais. En plus, franchement, j'ai rencontré, on a tous la même passion, tous le même métier. Et moi, ça m'énerve les clashs. Moi, je suis anti-clash, hein, gros. Moi, je suis lion de signe astrologique et c'est le signe anti-clash. Ouais, c'est gentil. Voilà. Donc, c'est doux. Voilà, je suis doux comme un lion. Je suis doux comme un lion. Non, mais en plus, non, mais c'est vrai. Tu crois un peu à l'astrologie d'ailleurs, Clément, ou pas du tout? Totalement. J'adore. Bah, de plus en plus, depuis que je vous écoute le premier dimanche de chaque mois. Ah, on est tous les mêmes. Toi, tu connais vraiment tout le monde. Il est fort. Ah, c'est impressionnant. Non, mais alors, parce qu'on a une émission. Il y en a un qui m'a dit d'ailleurs hier, quand est-ce qu'on fera la prochaine séance d'astrologie? Ouais. On fait une heure d'astrologie par mois avec un astrologue pour ceux qui y croient et surtout ceux qui y croient pas. Et à chaque fois, ça nous fait marrer. Et voilà, il s'appelle Jean-Yves Espier, notre astrologue. Il reviendra à la rentrée, évidemment. Il est sans problème, on va se marrer avec lui, évidemment. Mais bon, il est pas du tout. Et au final, il dit plein de choses vraies. Ah non, mais c'est vrai. T'as vu, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Ah, il y a des trucs, c'est ouf. Bon, mon Clément, t'avais appelé parce que tu voulais parler de tes parents. Voilà, tu voulais parler pas de toi, mais de tes parents. Qu'est-ce qui t'arrive? De mes parents. Ouais, c'est pas ça. Ah non, pas du tout. Ah, d'accord, ok. Et eh ben alors, parce que là, tu disais que t'avais tes parents qui étaient à l'apéro. C'est pas un bon sujet. Je me suis mis dehors pour pas qu'ils entendent ce que j'allais dire. Ah, mais je croyais que c'était tes parents qui étaient cunus. Ah, bah aussi. Ah, bah mais voilà. Ah, famille, en fait. Ah, tu vois, donc j'étais pas très loin. C'est héréditaire. Non, parce que. Non, c'est pas moi qui devine, c'est parce que Amina du Standard, on a dû se parler tout à l'heure. Oui. Et au travers d'une discussion, elle a dû me dire que t'avais de la famille cunue aussi et c'est resté voilà. au fin fond de mon crâne. Les cunus. Vous êtes naturiste, hein. Cunus, c'est pour rigoler. Hein. Et sans culotte. Ouais, vous êtes naturiste. C'est ce que c'est, sans culotte, en vrai. Bah, la Révolution, ah oui, Robespierre, Marat. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, vas-y, donc toi, t'es naturiste ou c'est tes parents? J'ai pas trop compris alors. je le suis aussi. Depuis environ 4-5 ans avec mon mec, on fait du naturisme tous les étés. On a commencé sur les plages. Ouais. Et du coup, on a adoré ça. Et puis l'hiver est tellement long que ça nous manquait de nous mettre à poil. Putain, c'est là, vous êtes gay naturiste. Et vous êtes échangiste libertin ou pas du tout? Parce que parfois, c'est non? Pas du tout, par contre. Ah, pas du tout. Ouais. Ah, t'es fidèle, quoi. Je partage pas. C'est beaucoup lié, mais non, pas nous. Ouais. Vous allez cul nu manger la saucisse à l'apéro, alors? Vous allez faire l'apéro entre amis, cul nu. C'est fou. Les bouliches à l'air. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Parce qu'on est habitué, en fait, depuis tout petit. Je trouve ça marrant, moi, le naturisme. Ouais, bah ouais. Bah après, ça dépend. Je sais pas si. T'es à l'aise, toi, Clément, quand t'es genre. Il y a des gens, quand même. C'est bizarre, les inconnus. Zizi au soleil. Est-ce que tu mets un coup de soleil sur le. C'est comme ça qu'on est oui. Genre, tu mets une casquette sur le kiki quand tu t'allonges pour te protéger. Je crois que c'est pas très bon, les UV sur les boules. Bah oui. Bah c'est comme la poitrine. Je crois que. Et comme la poitrine, les tétons sur les femmes. Pareil, c'est pas très bon. Et bah c'est pas très bon. Ouais. Ah bah ouais. Et il paraît que les bouliches à l'air. Et toi, genre Clément, tu mets le trou de balle à l'air et tout. Genre, tu mets. Est-ce que tu te penches en avant et tu t'écartes l'air? Non, mais rigole pas. T'exposes. Il y en a qui mettent des écarteurs de fesses pour se faire bronzer l'arrêt. Non, mais ça sert à rien. Non, c'est vrai, Clément, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a des écarteurs de cul. Et donc, en fait, c'était pas une blague non plus. Est-ce que tu te fais bronzer la rondelle? Oui, mais pas sans écarteur. Sans écarteur. Ah, ça bronze quand même. Ah oui, mais en fait, il y en a qui. Ça passe de rosé à quoi, Abraham? Demain, tu vas pas écarter les. Tu vas pas écarter les. Ça passe de la rosette à la rosette foncée. Ah ouais. Ah, mais on s'en fout de la couleur de. Ça passe à couleur saucisson un peu. Bon, après, c'est pour ton mec. T'es obligé. Tu t'es déjà fait bronzer la rondelle ou les coucouilles? Non, mais nudisme, j'en ai déjà fait, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, une fois, et on s'est fait virer par un mec qui a appelé la police. C'était une plage normale, et après, il y avait des enfants qui sont arrivés, c'est parti en couille. C'était il y a longtemps? Il y a longtemps, j'habitais pas encore à Paris, je faisais pas de la radio. On était un peu bourrés, c'était 8h du matin, on rentrait de soirée. Et on était 4 potes, on s'est mis tous à poil, il y avait personne sur la plage. C'est drôle ça. Tranquille, tu vois, on buvait nos bières. Et là, il y a un papa anglais, parlait français, tu vois, avec un accent, qui arrive avec ses enfants, qui était vénère parce qu'on était tout nus, il y avait ses enfants. Il a appelé la police, il a vraiment appelé la police et on est parti. Mais t'as le droit d'être cul nu. Ah, c'est pas une plage naturiste. Non, non, c'est normal, non. Si c'est pas, voilà, c'est ça. C'était à Carnon vers Montpellier. Ah oui, parce que c'était une plage normale. Ouais, justement. Oui, d'accord, excuse-moi, j'ai pas percuté. Oui, et nous on a fait genre le Cap d'Aix à côté, on a la flemme d'y aller, donc forcément on était à Carnon, pour ceux qui connaissent, vers Montpellier, et on s'est mis à poil alors que c'est pas naturiste. Et le mec il a vrillé, il était vénère. Bah normal. Tel matin il venait nager avec ses enfants et nous tout nus. Ça c'est drôle. Voilà, une fois. Bon, bah comme Clément de Cholet là qui est naturiste. Et toi tu fais quoi alors? Qu'est-ce que tu fais comme naturiste exactement? Du coup, j'en fais sur les plages d'été. Ouais. Mais malheureusement, l'été est un peu trop court, surtout cette année. Du coup, vu qu'on est vraiment naturiste, on adore ça. Dans l'année, ça nous arrive d'aller dans des saunas libertins. Tu dis que t'es pas libertin, mais tu es dans un sauna libertin. Tu bronzes pas dans le sauna. On peut rien faire, Guillaume. De quoi? Oui, mais tu cherches un peu. Oui, t'es un peu open quand même, t'es un peu ouvert. T'es un peu exhibe. Ah oui, je suis très ouvert. Ouais. Il se passe pas grand chose. Ça fait combien de temps que t'es avec. C'est ton mari, vous êtes marié? Oui, on est marié depuis un an et demi. Ah ouais, bon. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Combien? 11 ans qu'on est ensemble. 11 ans, putain, c'est ouf. Bravo. Vous aviez 15 ans? C'est ça, c'est connu au collège. Ah ouais, attends, c'est ouf. C'est de l'amour à la ça. Fin du collège. Putain, c'est énorme. Magique quoi. Et là maintenant, donc du coup, vous faites des apéros naturistes, hein, c'est ça? Mais genre avec tes parents aussi, non? Du coup, non, pas avec mes parents. Bah imagine, ils sont naturistes. Mais ça c'est une vraie question. Est-ce que quand t'as 26 ans et que t'es chez tes parents naturistes et que t'es en février et que t'es à Cholet, est-ce que t'arrives le cul à l'air à la maison? Non, pas avec tes parents. Ta mère. Non, pas avec les parents. Ouais. Même ta maman toute nue. Même ses enfants aussi, nous quand même on garde une barrière. Alors, il y en a sûrement qui le font, mais pas nous. Ouais. Ah, vous mettez pas. Est-ce que t'as une érection, t'imagines? Bah, c'est vrai. Hein. Mais t'as pas d'érection quand tu prends la purée avec tes parents. Bah, si, si. Imagine, il parle à son père et bam, ça monte. Non, mais pas avec son père. Mais moi, ça peut arriver d'être n'importe quand et puis d'un coup de penser de recevoir un SMS par exemple sur mon portable. Voir une photo au hasard, tu vois. Je peux recevoir un SMS qui m'excite un peu et puis ça peut m'arriver d'avoir une érection n'importe quand, quoi. Quand t'es en famille. En famille, c'est la honte. Ah, ouais, tu vois, attends, t'as tous les enfants, toute la famille, machin, qui chantent. Les enfants. Et tonton, il a une grosse. Non, attends. Papy Crochet attends, c'est pas possible. Ah, c'est malsain un peu. Attends, mais je comprends pas parce que quand vous êtes naturiste, c'est juste en vacances ou ça, c'est genre toute l'année chez toi, tu fais des repas avec tout le monde cul nu? Ça arrive aussi parce que du coup, sur les plages et dans les lieux libertins, on a rencontré pas mal de monde. Du coup, on s'est fait pas mal d'amis. Et puis quand on se voit, vu qu'on s'est connus à poil, maintenant, on continue à passer les soirées à poil. Hein. Ah ouais, ça, c'est ouf. Hein. On est tous pareils, donc c'est comme ça qu'on est le mieux. Ah ben, ça, t'as pas choix, ouais. Et c'est des amis, c'est des couples hétéros, des couples gays, il y a les deux? Très, très, très gays. Très, très gays. Only gays. Ouais. Et vous faites des soirées naturistes gays, voilà, cul nu, quoi. Et il n'y a pas de libertinage? Non, du tout. Et vous parlez de vos tubs ou pas à table, genre? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que tu la mesures? Non, mais ouais, est-ce que. Non, mais c'est vrai, ça. Attends, tu fais quoi, t'es tout nu. Ah oui, parce que moi, tu peux arriver, ça peut arriver de rigoler du nez d'un pote ou du coupe de cheveux. Ou, tu vois. Et voilà, si t'as la tub à l'air, est-ce que tu parles pas de la tub? On en rigole aussi, au cas où. Ouais, voilà. Mais imagine, on le fait à nous à l'émission, déjà. Non, on rigolerait. Bah, tu vas le faire avec tes amis. C'est pour ça qu'il y a les week-ends. Je veux le faire, regarde. Chacun son truc. Trop content de commencer l'histoire avec vous. Bonsoir à Coco du 29. Salut à toute la Bretagne. Finistère. Salut à tout le Finistère, coucou les gars, vous êtes au top. C'est Alex de Rennes, du 35, ça va, je vous écoute en ce moment. Possible que j'appelle pour gagner un truc. Alors c'est l'énigme, c'est pas appeler pour gagner, c'est l'énigme. On va le faire juste après. J'ai des DJI Phantom 3, il y a des drones à vous offrir ce soir. Est-ce que vous avez déjà fait du naturisme? Est-ce que vous avez déjà fait. On parle un petit peu des cunus chaque année, on s'amuse à faire un petit sujet. La période, en fait. Sur le naturisme, j'aime du standard, jamais. Ouais, jamais, moi je suis juste. À la médico show, Guillaume. Il raconte toujours sa histoire. Attends, on n'a pas demandé, Amina du standard, t'as jamais fait naturisme? Pas du vrai naturisme, mais. Oui, bah ça s'appelle en maillot de bain, c'est plus du naturisme. Ouais, non, mais c'est du bronzage. Mais non, mais pas sur une vraie plage naturiste. Mais une fois, ouais, j'étais avec des potes en Espagne, et en fait, genre vers 5h du matin, on s'est tous foutus à poil pour aller se baigner. On est resté genre jusqu'à, c'est pas 7h, un truc comme ça. Ouais. C'était rigolo. Mais moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Peut-être que plus tard, on verra. Ouais, d'accord, ok, ah. Très bien. Et donc, pourquoi pas. Non, mais c'est pas. Après, ça doit pas être désirable d'être à la plage cul nue. Mais t'es vachement à l'aise. Moi, je me suis déjà baigné nu avec une pote. Mais c'est grave mieux qu'un short de bain. C'est très agréable. Ouais, c'est très bien. Dans l'eau tout nu, c'est ah ouais, une bonne vague sur les boules. Non, mais c'est vrai. Un bon rouleau sur les coudes. Une bonne algue. Moi, c'était à Koh Lanta, je me suis baigné nu. Sur l'île de Koh Lanta, en Thaïlande. J'étais avec une pote, il y avait personne. Et je me suis mis à boire. Je me suis pris un gros rouleau dans les boules. Allez, on se fait Guetta et Zara Larsson. This one's for you. Venez réagir avec nous, les gars. Vous envoyez un petit message. Et je vous appelle comme Clément là de Cholet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé pareil d'avoir un essai naturiste, de vous retrouver face à face avec des naturistes, un rapport avec le naturisme, un truc un peu marrant? Guillaume et votre message au 6 11 12. Vous mettez bien votre numéro et je vous appelle après la musique de l'Euro, là, morceau de Guetta et Zara Larsson, This What's For You. Il est 21h19. J'ai écorché un petit peu le nom, mais excusez-moi, je ne suis pas anglais, messieurs dames. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à minuit sur Énergie.

Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va d'où on vient? Où on va d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur notre dos. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur notre dos. Nous, on marche à la parole. Pour une fois qu'ils ont des horaires normaux, du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, sur Énergie, de retour, passez une bonne soirée tout le monde, nous sommes en direct. Il est 21h27 et nous passons les soirées, le soir, sur Énergie pendant 3 heures, comme ça, là. Guillaume Radio 2.0 à l'ancienne, j'aime bien cette petite musique. Ouais. Elle est bien, les chers. Elle me pose un petit peu, là. Bonsoir, c'est Stanley Kubrick, je vais tourner Couscous Mécanique. Tu nous as déjà dit hier, ouais, il nous fait la blague tous les soirs. Bonsoir, je vous écoute tous les soirs, vous êtes les meilleurs. Bonsoir à Vanina, Carla et tous ceux de Caen. Bonsoir à tout le monde. Bisous. Salut les copains de Caen, les Canets, représentant dans le 14. On y était en plus il y a une semaine et demie. Ouais. Vous voir à Caen à la Fnac, c'était génial. Je vous écoute tous les soirs, vous êtes les meilleurs aussi. Bonsoir à tous. Vous êtes les meilleurs, hein, je vous adore. Salut. Génial de vous retrouver. Je suis trop content d'avoir gagné à l'énigme. Ça fait trop plaisir hier. Bonsoir, ça fait longtemps que je jouais. Et ben salut Quentin du 16. Salut. Oh la honte, t'as pas vu Camping, vous êtes les meilleurs. Bisous. salut. Non mais t'inquiète, on va y retourner. Je vais y retourner, je vais le louer Camping. On a trois à voir du coup. Je vais louer sur la box. Il est bien, le 2 il est mieux que le 1. Le 1 c'est le top. T'as vu les deux, j'essaie de faire. Je suis plusieurs fois d'ailleurs. Ah c'est vrai. Je suis allé au ciné deux fois pour le 1 et après j'ai vu. T'es allé au ciné deux fois pour le 1. Ouais ouais. Je sais que c'est un peu foufou de dire ça mais oui. Ouais. Je suis allé... Là t'es un dingue. Hein, moi tu me. Généralement je suis pas très cinéma et là. Moi je te trouve vraiment. Non mais attends. Non, mais ce film là. On aime bien un film. Ah, selon des cadeaux tu juges. Non je suis allé voir deux fois Star Wars. Ah bah voilà. Bah voilà moi je suis allé voir deux fois Shaitan. Et t'es content, t'as les répliques par cœur. Avec Vincent Cassel. Ouais il est violent. Et justement je me suis senti mal après l'avoir vu. Je suis pas allé le revoir par plaisir, c'est dingue. Pourquoi t'es allé revoir? Je suis avec toute ma bande de potes, il nous a un peu traumatisé ce film et j'avais besoin de le revoir pour le digérer. Oh là là. Je l'ai revu le lendemain. En fait, c'est une thérapie. On s'est fait deux soirées à 21h. Ah ouais. Et c'était à l'UGC de Rivesaltes pour ceux qui connaissent, à Carrefour Cléra, à côté de Perpignan. Et c'était énorme. Et j'y suis allé deux fois. Flo des cadeaux. Même la bande originale, moi, m'a mis mal à l'aise. Tout est gênant. Les paroles sont très violentes. Mais j'ai adoré ce film, quelque part. Je vous écoute l'histoire depuis 3 ans. Vous faites vraiment beaucoup rire. Mon sang, Marine à Rennes. Et bah, bisous, Marine. Salut. Sans t'embrasse, ma chérie. Salut dans le 35. Même Rosine Bachelot est moins coincée qu'Amina Dustin. C'est à toute l'équipe. Warren et Chou, salut Kevin du 56 dans le Morbihan. Ouais, c'est ça, ouais. Dans l'Orient. Gros bisous à tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui écoute et qui est développeur? Voilà, tu m'as laissé ton numéro, je vais pouvoir t'appeler. Vous pouvez passer avec nous. Le gars anti-clash, on va t'appeler Dalai Guigui. Bonne soirée à vous tous et dédicace à la tête d'ail des transports XPO de Fontaine. Énorme, salut à toi là. Bon, en tout cas, il y avait Julien Sagir qui réagissait juste avant. T'avais déjà fait du cul nu, t'avais déjà fait du naturiste. Ouais, une fois, c'était un matin à la plage tout nu et un mec nous a embrouillé parce qu'il était pas content. Et alors c'était Bah franchement c'est bien de se baigner tout nu, c'est mieux que le short hein. Ouais. Tu sais quand t'as le short moi, qui flotte, ça colle. C'est ce qu'on disait juste avant, on parlait avec Clément et qui est avec c'est pratique. En couple et qui fait avec son mari du naturisme tous les ans et ses parents aussi. C'est tes parents qui t'ont appris le naturisme Clément? Non du tout, c'est le hasard. En parlant, on a remarqué qu'ils en faisaient aussi en fait. Non c'est vrai? Mais genre. Oui oui c'est vrai. C'est drôle, et énorme, genre ça. Tes parents sont-ils libertins? Ah non, je pense pas. Ah mais ça peut arriver. Ouais. Après peut-être qu'il sait pas. Attends, hein. Si tu savais pas qu'ils étaient naturistes, tu sauras jamais s'ils sont. Et ouais. Ils vont pas te dire alors hier on a fait une grosse pouze avec le cousin. Avec les voisins. Avec les voisins et tout. Non, c'est normal après. C'est leur vie privée. JM justement, est-ce que tu as soupçonné tes parents d'être libertins? Non. Est-ce que tu t'es. C'est possible parfois, ça ne se voit pas. Non, et vraiment, non, tout, tu t'es pas posé la question? Aucune fois. Non, c'est vrai, hein. Juste agir non plus. Mais moi, j'ai demandé à ma sœur si elle était libertine la semaine dernière quand je l'ai vue. Non, parce qu'on parlait de la vie en général, et j'ai demandé parce qu'elle est mariée depuis longtemps. Et je lui ai demandé si elle avait déjà essayé avec son mari et tout, elle m'a dit non. Non, c'est vrai. Après, est-ce qu'elle ment ou pas? Mais c'est rigolo, on a moi, parlé. Je le dirais pas à mes sœurs. Non, mais, ouais, non, mais j'ai demandé pour rire. J'étais libertin. Non, mais j'ai demandé. Je le dirais à personne, à part à ma femme, et j'irai. Non, mais je dirais même pas à mes amis non libertins. Ouais, bah oui. Je dirais pas nous, on est libertins. Parce qu'après, ils vont essayer de nous niquer. Ouais, ils te regardent pas pareil. Non, c'est vrai. Hein. C'est ça. Donc, t'as demandé à ta sœur. Ouais, j'ai demandé. On parlait, on était autour d'un petit verre, tu vois. On était un peu bourré et je parlais de ça avec elle. Ah, au fait. Non, et puis. Ah, au fait, t'as déjà niqué ton Non, mais j'ai demandé tranquillement, elle m'a dit non. Tu as fait des partout, c'est jamais. Bah, mais elle l'aurait dit, franchement, ah, ouais, elle l'était. Oui. Qu'elle est ouverte et on est proche, donc. Et il y a eu un truc qui t'a fait dire, tiens, peut-être qu'elle est libertée. Non, c'est une question parce que ça fait longtemps qu'ils sont mariés tous les deux, donc je me dis peut-être pour pimenter leur vie de couple, ils font ça. Ah ouais. Elle m'a dit non, on n'a pas besoin de ça. Donc, ouais, bah c'est bien. Très bien, ouais. Voilà. C'est bien. Amina, du standard, est-ce que t'as soupçonné tes parents d'être libertins à une époque? Non, bah non, ils sont plus ensemble de toute façon, donc. Tu les as jamais connus vraiment ensemble, toi? Si, si, si, mais pas libertin. Non, non, pas du tout. Tu t'es pas dit peut-être que. Ouais, tu connaissais pas ça encore. Non, je savais pas. Flo des cadeaux. Non, pas mes parents, mais les parents d'un pote, ouais. Ah, il était vraiment ou... Bah, en fait, on faisait une soirée chez eux, on a trouvé un placard avec une... Comme discussion. Il est 21h30. Ouais, toi, il est bien trop tôt pour parler de ça, mais... Je rêve de thunes de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage, on va changer de paysage. Tête dans la lune, pied sur terre, je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bactères qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère, comme mes potes qu'on est. Pour une stratégie du mien, je vous attends devant la mer. Trop souvent, je me questionne. Ma femme et moi, on est libertins au Cap d'Agde. Salut, Seb. Ah. Alors, pardon, Flo des cadeaux. Donc, tu disais, les parents d'un de tes potes. Ouais, parce qu'en fait, on a retrouvé dans un de leurs placards une valise remplie de godes et de cravaches. Bah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à mais... dire. Ça a rien à voir. Mais c'était rempli. Ouais, mais à mon avis. Peut-être qu'il en vend, papa. Ouais, t'as l'impression que c'était pour. Ah oui, mais c'était. Il y en avait trop pour deux personnes. Alors, c'est sûr qu'il y en a 75. Ah non, non, mais c'était rempli. Et s'il y a des vidéos sur le PC, ouais, j'avoue. Ouais. On n'a pas fouillé, mais. Porte à porte ou quoi. Ah, il y en avait beaucoup, c'était une valise remplie. Ils n'étaient pas emballés. Non, non, non, non. Ouais. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, non, mais après, c'est. Tu vois s'il utilisait le God. Non, mais c'est possible qu'il fasse des soirées, t'as raison, à plusieurs. Bah oui, je pense. Parce que là, il y en avait trop pour deux. Mais genre, c'était genre une. On pourrait dire un petit peu comme dans les trafiquants de drogue, quand ils font des saisies. Ouais. Parfois, est-ce que c'est une sorte d'arsenal de gold? Ah ouais, au moins ça, ouais. C'est vrai? Une valise mais remplie. Et comment ils les ont laissés à votre vue? Ben, en fait, on faisait les cons chez lui, et puis on a trouvé dans le placard une valise un peu suspecte, elle était cachée. On l'a ouverte et on a découvert ça. D'accord. Il y avait des cravaches. Des cravaches et des godes. Ouais, d'accord. Vous avez joué avec ou pas, non? Et rempli. Bah, un peu, ouais, on s'est. Mais ton pote, il a dû aller se taper dessus. Ouais, t'as mis des bifles. Ah, ouais, c'est ça. Avec le god, etc. Grave. Et vous leur avez demandé à ses parents, non? Non, non, bah après, on gardait notre petit secret, quoi. Et lui, il était pas choqué de voir que c'était à ses parents? Non, ils s'en foutaient. C'est vrai? Bah, quand même. Bah, après, ils font ce qu'ils veulent, ils sont grands. Hein. Non, mais moi, ça me dégoûterait. C'est un traumatisme. En fait, en vrai. Je me doute bien, ouais. On n'est pas arrivé par le Saint-Esprit, bah mais ouais. Ça me ferait chier de savoir, de trouver un énorme good. Et tu vois ce que je veux dire. Ouais, après, on faisait chier franchement, j'ai essayé hier. Ça te fait pas chier? Bah, c'est la famille, forcément. C'est ça, chiant. Tu vois, même alors que c'est soeur, des humains. Ah ouais. Ouais, moi, ça m'a... Ouais. Je sais pas, c'est la famille. Ça me regarde pas. Ça me regarde pas. Il faut mieux pas savoir. Après, ils font la mort, ces gens-là aussi. Ces gens-là, le mec. Non, mais j'ai mis du standard. Bonne 35 cm, c'est la mauvaise surprise. Ah ouais. Putain, tu dis où là la gourmande? Après, t'imagines les choses. Tu dis pas ça. Ah ouais, tu les vois différemment. Ah ouais, quand même. Quoi. Tu t'irais la voir ou pas chez le standard? Non. Imagine, tu trouves un objet à ta mère, ça, énorme. Et donc, tu serais vexé, t'irais la voir ou pas? Non, elle fait ce qu'elle veut. Ouais, ouais. Mais ça te ferait chier. Moi, je comprends que ça fasse chier. Moi, ça ah me fait ben... chier. Attends. Moi, je suis confisque. Et Non, mais ah, ça, malade. C'est bon. On rigole pas avec ça, non, merde. Mais... Je le vends sur le bon coin. Code familial ayant servi. Après, elle vient de voir, elle demande. Ouais, c'est pas grave. Famille, eh non, on se passe ça de. Chier, merde. De père en fils depuis 100 ans. Oh, non, non. Il y en a, c'est des chevalières, c'est des godets. Non, mais ça arrivera un jour. Ouais. De quoi? Parce que mais ça existait pas, les godes, il y a 100 ans. Enfin, si, ça existait, mais bon, ah bah, pas sous la forme en plastique. Ils prenaient quoi, des fourches avant? Parce que bah, oui, bah, exactement, en bois. Elle a raison, je sais. C'est ah ouais. Mais t'as acheté ça où? Moi, ça, je me suis posé comme question. T'habitais dans la campagne, dans les années 1900, genre il n'y avait même pas de voiture et tout. Comment tu te faisais un god? Tu te faisais tout seul, non? Artisanal. Chez l'artisan, ouais. Un bout de bois. Non, mais à l'artisan, t'allais pas bonjour. Au cordonnier. Ouais, une cuillère, un couteau. Tu taillais un bout de bois. Ouais, tu taillais un bout de bois. Ou une pierre. Ouais, c'est ça, tu taillais un bout de bois, mais enfin, tu t'es déjà entendu du bois dans le cul. Ah, ouais, tu vas voir les verres que tu vas. Non, mais attends, tu prends une bougie. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes médicaments, là. Alors, déjà qu'aujourd'hui, on a des verres au cul. Si on mange un morceau de jambon pas cuit. Mais avant, ils s'en foutaient des verres au cul. Attends, à l'époque, tu te rends pas compte. Ça devait être horrible. Franchement, moi, quand je vois déjà, tu sais, tous les petits problèmes que tu peux avoir, les grippes, les machins, à l'époque, sans médicaments, ça devait être horrible. Ah, ça doit être une chicot mal soignée, tu vas te l'arracher. Ah, bah, ouais, un bon couteau au Pinel. Il n'y a pas de la falgante, ça. On a mis tellement fort à la clim que je suis en pull dans la maison, vie de merde, j'habite dans le sud. Salut Marion. Là. Salut Marion. Bisous. Bonsoir à toi, Guillaume. Salut à Roro Banania. Il se reconnaîtra. Salut Roro Banania. Je vous écoute tous les soirs. Bonsoir, ma Carla. Je suis libertine et naturiste. Lol, je trouve que c'est cool. Mais la première fois, c'était chaud. J'étais vraiment mal à l'aise. Ouais. Un mec s'est mis à me regarder, à se branler. Alors, j'étais juste sur une plage naturiste. Ça c'est compliqué. Ça salut Camille, ça je comprends que ça soit dérangeant. Hein. Faut lui dire, là il y a monsieur. Une différence entre aller se baigner cul nu et se un mec qui se masturbe à 10 cm de ton visage. Ouais mais c'est les matières. Ça te dérangerait, je viens stagiaire que tu sois allongé sur une serviette. Oh, et qu'il y a un mec qui masturbe au-dessus de toi en te regardant. Ah, mais je le fracasse, il a pas à faire ça. Enzo oui, j'en fais du naturisme. Ah à Bastelica, Sia. Salut en Corse du Sud. Ah mais il est là justement là. Tu m'entends Enzo? Oui, buonasera. Saluti. Saluti. Saluti. Comment ça va, Enzo le Corse? Oui, ça va. Ça va. Tranquille, merci d'appeler, moi, Enzo. Salut. Bon, tu fais quoi dans la vie, Enzo? Moi, je suis vendeur en bricolage. En bricolage, très bien. T'es pas déjà passé, Enzo, toi, de Corse? Si, j'étais passé pour des armes, pour pas mal de choses. Tu t'appelais pas Enzo, non? T'as été rebaptisé ou quoi? J'ai Eric et après Enzo, j'ai trois prénoms. Voilà. Ah, d'accord. Un prénom pour la police, un prénom pour les. Et donc, résultat là, malheureusement, donc tu as changé de prénom, c'est ton bon vouloir. Et comment ça va alors, Enzo, du coup, si t'es déjà passé avec nous là? Ben ça va très bien. Hein. Tu nous avais fait rire, toi déjà. Ah ouais. Bah tiens maintenant. Et je me rappelle, tu avais raconté, c'était pas toi qui tire au plafond ou non? Tu m'avais dit que les armes, il y en avait vraiment beaucoup en Corse. Ouais, c'est vrai, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a des déclarés, des non déclarés. Et ouais, c'est ça. Dit. On s'était pas vu. Exactement. Ouais. Des déclarés, des non déclarés. Ouais. Exactement. J'avais même fait un extrait et t'étais passé dans les écrans pubs la journée. Ouais, c'est ouf. Je me rappelle. Ouais. On était en Corse, moi j'étais à Bonifacio J'étais pris parce que j'ai des copains qui animent, qui sont animateurs pour les radios, tout ça là. Et j'ai pas pu venir. Ah. Parce qu'il faut savoir que Ajaccio, Bastia, il y a 154 km. Ah, je sais, moi je suis venu à Bonifacio le week-end à Porto Vecchio le lendemain et tout, là, je connais bien. Hein. Ah, t'es venu à un endroit magnifique. Bonifacio. Et j'ai fait Santa Giulia à côté de. Ah, c'est des beaux endroits. Exactement. C'était, mais de toute façon, la Corse, c'est rarement moche hein, quand même. Hein. Ouais, c'est beau. Bah, l'île de beauté déjà. Ouais, il faut dire que la plus grande place de la ville de Bastia et Saint-Nicolas, c'est la plus grande place de tout la Corse. Ouais, il paraît, ouais. C'était rempli. On a fait le concert. Samedi soir, j'ai dit, mais c'était vraiment rempli. Là, ils vont animer le 1er juillet. Là, il va y avoir les copains d'abord avec Patrick Fiori, Jennifer, Benabar, tout ça. Là, ça va être enregistré. Ça va passer sur la 2 là. Ah, d'accord, ok. L'émission, à la télé. Voilà, les copains d'abord, ils ont mis tous les Corses, quoi. Ah, ouais. Voilà. À Fiori, ah, bah, il y a Jennifer aussi. Il y a Jennifer, il y a Cabrel. Il n'est pas Corse, Cabrel. Non mais après c'est une émission sur France 2. Ouais, c'est pas collectif. Voilà. C'est-à-dire qu'il enregistre le 1er juillet et après ça va passer, je me rappelle plus quand. D'accord, ok. Voilà. Bon, et en tout cas tu voulais réagir, tu fais du naturisme toi aussi Enzo là? Ben voilà, il faut dire qu'il y a le naturisme cul-nu qu'on appelle aller bronzer sur une plage et après rentrer à la maison et voilà. Ouais. Et après il y a les cas naturistes comme le Cap d'Agde, comme... tous ces trucs où c'est que là on est à poil du matin au soir, voilà. Ouais, dans les villages carrément, hein. C'est ouf. Voilà, c'est bizarre, après, tu vas faire tes courses nues aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, après il y a les libertins, après il y a les hammams, il y a les douches, il y a les massages, voilà, il y a les boîtes échangistes, tout et tout, et voilà, bon, après le Cap d'Agde c'est ouvert pour tout, hein. Et toi t'as déjà fait du naturisme depuis quel âge alors? Moi j'en avais fait avec mes parents à l'époque. On a fait comme ça. Et c'est vrai que la première impression que j'ai eue, on est à l'aise. Parce que quand on va se baigner, quand on fait des bains de minuit, on se baigne sans maillot. Ouais. Voilà, non, mais se baigner nu, ça me donne envie de me re-baigner nu. Le fait qu'il m'en parle là comme ça me donne envie de me remettre. Trop agréable, on y met tout nu. Non, c'est clair. Parce qu'on n'a pas le maillot qui colle, le sable, tout ça, on est à l'aise. Le maillot qui gonfle là. Le maillot, ça c'est insupportable. En septembre, je vais à l'île du Levant, près de Toulon, il y a le concours de Miss Naturiste. Il n'est pas permis d'être nu au Café du Commerce. Salut à toi là. Salut. Vous êtes les meilleurs pour mon anniversaire, 13 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Ouais, le 29 juin. Un gros bisou à tous. Ah, attendez, on va parler de naturisme parce que vous êtes déjà arrivé à un truc un peu marrant avec le naturisme. On se fait Pitbull, on se fait en mode été là, reggaeton. On va se le faire là. Daddy Yankee et Big Ali, c'est un extrait un morceau de reggaeton, mais on va se faire Pitbull maintenant. Avec Makassi, El Takfi. On se le cadrera, on sera Maître Gims juste après, ma beauté. On se le cadrera, les One Republic aussi, tous les plus gros hits. Hein, de toute façon, 21h, minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Soyez bienvenus les mecs, on passe ces soirs ensemble, première radio de France. C'est ici que ça se passe, hein. Éteignez les autres, ça sert à rien. Faut être sur énergie, sinon vous allez vous emmerder ailleurs. On passe les soirées ici, c'est ici que ça rigole. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, les potos. Yeah. viens dans mon taxi. Quand elle monte dans la gouva, je claque des doigts en feuille de bois. Coupe de champagne, bébé, détends-toi. Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Non, non, non, tu ne rentreras pas. Non, non, non. Elle sourit, se colle à moi, ses fesses sur moi font bam, bam. Elle suit le son, ah, ça danse. Un doux suçon, elle soupire et frissonne. Elle est le taxi, la conocí caminando por un backstreet. Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer. Está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula. Lula, con culo de mula. Tous ses vêtements, oh my god, c'est horrible. Tout, je crie comme Homer Simpson, choqué. Son boule me fait perdre la bouche, j'en oublie ma tournée. Et le tel sonne, les autres attendent, elles vont me prendre. Oh yeah, murder they run. Envie, j'ai vu ta foule et chérie, viens dans mon taxi. Fallu attendre la fin de l'année pour qu'ils aient des horaires simples. Du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur NRJ. Allez, de retour. On se calera tout à l'heure, Momi, là. On sera à plaisir avec Aloha. Bonne nuit tout le monde, 21h44. Comme tous les mercredis, tout à l'heure, il y aura Jordan l'apprenti qui viendra, notre apprenti qui apprend la radio et qui nous présentera un objet chaque semaine. Il nous présente un truc un peu marrant. D'ailleurs, il y avait quelques semaines, on avait fait un objet. C'était le ventilateur USB. Ah ouais, fort. Et en fait, le ventilateur USB, vous allez me dire, on l'a entendu partout, c'est vrai. Sauf que là, il y a un truc un peu différent. C'est un ventilateur USB que vous mettez, sauf que quand il se met à tourner, ça se met à dessiner une horloge avec un petit capteur à LED dedans et ça fait comme si vous aviez une horloge en fait sur le bureau en plus, mais en ventilateur. Allez voir, je vous ai mis la vidéo. Si vous avez Instagram, vous pouvez le voir sur mon Instagram, c'est Guillaume Play. On est 519 000. Guillaume Play, P-L-E-Y, 519 220 déjà. Merci. Et sur la page Facebook, vous pouvez venir liker aussi. C'est deux secondes, on est 1 942 000. Voilà. On est en route vers les 1 million, vers les 2 millions. 2 millions, ouais. T'as plus que 50 000. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Et il va être 2 millions, c'est un truc de fou. Voilà, Guillaume Play, P-L-E-Y. Ah, on a dit qu'on ferait un gros 2 millions, truc. Ouais, au Stade de France. On a dit. Déjà, l'Olympia, ça serait énorme. Ah ouais, ah, je serais le plus heureux des hommes. Ah ouais. Ah ouais. Avec le nom en haut, ah ouais, putain, ça serait vraiment tellement drôle. Salut Guillaume, vous êtes les meilleurs pour mon anniversaire. Eh ben, bon anniversaire à vous. Bon anniversaire. Perso, bon mon père a tourné dans Camping 3 à énorme. Ah. Salut Guillaume, Zika, c'est mon meilleur pote Maxime qui vient de se mettre avec sa meuf depuis le temps qu'il l'attendait. Bonsoir Mélanie. Ah bah bravo. Moi, je vous adore, toute l'équipe. Serait-il possible de gagner une PS4? Eh ben, on va les filer juste après. Il y aura l'énigme, on vous file aussi les drones DJI Phantom 3. On parlait de Cunu, on parlait aussi de naturisme. Tu m'entends, Laetitia, 28 ans là? Oui. Ça va, Laetitia? Ça va, et ça, tranquille ou quoi? Salut. Salut. Ça va, papa? Salut la famille. Salut. Comment salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Ça va ou quoi? Tranquille. Bienvenue. Ça va, tranquille. Ouais, tranquille. Ouais, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Ouais, le plaisir. Bah oui, vous êtes toujours derrière le poste de radio. T'as pas de bol. T'es jamais passé avec nous, Thomas, Laetitia? Jamais. C'est ton dépucelage radiophonique, vraiment. Ouais, vraiment. Oh, que c'est bon. Magnifique. Oh, que c'est bon. Et en plus, pour le à poil, t'imagines le dépucelage? Ah ouais, c'est vrai. Ça va plus vite. Ouais. Alors, vas-y, raconte-nous un peu ton expérience de naturisme. On est au Texas. J'ai pris une musique de cowboy. Vas-y, raconte. Non, parce qu'on est en Camargue, en vrai. Il y a les chevaux aussi. Ah, toi, t'es où? T'es à Champignol, toi? Ouais, moi je suis à Champignol, j'habite à côté de Nancy et du coup. Donc, t'es Camargue. La Camargue, mais c'est non, vers Arles. C'est le cunil qu'on fait en Camargue. Ah, ah. Ah là là, bon. C'est ça. Sauf qu'on n'est pas dans les arènes. Ah, c'est vrai, ouais. Putain, c'est... Et là, et donc tu fais du cunil avec qui? Eh ben là, j'en sais plus, malheureusement, parce qu'il faut que j'initie mon mari. Il est pas chaud, lui, il a peur. Il est un peu comme toi, tu vois. Il se dit, si jamais il reçoit une petite bombasse qui passe et que le hop là, ça monte tout seul. Ouais, c'est vrai, mais pour une femme, c'est moins dérangeant, quoi. Au pire, elle mouille, mais tu vois pas. Ouais, c'est pas pareil. C'est un peu gênant entre les cuisses quand même, hein, je te rassure. Ouais, mais ça va, il faut. Ouais, mais ça, attends, ça va ébouler de panneaux. Attends, c'est clair. Faut pas être fontaine comme ça, non. Non, attends, ça veut pas. Non, tu sens un truc qui te dérange et tu vas dans l'eau. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais c'est pas pareil, quand même. Quand t'es vraiment pour un garçon, c'est plus compliqué, je trouve. Plus compliqué, le cachet, ouais. C'est... Ah ouais, bah ouais, tu vas dans l'eau. Ouais, parce que même, tu vois, moi j'ai les caleçons, je sais que ça peut se voir, les caleçons, je sais que ça se voit pas. Il y a des caleçons qui sont plus serrés que d'autres. Ouais, le serré, faut pas le mettre quand tu... Bah si, moi, le serré, je le mets quand je sais que je peux, je sais que je vais être sur scène, par exemple. Ouais, bah oui. Pour voir ta bosse. Serré, j'ai pas vu qu'il y a une bosse. Et non, mais c'est vrai, c'est serré, la bosse, elle est plus apparente. Et tout est organisé, hein. Et donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, t'as fait du naturisme avec tes parents? Ouais, voilà, bah écoute, moi, j'ai découvert ça à l'âge de 10 ans à peu près. Mon père, il s'est mis avec une nouvelle dame. Et du coup, ses parents, ils faisaient du nudisme. Donc, ils nous ont pris avec eux en vacances. Et c'est là qu'on s'est initié au naturisme. Dans un camping? Sur la plage. En fait, c'était la seule plage de France sur laquelle tu avais le droit de camper. Ah donc, t'habitais sur la plage directement. C'est où? C'était tu prenais ta douche où et tout? Enfin... C'est à toi d'avoir tous les appareils, tu vois, mon père il avait une caravane, le grand-père il avait une caravane, et puis nous on avait une toile de tente pour dormir. Ah oui, et d'accord, coup, ah, c'est les équipements, c'est un peu à la route, la douche solaire. C'est ça, les équipements spéciaux, tu fais chauffer ton eau le matin, et puis voilà quoi. Ouais. De toute façon, t'as la plage, t'as la mer juste en face de toi. Et ouais, mais la mer, tu te laves pas dans la mer, attends. Pas te doucher. Ah bah non, parce que t'as la partie habillée et la partie cunie. Si tu veux, quand tu rentres sur la plage, tu commences par voir tous les habillés. T'as les textiles. En gros, t'as tous les sacs poubelles, voilà, les habillés. Bah nous, on les appelle les habillés. Ou les cradocs, si tu veux, parce que du coup, sérieusement, les habillés. Dans le camping, ils en parlent en plus, les textiles. Je suis inhabillée, hein. Bah ouais, mais honnêtement, tu vois tous les sacs poubelles partout, tu vois tous les déchets. Enfin, c'est vraiment les gens, ils partent et tu vois qu'ils sont passés là. Ah ouais? Alors qu'après, ouais, et après, t'as une pancarte qui écrit nudisme, et tu traverses là, et là, c'est vraiment au pays du cul nu. Donc, ah, tu vas surtout énorme. Pas avec un t-shirt parce que tu seras regardé de travers. Ah et ouais, d'ailleurs, tu parlais de l'érection, c'est pas comme l'autruche, hein, mais pas ta teub dans le sable. Hein. Parce que l'on te reconnaîtra, tu seras le pervers de la plage. Ouais, mais alors, comment tu fais si t'as une érection à la plage naturelle? C'est une question que tous les hommes se posent. Ah, tu mets ta main devant. Il n'y en a pas. Ah si, non, il y en a pas. Honnêtement, mon père, il buguait aussi hein, la première fois qu'il a été sur la plage. C'était son premier ressenti. Oui, on a monté la caravane. Non, parce que justement, je me dirais, moi, la première chose, je me dirais. En fait, le fait d'y penser, je vais bander, je le sais. Ah, mais tu t'arrêtes. Le fait de me dire, faut pas que je bande. Moi, je vais aux toilettes. C'est comme chez le médecin, tu vois, ou quand tu es à l'infirmière et tout, t'as toujours un truc où tu dis, putain, pour rien, merde, si j'ai une érection, c'est chaud, quoi. Même à la piscine, en maillot. Et t'es en cours. Ouais, exactement. Avec ton moule bite là, tu dis, si tu bandes, c'est la merde, c'est la honte. Ah ouais, c'est la honte. Ouais. Et là, tu vas à l'eau direct. Il y a les meufs qui te regardent. Il y a deux solutions. Il y a ou tu cavales à l'eau, ou alors tu imagines que des escalopes qui dégoulinent. Ouais, comme ça, t'es tranquille. Oui, t'essaies de penser à des trucs qui te dégoûtent un peu, mais. Faut pas te mettre à cavaler direct, hein, ça fait trop. Ouais, mais t'as beau penser à des trucs moches, etc. Enfin, il suffit que tu te dises, je vais pas le faire, je vais le faire quand même, quoi. Attends, il y a juste Yvan. Bonsoir, Yvan. Ça va ou quoi? Tu m'entends, Yvan, à Perpignan? Ah, attends, je un peu. Ouais, dis-moi. T'es dans la tramontane, Yvan, là? Non, en fait, comme j'explique à Mina, je suis en plein boulot, là. Ah, d'accord. Ah, t'es où? Tu travailles où? Les parachutes? Je suis partout, en fait. Je suis convoyeur, moi, c'est pour ça. Ah, t'étais pas déjà passé avec nous il y a longtemps? Non, malheureusement, j'aurais bien voulu, mais non. T'es pas convoyeur dans une voiture? Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Me dis pas. Je vais me concentrer, d'accord? Excuse-moi, hein. J'ai besoin de concentration. J'ai besoin d'une seconde hein, pour me concentrer. Concentre-toi. Je suis Issa Chessu, le grand voyant Issa Chessu. Je suis avec Boubou. Boubou le marabout en Boubou le burkinabé de Boulogne-Billancourt. Oui, bonsoir, je suis Boubou le marabout. Présentement, enchanté à la radio. J'ai l'impression que je vous vois, Yvan, convoyeur de fond, dans une voiture banalisée. Eh ben non. Je vois du banalisme. Du cannibalisme. Putain, spolté. Ah putain, c'est pas ça. Ah, attends, t'es dans quoi? T'es dans genre la Brinks et tout là? Non, non, mais il est tard là. En fait, je suis dans le convoi exceptionnel. Ah, les gros trucs là. Putain. Avec le gyrophare orange. Ah ouais, d'accord. Voilà, ceux qui emmerdent tout le monde sur la route. En fait. Ah ouais, bah non, bah c'est normal, il faut bien faire passer les gros trucs. Attends, mais tu peux remonter la fenêtre, mon Yvan, parce que c'est pas grave le bruit du vent. Bah non, mais j'ai la fenêtre fermée, mais le truc, voilà, je suis en plein convoi en fait. Ah ouais, t'es en train de rouler? Exactement, avec le kit main libre. Ah, bon alors attends, tu sais quoi, on va te rappeler dans deux minutes, parce qu'il y a justement la pub, il est 21h51, on va faire rentrer Jordan Lapointi, qui voulait nous montrer un objet, on va parler de QQ après, on a l'énigme aussi, on a des cadeaux, des drones, des JI Phantom 3, et on va parler d'un autre truc aussi, je vais essayer, il y a un coup de fil à l'instant. Ouais, le mariage. Le mariage. Un mec qui a des problèmes d'oseille et qui va annuler son mariage. Ah, on va parler des trucs un peu marrants ou pas marrants, un truc de ouf. Une histoire de mariage. Est-ce que vous êtes déjà dans un mariage, JM du standard? Ouais, j'en ai fait plein des mariages. Ah ouais? Ouais, bah ouais. On t'y marie. J'en ai essayé. Oh, t'es curieux ou quoi? Qui se marie en plus. Ah, c'est vrai? Je suis maître de cérémonie, j'ai rien préparé. Ah, c'est quand? C'est le 26 août. Ah, bah il faudrait se dépêcher. 27 août, ouais. Faudrait se dépêcher. Je sais pas, je l'ai prévenu que j'allais pas avoir beaucoup de temps. Tu es MC? Ouais, c'est ça. Je parlais beaucoup. Elle filme. Alors, putain, JM du standard avec les phrases claires qu'il fait. Ah ouais, ça va être non, parce qu'en fait, je voulais. Enfin, on va la marier. Ouais, embrassez-vous. Voilà. Embrassez-vous, c'est pas les couilles. Dis oui. Ouais, dis oui. Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais, est-ce que vous êtes déjà arrivé une merde dans un mariage? Et on en parle après. Vous êtes auditeur d'énergie. Et vous serez parmi les rares privilégiés à assister à la finale de l'Euro 2016. En plus, juste avant le match, vous rencontrerez David Guetta au calme à son hôtel. Dès que vous entendez le double hit Énergie, avec deux hits de David Guetta à la suite, soyez les premiers à appeler Énergie 3937. J'ai entendu le double hit. Et vous gagnez un événement dont vous vous souviendrez toute votre vie. La finale de l'Euro 2016. Pop, R&B, Dance. Ici, c'est Énergie. Venez voir vos stars préférées sur la scène du Énergie in the Park. Vous étiez plus de 40 000 l'an dernier. La troisième édition du Energy in the Park. C'est le 8 juillet à Angers-Trélazé. Sur scène, Ritza, Willy Williams, Souf, Boosty, Macassé, Unique, France, Slimane, Chris Cab et Jennifer. C'est Jennifer sur Energy. Le Energy in the Park. Présenté par Guillaume Play. Le 8 juillet à Angers-Trélazé. Un événement Energy. Hit music only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Chez Sarenza, nos clients savent que les soldes, c'est ludique. D'ailleurs, Claire, qui vient d'acheter des Converse, l'a parfaitement intégré. Allô, Sarenza, je vous renvoie les bleus. Allô, vous pouvez me les renvoyer en blanc? Allô, finalement, je les voulais rouges. Et quand Bruno lui demande... Dis donc, jusqu'à quand tu vas jouer à ce petit jeu avec Sarenza? Elle répond d'un air évaporé... Ben, 100 jours, ça nous amène en septembre. Si vous avez l'impression que Claire abuse, eh bien non. Le retour est bel et bien gratuit pendant 100 jours, même pendant les soldes. Sarenza.com. Ninja Turtles 2, les 4 frères les plus cool reviennent au cinéma. Leonardo. On s'équipe les gars. Donatello. C'est parti. Michelangelo. J'ai un look de tombeur. Et Raphaël. Il ferait quoi avec Diesel? Sans peur. Il regrette. Ninja Turtles 2. Aujourd'hui au cinéma, vivez le Turtle Power en 3D. Avec Énergie. Allez, de retour sur Énergie, bonne soirée tout le monde. On se fera Loa, comme promis, hein, tout à l'heure. On se fera Mommy, Mom, 21h54. On se fait Maître Gims qui arrivera aussi. C'est ce morceau, il s'appelle Ma Beauté. On se calme maintenant et juste après. Ça va, Jordan Apprenti? Ça va et toi? Ouais, toutes les semaines, t'as un objet un peu marrant. Ouais. À chaque fois, franchement, il y a des trucs de fou. Hein. Ouais, genre une moto à une roue centrale avec juste une seule roue. On a toujours pas reçu le modèle pour faire la vidéo. C'est toujours à la douane. C'est bizarre. Ouais, on a eu un prototype, international et apparemment l'objet est bloqué à la douane. Là. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire ce soir, tu as un autre objet. Ouais. La semaine dernière, on avait un petit ventilateur qui fait horloge. Il marche bien d'ailleurs. Il marche très bien. Je vous ai mis. Je te l'ai volé. Voilà, je vous ai mis la vidéo si vous voulez mater. Franchement, c'est abusé. Vous allez voir, c'est vraiment, ça fait kiffer. Vous allez vouloir le même. Ça, en plus, ça vaut pas cher. C'est une bonne idée de cadeau pour la fête des mères, la fête des pères ou l'anniversaire de Daron, de vos frères et sœurs et tout. Ça coûte combien le ventilateur déjà là? Coûtait 20 balles, je crois. Ouais, une vingtaine d'euros. Ouais, ça va. Guillaume Play, Play. J'ai vu, vous étiez déjà 200 000 à avoir vu la vidéo là en même pas une heure. Ça fait plaisir. Je vous l'ai mis sur Instagram aussi. Voilà, pareil. Hein, Guillaume Play, Play. Allez mater ça. Ce soir, nouvel objet. On en parle juste après. On va parler des mariages. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un truc un peu marrant dans les mariages? On en parle juste après. Une galère, un truc un peu rigolo, une chute, une tâche, voilà, un feu de la robe de marine, connerie. Guillaume et votre message aussi, 112, on en parle après. Maître Gims, Ma Beauté sur Énergie. Faire la cour, tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais. Je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça. Ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché. Maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues elle t'abandonne. 21h, minuit, du lundi au vendredi. Eh ben voilà, c'était pas si compliqué de faire simple. Du lundi au vendredi de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur NRJ. Il est agréable ce jingle, ouais. Oh là là, ça fait du bien. Il est 21h59, nous sommes en direct sur NRJ. Je mets des petites musiques de Toy Story ce soir, j'ai envie de la jouer dessin animé, voilà. Bonne nuit tout le monde, en tout cas 21h à minuit, c'est 3h d'émission en direct chaque soir. Nous sommes dans le petit studio, on prend le tout petit studio d'NRJ, vraiment celui qui ressemble à rien, pour faire cette émission, parce qu'on aime bien être confiné, on aime bien être serré entre nous, on aime bien on la peut petite, se toucher. Petite équipe, ouais. Petite, voilà. Pleine lune, petite nuit, on la passe ensemble à chaque fois. Et vous voulez venir avec nous faire de la radio, c'est gratuit, hein, totalement. Vous nous appelez 0870 42 48 sur le fixe, c'est gratuit. 0870 42 48 par mail, guillaume@energie.com. Et par SMS, Guillaume au début du texto, vous l'envoyez au 6 11 12. Vous savez comment, Ruquier, c'est une dédicace à Peggy, Stéphane et à mon collège Gérard Philippe de Cougoulin. Salut Orlan du 83. Je vous kiffe, vous êtes les 100, les meilleurs. Salut Julien de Marseille. Merci. Je vous kiffe, vous êtes. Meilleur, je vous adore Guillaume, toi t'es trop sexy, gros bisous, merci beaucoup, je vous adore les gars, merci pour tout. Dédicace à Alex de Cambrai, eh ben, gros bisous Alex de Cambrai. Ça fait 5 ans que je vous écoute et je vous adore. Jessica encore, salut. Ah, bisous. Salut Jessica. Corse du Sud. Salut les gars. Alors, Jordan l'apprenti. Oui. Notre apprenti, oui. Qui apprend à faire de la radio, qui c'est est ça. Avec nous pendant quelques mois là et qui est tous les mercredis. C'est ça. Voilà, qui passe la tête tous les mercredis dans le studio pour nous présenter un objet différent. Ouais. Tu nous as montré, il y a quoi comme objet déjà qui était exceptionnel que tu nous as montré? Juste les objets qui t'ont marqué, moi, Jordan l'apprenti. Le t-shirt fluorescent là, t'écrivais sur le torse. Ah, ça c'était moi, c'est mon préféré. C'est un truc bête, mais. Non, moi c'est la moto à une roue. Ah, mais oui, ouais, mais. Une roue et l'objet qui fait le bruit de Ferrari. Ah oui, ouais. Ça c'est ton. Ça c'est ton hit international. Ah, voilà. C'est bon, ma beauté, quoi. C'est un objet qu'on met dans la prise allume-cigare de la voiture et ça dégage dans les enceintes en fait un son dans l'autoradio. Vous prenez une fréquence sur le petit boîtier sur l'autoradio et quand vous accélérez, ça fait comme si vous aviez une Ferrari, voilà. Ouais, ouais. Et alors, qu'est-ce que t'as ce soir? Alors ce soir, c'est je crois que tu l'avais vu aussi, c'est le Life Straw. C'est une paille qui te permet de filtrer l'eau. Peu importe l'eau dans laquelle tu bois, ouais. Et ben ça te filtre l'eau et ça la rend potable, même une eau qui n'est pas potable. Putain, je rêvais de le voir cet homme. Ah, ça transmet. Ah ouais. Je vous jure, c'est vraiment mon objet préféré. Non, il est hallucinant. Tu sais pourquoi c'est mon objet préféré? Parce que c'est celui qui sauve des vies. Ouais, c'est ça. C'est une belle phrase. Non mais c'est pas une belle phrase, c'est juste vrai. Ah oui, c'est vrai. Et c'est un truc qui améliore le monde, mais truc de ouf. Hein. C'est cet objet-là, il sauve la vie de beaucoup d'Africains qui n'ont pas à boire et tout ça. Et c'est un truc de fou. Pour expliquer, ça ressemble à ça ressemble pas à une grosse paille du tout. Non, je dirais plutôt que ça ressemble à un manche. Ça ressemble à un manche de nunchaku. Ouais. Mais bon, c'est un peu compliqué. Ça ressemble à une lampe torche. Et au bout, vous enlevez un petit capuchon, vous pouvez mettre votre bouche, j'imagine, c'est ça, Jordan Apprenti. Tu mets la bouche. En fait, il y a des filtres à l'intérieur. C'est ça. Vous le trempez dans l'eau et vous aspirez l'eau. Et c'est ça. Vrai. Et tu peux faire jusqu'à 1000 litres avec. Voilà. C'est énorme. Donc, c'est-à-dire qu'un habitant, il peut boire 3 litres d'eau par jour pendant un an. Ouais, voilà, c'est ça. Quasiment. C'est-à-dire qu'il peut la garder deux ans et quelques. Ça. En fait, ils bossent beaucoup avec les ONG dans les pays africains ou en Inde, notamment. Et ça permet d'aider plein de gens. Et ça, c'est une association non, ça, c'est une société qui fait ça. Mais en fait, ça se vend au grand public. Si tu veux en acheter une, tu peux. Mais ça se vend aussi pour les, ça, en fait, les pays. Ils vendent plus moins cher, aux associations. Ah, ils font des prix pour les associations. Des prix pour les ONG, Bah non, mais c'est normal, il y a des sociétés qui leur font pas. Ouais, c'est ça. Hein. C'est des sociétés privées. Et combien ça coûte une paille pour boire de l'eau n'importe où? Alors, celle-ci, au grand public, elle est vendue 60 euros. C'est le modèle très haut un peu haut de gamme. Ouais. Et t'en as une qui est un peu moins chère à 27 euros. D'accord. Tu m'avais pas dit qu'il y en avait une à 2 euros? Si, mais c'est pour les ONG en fait. Ah, des ONG. Mais c'est ça que je te demande, moi. Combien ils achètent les ONG? Ah, les ONG. Ouais, pour envoyer en Afrique et tout. Après, quand j'ai demandé à la femme, elle a pas trop voulu me dire, mais j'ai vu des sites qui disaient 2 euros à peu près. Mais voilà. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Bah, c'est bien. Hein. Après, c'est ça dépend des pays. Non, des ça dépend et tout. Ça. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et alors, attends, et donc cette paille, tu peux la mettre vraiment dans les chiottes là? C'est ça. Bah, en fait, tout à l'heure, je suis parti chercher l'eau de la Seine dans une petite bouteille. Ah, si tu veux, c'est vrai? Ouais, non, c'est la vraie eau de la Seine. Je suis parti. Elle sent ou pas? Il y a un truc? Bah, tu peux ouvrir la bouteille. J'ai récupéré un peu d'eau. C'est vrai? Non, oui, c'est pas. Tu t'es filmé en train de la prendre? Ouais, c'est vrai? J'ai pris notre caméraman et on est parti filmer quand j'ai été récupérer l'eau de la Seine. Ça sent mauvais ou pas, j'essaie? Ouais, ça non. Ça après, quand il n'y en a pas beaucoup, ça pas. Ça sent pas. Hein. Non, ça sent rien, je te jure. Ça n'a pas pué. Tu as essayé, toi, ou pas, non? Ouais, j'ai essayé. Ouais. Et est-ce que tu as essayé dans les chiottes et tout, là? Non, pas dans les chiottes. Des toilettes, tu peux l'avoir. Alors, il paraît. Alors, attendez, écoutez bien. Si, parce qu'il paraît. J'avais vu un truc. Même si tu as un cadavre qui pourrit dans une flaque d'eau, tu peux aller boire la flaque. Ouais, ça enlève tous les trucs. En fait, ça enlève 100% des trucs, c'est ça? 99,9999. Voilà, voilà. Je crois qu'il y a une seule bactérie qui reste, puis tout, genre, tout ce qui est machin, ça marche. Et ça enlève l'odeur, ça enlève la couleur, c'est ça. Ah, mais si par exemple tu vas, l'eau des chiottes, moi je préfère largement. Ah bah oui. J'ai même ça, tu te rends pas compte. Non, boire l'eau des chiottes en France, tu peux boire. Que d'aller boire dans une flaque d'eau, c'est sûr. Avec un cadavre dedans ou un cadavre d'animal ou. Et l'eau de mer, ça marche ou pas? Non, l'eau de mer, ça marche pas avec le sel, je crois. Non, ça désalinise pas, ça enlève les bactéries, c'est différent. C'était une question. Mais c'est pas con. Ça c'est pas. Non, mais c'est pas con. Là, tu fais, t'imagines? Pour boire, c'est l'eau de mer dans les pays chauds. Non, mais c'est sûr, c'est les économies qui font. Et alors, attends, donc ça, c'est de l'eau. Est-ce que tu veux essayer? Ouais, vas-y. On peut essayer. Si je suis malade, non, si j'ai des boutons. Tu veux pas essayer? Franchement, je sais que ça marche, mais je peux pas. Ah, attends, Flo, des cadeaux. Ah bah oui, ouais. Alors viens dans le studio. Ah, il y a un verre. On va essayer. J'ai pris deux verres même. On va essayer. On va trinquer. On va essayer la paille alors. On va voir si ça marche. D'accord. Alors attends, boire l'eau de la Seine même. Flo des cadeaux, ça te fait pas peur? Non, bah non, je veux voir si ça. Bah, si franchement ça marche en Afrique, sur les vraiment 99%. T'es sûr que ça marche, Jordan? Ça sera bon. L'eau de la Seine, c'est chaud. T'es sûr que t'as bien activé? T'es sûr c'est pas. Alors là, Flo des cadeaux, tu vides dans un gobelet l'eau de la Seine. Elle est claire. Elle est claire, attends. Ouais. Comme non, la vitelle. T'es sûr que t'as pris l'eau de la Seine? Il y a une vidéo, il y a tout. Il y a la même bouteille, tout. On a tout fait. Ah, mais c'est bon, de toute façon, on pourrait truquer si vous voulez. Non, mais j'ai arraché un petit bout aussi, j'ai tout fait en sorte pour que ça se voit. Non, je crois que. Ouais, Il y a pas mal de petits. Vas-y, parle dans le micro. Il y a un petit dépôt, quoi. Flo des cadeaux. Il y a pas mal de petits dépôts quand même dans les verres. Ah, c'est vrai? Même si l'eau est claire. Et l'odeur? L'odeur ou pas? Non, il n'y a pas d'odeur. Attends, passe-moi, j'ai mis le sang dans ce qui est bien. Attends, tu sais que ça. On va tous boire un verre de toute façon. Alors, attention. Ah ouais, ah oui. Ça se voit quand même. Il y a des petits trucs. Ah non, elle est dégueulasse. En fait, de loin. Ah oui, non, non. C'est ça. Non, ça se voit. Après, ça sent pas. Non, non, ça sent pas. Non, moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Et tu pourrais la boire là en fait. Alors, par contre, de loin, elle est claire, de près, elle est marron. Et tu mets des glaces dedans. En fait, on peut pas se rendre compte, mais si, elle est. Il y a plein de petits trucs dedans, tu sens que c'est. Faut pas la boire quoi. Bon, alors, en tout cas, on va essayer. Qu'est-ce qu'il y a, Mila, du standard? Ça me dégoûte. C'est vrai? Mais la Seine, je crois que c'est le truc le plus sale. On peut faire avec plein de trucs, de l'urine. Il y a malheureusement plus sale sur Pierre. Mais l'urine, ça a rien à voir. Et donc, je peux boire aussi. Et donc, alors, si tu veux. Alors, tu as goûté, Jordan Apprenti? Si tu veux, je peux commencer. Si vous avez pas confiance, vous avez peur que ça soit. Ah non, c'est ton objet. Tu sais, moi je préfère faire ça qu'un truc avec l'électricité ou un truc comme ça. Alors, vas-y. Donc en gros, le truc, faut tirer bien fort au début pour l'activer parce qu'il y a de l'air. Ouais. Donc tu fais le temps que ça arrive un peu à ta bouche, ça met un peu de temps, tu souffles un peu pour que ça enlève l'air et après tu peux boire. Oula, t'aspires, tu souffles. C'est ça. T'aspires très au bien, début très et bien. Après tu souffles. Vas-y. Faire, on t'écoute. Alors là, il est en train d'aspirer. Attends, et là ça baisse pas trop le verre. Non, y'a rien qui prend là. Là y'a rien, là t'es en train d'aspirer l'air. Ah ouais, là ça baisse, oh putain. Tu bois là? Ah ouais. Il boit. Il boit l'eau de la Seine, il quoi. Il a soif. Non mais attends, il va pas faire un. Pas tout. Un truc non plus. Hein. Ah, non, mais les... Voilà. Et là, et le goût, ça donne quoi? Ça a pas de goût, c'est de l'eau. Non, c'est vrai? Putain, c'est dingue. Vous l'essayez? Vas-y, alors vas-y, flot des cadeaux là. Comment tu fais? C'est marrant quand même. Tu aspires comme si tu buvais une. Après, l'autre jour, j'ai vu un reportage, ils ont fait ça dans une centrale nucléaire, ils ont bu l'eau du réacteur, moi je l'aurais pas fait ça. Ah non. Mais j'aurais peur de perdre mes cheveux. Putain, flot des cadeaux. Alors lui, il boit ça, mais il a l'impression qu'il est boulu. C'est un cocktail. Attends, vas-y. C'est de l'oasis haute Seine. Non, mais c'est super bien. Ça va, ça a pas de goût. C'est vrai? Enfin, ça a de goût d'eau quoi. D'eau, ouais. Ah, t'as vraiment comme si tu buvais l'eau du robinet quoi. Tu veux essayer, je vais ou pas? Pas attention, personne n'est obligé. Ouais, je suis pas sûr de savoir faire le geste. Moi, je ne ferai pas. Problème après. Moi, je sais pas. C'est quoi alors le truc? Faut juste aspirer. T'aspires fort. Je dois travailler demain matin, donc je ne ferai pas. J'ai un gros truc en plus. Non, ça serait con d'être malade, mais alors. Attends, j'ai stagiaire. Allez, je suis là, stagiaire, il y va. Hein. Ouais. Ça fait sens. Et bois pas tout. Hein. Laissons pour Gilles. C'est bon. Bah, c'est de l'eau. Ouais, mais c'est ce que tout le monde dit. Ouais, c'est de l'eau. Il y a même pas un goût de charbon, un truc avec les filtres. Non. Attends. C'est marrant. On essaye la paille. J'ai envie de roter, pardon. Qui sert pour on utilise la paille là qui sert pour plein d'ONG en Afrique à boire l'eau. C'est ça. Et ça c'est vachement, c'est super bien d'avoir. Franchement, c'est super bien d'avoir inventé ça. Bravo. Pour ta paille, essaye avec du Coca. C'est beaucoup plus impressionnant. Tu n'as plus le goût du Coca. Ah ouais. Est-ce qu'on peut trouver une canette de Coca en courant? Et ça fait de l'eau quoi. Au quatrième étage, s'il vous plaît. On va nous chercher du Coca. Voilà, il y a un gars qui est parti nous chercher du Coca en courant. On va boire du Coca. Il y en a un qui dit apparemment il y a de l'eau à l'arrivée quoi. Ah ouais. Ça enlève ça nique le Coca. Toutes les particules, c'est dingue. Ah, avec le vin c'est pareil, ça non. Toutes tout, les particules en fait, comme le Sprite ou je pense que toutes les et l'alcool. T'as pas de truc que j'ai à saisir. Non, j'ai rien. T'as pas de soda ou quoi avec toi. Que de la vraie eau, on fait ça avec le. Gilles, tu voulais goûter ou pas? Je voulais goûter mais ça m'embête de passer après je viens stagiaire. Ah, pourquoi? Il y a des problèmes avec les chicots tout le temps. Ça rien à voir. Je suis propre. Salut mon copain, m'a trompé avec une fille de 19 ans et lui il y a que 14 ans. Salut Léa. Alors attends, je vais on va t'appeler Malia. Il faut juste que tu me laisses ton numéro. Mathieu Flamini doit jouer à Dortmund si tu veux. S'il veut rejoindre l'équipe de France, j'ai pas compris. C'est un genre de foot. Oui, non, mais ça, je sais, merci. Je t'adore, super, ton émission continue comme ça, Nicolas Secouet. Jean de la Fontaine en Alsace, c'est la 6ème 3. Vas-y, mon Jim, essaye. Tu pousses et après t'aspires. Tire très fort, ouais, tire très fort. Vas-y. Après, ça vient, tu verras. Et là il descend là ça descend pas mal là. Ouais. Ah ouais, là il prend de l'eau. J'aime du standard qui goûte. Est-ce que ça enlève le fluor, il y en a qui dit là. Ouais c'est de l'eau. C'est marrant. Ah, essaye, Guillaume. Non, je vais pas essayer parce que demain j'ai un truc si j'ai la chiasse. Imagine ça marche pas, on est tous dans la merde. Mais ah ouais. J'ai hâte avec le Coca par contre. Avec le Coca ça doit être impressionnant. C'est l'eau à la base. Quand tu le recraches en fait. Attends, mais vider l'eau sale, l'eau de la Seine, voilà. Et prends un verre propre, il y en a d'autres sinon. Nettoie là un peu peut-être la paille aussi. Ah ouais, il faut la vider ou pas? Non, il y a pas besoin. Ça se lave tout seul. Non, c'est vrai. En fait, c'est les filtres, c'est il y a un petit dessin sur la boîte, c'est plein de petits fils et c'est un nouveau système de filtrage. Avec combine parce que attends, il y a qui comme ONG là qui aide pour faire un petit message pour une ONG. Ils m'ont pas donné de nom malheureusement. Il y en a plein. Bon, en tout cas, c'est pas trop communiqué dessus en fait. Ah ouais, c'est vrai. Bon, c'est bien. Mais ça s'appelle LiveStraw. LiveStraw, c'est ça. Et c'est-à-dire si tu pars en camping ou quoi, tu peux acheter ça aussi. C'est pour ça qu'ils vendent ça aux particuliers et tu as une version. Tu vas à l'étang, t'imagines? Ah oui, c'est ça. T'as une version avec une gourde aussi. Avec une gourde? Ouais, pour une gourde. Ah, très bien. Attends, on a du Coca. Alors, merci Thomas qui est parti chercher du Coca. Là, c'est du Dr Pepper. Bon, c'est pas grave, c'est pareil. Ouais, c'est. Qu'est-ce qu'il y a chez Sandar? On va voir la date du Dr Pepper. On s'en branle, De toute façon, ça enlève les bactéries, t'inquiète. C'est pour essayer. De toute façon, le soda ne se périme pas. Hein. Il sera juste plus gazeux, c'est tout. Ouais. Allez, vas-y, mets-le rapidement dans une canette. Qui c'est qui essaye en premier? Flot des cadeaux? Moi, tu veux, je sais. Vas-y, Jordan Apprenti. Alors, mets la paille dedans. Flot des cadeaux, il tient la paille au-dessus du truc, il y a tout qui tombe depuis tout à l'heure, toutes les gouttes. Ah, il a pas compris. Allez, essaye avec Il y a un verre pour cracher, du coup, pour montrer que c'est blanc. Ah ouais, mets les deux verres dedans, voilà. On essaye la paille qui permet. Et s'il y a de l'acide dans l'eau? Ah, mais après, attends, on n'est pas les spécialistes. Pas, hein. Avec des potes, on a ouvert le surstreaming en soir, on était morts, les gens croyaient que notre pote s'était chié dessus, énorme. Salut. Votre émission, c'est la bombe atomique. Je vous adore au 668, je vais au Europa Park vendredi 3. Salut, Aude. Salut. Est-ce que ça marche, alors, Jordan Apprenti? Ah, t'es en train de souffler pour l'instant? Oh là là, c'est blanc. Ouais, c'est blanc. Ouais. Enfin, il y en a pas beaucoup. C'est un peu orange, non? Ah ouais, mais t'as rien eu dans la bouche en fait là. C'est bizarre là. Et à mon avis, en fait, je pense qu'avec le filtre, tu peux pas trop aspirer. Tu vas trop aspirer. C'est gazeux. Je crois, il galère. Ça a le goût du galère. Putain, mais ça non. enlève. Ouais, mais c'est blanc. Ouais, il y a des extraits de ce que j'ai mangé tout à l'heure, mais c'est blanc. Ouais. Ouais. Franchement, c'est ouf, non. Après, c'est, je sens que c'est pas fait pour, hein, parce que ouais. là, ça galère à monter plus que de l'eau. Hein. Ouais, ça galère, mais il y a du gaz. Et ça a quoi comme goût dans la bouche? De, bah, un goût d'eau. Putain, en fait, c'est ouf. Il y a plus le goût. De, bah, si vous voulez essayer tous, mais parce que là, on peut essayer avec une bière. Là, il a la cerise, je crois. Ouais. Et ben, allez, maintenant, on essaye du whisky. Ah ouais. Non, non, mais avec de l'alcool et tout, ça marchera pas. Il y a pas d'eau. Cidre. Il faut un truc, un soda, à base d'eau, un jus. Il aurait fait, mais après, vu que c'est sucré, je pense que ça passera pas. Ouais, bah oui. Je pense que le filtre, etc. Flo des cadeaux, vas-y, aspire fort. Hein, avec voilà. du sec. Pour terminer, là. Est-ce que tu peux boire ta pisse avec la paille ouais, si tu te retrouves ouais. enseveli oui, c'est pas con qu'on peut essayer. Vas-y, j'essaye. Allez, je vais la stagiaire. Allez, maintenant tu m'abandonnes. Ouais, mais attends, ça serait une expérience à faire. Si tu veux, on pourra après. Bah, si, j'essaye. Moi, je dis bravo à celui qui le fait. Allez, vas-y, je le fais. J'ai confiance. Allez, on y va. C'est vrai, mais moi aussi, parce que j'avais vu que ça avait sauvé beaucoup de gens et que c'était super et tout. Donc, galère un peu, Flo des cadeaux. Ah, Flo des cadeaux, t'arrives pas à aspirer, ouais. Non, c'est plus dur, vraiment. Ah, vas-y. La pisse ou pas? Non, t'as pas recraché, toi. Non, t'as le goût d'eau ou pas? Ouais, non, il y a un goût d'eau à la cerise. Un petit peu quand même, quoi. Ouais, mais bon, c'est quand même impressionnant. Bon, bah, merci beaucoup pour ton objet. Avec plaisir. Bah, je vous mettrai la vidéo sur notre page YouTube à chaque fois, hein, Guillaume Play PLY, et on vous montre un objet par jour. On essaye un objet tous les jours, enfin, un par semaine. Un par semaine. Tous les mercredis. Rendez-vous mercredi prochain. Bah, avec plaisir. Merci, Jordan Apprenti. On a plein d'objets d'avance. Salut. En plus, ça défonce ça. Allez, 22h12, on se fait l'énigme, on se fait juste les One Republic, là. Wherever I go. Et juste après, il y a Guillaume. Tu m'entends, Guillaume de la Manche? Ouais, je t'entends, ouais. Ça va, Guillaume? Ça va, toi? Ça va, gros. Tu nous lâches l'énigme, après, on a des DJI, Phantom 3, on a des drones à vos filets. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new. But wherever I go, I'll be looking. Looking for something new. Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try. Feel the same, same, same. I know I can lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I can try looking for something new. Wherever I go, I'll be looking for you. Wherever I go, I'll be looking for you. Minuit, du lundi au vendredi. Eh ben voilà, c'était pas si compliqué de faire simple. Du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie, 22h15, nous sommes toujours là en direct ce soir et puis on va se faire l'énigme avec Guillaume Capel, d'Équerdreville dans la Manche. Tu m'entends toujours, mon Guillaume? Malo ouais, qui papa? Salut. Avant de se faire Justin Timberlake, on se fera Sound of Legend, on se fera toutes les nouveautés qui déchirent. Voilà. Et on vient vous voir à Angers vendredi prochain, pas celui-là mais l'autre. À Angers, très lasé exactement, pour faire le Energy In The Park. On va être un peu plus de 50 000 dans le parc. Et on va faire une énorme fête. Ceux qui veulent venir, je vais animer le truc. On va bien rigoler. Avec grand plaisir. Ça va, mon Guillaume? Déjà passé, toi, non, des Cœurs de Reville? Ouais, je suis déjà passé. Ça va, toi? Bah, je m'en rappelle très bien. Très bien, merci. Et toi? Moi, ça va super. Hein. Enfin, ouais. Malgré que j'ai loupé mes examens, mais ça va très bien. Ouais. En tout cas, c'est gentil. Merci beaucoup d'être là, hein, poteau. Hein. Tu vas faire quoi cet été, là? Cet été, camping avec les potes, glandes, et puis ça va être tout. Hein. D'accord. La belle vie, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. C'est gentil, mon poteau, là. Alors, il y en a un qui vient de me demander Olivier Dion. Je vois le message, les gars, il n'y a pas de problème. Olivier Dion, on va se le caler, il est là. On va se le caler après. Ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers. Il m'est arrivé une couille en soirée, appelle-moi, faut que je te raconte. Il n'y a pas de problème. Je débauche du marché, trop content de vous retrouver. Wandy du 16. Ah, salut. Salut. Charente. Salut, Wandy. Eh ben, merci beaucoup à toi, alors. Guillaume, tu venais pour lâcher l'énigme, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, je suis pas venu pour casser des noix. Ah, t'es pas venu pour casser des noix. Il est bien, il est bien. Bon, niveau JM du standard, mais bon, ça va. C'est marrant, JM ça, il a une réputation de blague de merde. Non, mais là, c'est lourd. Ouais. C'est marrant parce que même en Corse, il y en a. Ouais, mais bon. À un moment donné, c'est magnifique, il allait en vélo voir deux mecs. Ah ouais. Et il leur dit ça, les gars, il faut que tu fais que des blagues de merde. Ah, non, mais c'est chiant. Non, mais véridique. En plus, les mecs. Sans rire. Complètement premier degré. Ouais. Et il fait, ah là là, il fait, non, tes blagues, elles sont pas drôles. Donc, je suis parti. Et il est parti. Non. J'allais en plus, c'est gentil. Tu vois, non mais c'est, non mais attends, en plus c'était sympathique comme il est, je sens, mais les mecs t'étais tombé sur deux têtes de con. Ouais. Ah, c'était pendant les répétitions, tu sais, l'après-midi. Il est venu me voir, il fait mes blagues sont vraiment pas drôles. J'ai pourquoi tu dis ça, quoi. Après j'ai un argument, tu vois, sur 10, allez, il doit y en avoir quand même 4 qui passent. Ils l'ont dit et encore. Bon, on va faire tourner la roue, c'est parti, la roue des phrases. Entre 1 et 10, ça va être le nombre de phrases que tu vas donner pour cette énigme. Stop. Non, ça c'est l'escalier roulette. Ah, c'était 4 le chiffre, on l'a bien entendu. Le bordel. C'était 4, et bah bravo, voilà, 4 phrases. C'est pas beaucoup, 4. Ouais, bonne chance. Du coup, il y a peut-être moyen d'en gagner plus facilement parce que ça va être plus difficile. Moins il y a de phrases, plus c'est dur, forcément. Allez, on y va, c'est parti, je mets la petite musique. Et maintenant, on va t'écouter, lâcher l'énigme. Vous jouez par SMS, vous envoyez Guillaume et la bonne réponse avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. Voilà, Guillaume, la bonne réponse avec votre numéro au 6 11 12. Allez, c'est parti, on t'écoute. Écoute, mon Guillaume. Allez, c'est parti. Alors, il y en a des mauvais. Les filles qui le sont en sont des manquées. On peut enterrer sa vie. Les serveurs en sont des cassés. Qui suis-je? Alors, tu l'as très bien dit. Je vais la répéter. Hein. Il y en a des mauvais. Les filles qui le sont en sont des manquées. On peut enterrer sa vie. Les serveurs en sont de café. Petite énigme à la Sherlock Holmes. Bonne chance. On essaie de trouver la bonne réponse. Si jamais vous trouvez la bonne réponse, vous repartez avec un drone. C'est beau quand même. Et c'est pas n'importe quel drone. Hein. Putain, c'est des missiles. Hein. Ah ouais, des drones DJI. Voilà, pour ceux qui connaissent pas les DJI, c'est les drones Phantom 3. Non, mais on est d'accord. Hein, t'as vu, c'est pour ceux qui s'y connaissent. Non, mais je les connais. Ouais, parce que ceux qui s'y connaissent pas, ils disent ouais, bon, on entend un drone. Non, c'est pas un drone. C'est pas un jouet qu'on vous offre. Hein. Alors, c'est un beau truc. C'est un drone à 1000 boules. Hein. C'est un vrai drone où vous allez pouvoir aller à 900 mètres de haut, à 1 km de haut, faire des trucs aériens et tout dans le. Comme un avion, limite. Dans le jardin, mais bien sûr. Mais vraiment. Non, mais attends, vous allez faire des points de vue énormes et tout. Je vous les file maintenant. Si vous en voulez, allez-y. Hein. Guillaume, donc, et vous m'envoyez. Allez-y rapidement. Guillaume et la bonne réponse au 6, 11, 12. Le but du jeu, c'est d'envoyer cette réponse-là. On fera un tirage au sort après. Parmi tout ça, mais d'abord, quelle est cette bonne réponse? Guillaume et la réponse au 6, 11, 12. Il y en a un qui dit Philippe. Alors, il y a beaucoup de réponses qui arrivent et je vais les lire maintenant à l'antenne pour vous expliquer. Est-ce que ce serait le goût? Eh ben non. Il y en a des mauvais. C'est la réponse qui arrive par rapport à la première phrase. Mauvais goût, ouais. Il y en a des mauvais goûts. Est-ce que ce serait des films? Un mauvais film? Non, c'est pas ça. Il y en a des mauvais. Les filles qui le sont en sont des manquées. On peut enterrer sa vie de 1-1. Les serveurs en sont de café. On dit c'est un serveur, c'est un 1-1 de café. Voilà, vous envoyez bien Guillaume au début du texto. Et ensuite, la réponse avec votre numéro au 6-11-12. Ça dure une minute. Est-ce que ce serait un joueur? Non, retente ta chance. C'est pas ça, 06 59 92 50. C'est pas un joueur. Est-ce que ce serait un coup, un mauvais coup? Ah ouais. C'est pas ça. C'est pas un mauvais coup non plus. Salut à toi. 06 59 15 08. Salut gros. Tu dois te reconnaître du coup. Je lis ton numéro de téléphone pour prouver qu'on est bien en direct. Est-ce que c'est un rêve? Hélas, tu peux recommencer. Eh ben, c'est pas ça non plus. Il y en a des mauvais. Les films qui le sont en sont des manqués. On peut enterrer sa vie. Attends, les serveurs en sont de café. Qui suis-je ? Voilà, Guillaume, non, qui a le mot. Aussi, 112. On essaie de trouver cette réponse ce soir. Les serveurs en sont de café. On peut enterrer sa vie. Qui suis-je ? Est-ce que ça serait un mensonge ? Comme les cheveux, je viens stagiaire. Ce n'est pas ça. Oh, comme les cheveux, pas drôle, comme les cheveux, ça n'existe pas. Très bien, alors qui suis-je ? Il y en a un qui dit de l'argent ou un cœur ? Non, ce n'est pas ça. Non plus. Est-ce que ça serait une bague ? Non plus. Un mariage ? Retent. Est-ce que ça serait une voiture ? Ah non. Un maquillage ? Non plus. Un flash ou un sac à main ? Arrêtez. Est-ce que ça serait une serviette ? Non plus. Une pièce ? Ah non. Une bière ? Essaye. Non plus. Laissez bien votre numéro de téléphone. La bière, il n'y avait pas le numéro, les gars. C'est vraiment donné la réponse. Il y en a des mauvais. Et encore 20 secondes et ensuite on enchaîne avec le jeu. Ce soir, on va faire le jeu du plan à 3. Ouais. L'une d'entre vous va énerver son mec et je vais me faire passer pour son ex et je vais faire croire que je suis avec elle et qu'on veut faire un plan à 3 avec son nouveau mec. Bordel. Donc je pense qu'il va s'énerver. On fait ça tous les mercredis soirs. Mais d'abord, la bonne réponse. Il y en a des mauvais. Les filles qui le sont en sont des manquées. On peut enterrer sa vie. Les serveurs en sont de café. Si vous voulez offrir un beau drone à un de vos potes, à votre frérot, à votre fils, à votre père, si vous connaissez quelqu'un qui a envie de ça, allez-y, hein. Guillaume, donc, est la bonne réponse au 612. Est-ce que ça serait, alors il y a beaucoup de réponses qui arrivent, il y en a un qui dit est-ce que ce serait une cougar ? Il y en a des mauvais, les filles qui le sont en sont des manquées, on peut enterrer sa vie, les serveurs en sont de café. Est-ce que ce serait un service ? Un mauvais non, service ? Essaye. Est-ce que ce serait une table ? Non plus. Un créneau ? Un mensonge ? Non plus. Est-ce que ce serait de l'argent ou un mariage ? J'en ai dit non. C'est pas ça. Eh ben c'est pas ça, qui suis-je alors ? Est-ce que c'est la boîte ? Ah non. Non plus c'est pas une boîte, ah bah alors c'est pas une boîte, qu'est-ce que ça peut être ? Juste Guillaume est la bonne réponse au 612, on essaie de trouver cette réponse-là. Juste après, jeu du plan A3, on va prendre l'une d'entre vous, c'est l'un qui veut faire le jeu, vous m'envoyez Guillaume et le jeu avec votre numéro au 612, on fait ça juste après. Là. Vos votes vont désigner les top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année ? C'est David Guetta. This is Avicii. I'm Calvin Harris. Yo, this is Martin Garrix and you're listening to... Énergie présente les Energy DJ Awards 2016. Votez maintenant et tout l'été sur energy.fr. Et le 12 octobre, dans le cadre du mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ récompensera les meilleurs d'entre eux. Energy DJ Awards. Hit music only. Venez voir vos stars préférées sur la scène du Energy in the Park. Vous étiez plus de 40 000 l'an dernier. La troisième édition du Energy in the Park. C'est le 8 juillet à Angers-Trélazé. Sur scène, Reza, Willy Williams, Sauf, Boosty, Macassé, Unique, France, Slimane, Chris Cab et Jennifer. C'est Jennifer sur Energy. Le Energy in the Park. Présenté par Guillaume Play. Le 8 juillet à Angers-Trélazé. Un événement Energy. Hit music only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Votre vie est faite de joie, de peine, mais aussi de surprises. Pour ne plus subir le destin, envoyez par SMS Avenir au 7212. Nos équipes de spécialistes en astrologie et voyance se tiennent à votre disposition pour éclairer votre avenir. Avenir, A-V-E-N-I-R, au 7212. Envoyez Avenir au 7212. 65 centimes plus prix du SMS, iEnergie. Ninja Turtles 2. Il y a un robot samouraï, deux mutants et ce truc bizarre. Nous allons créer une armée. Nouvelle menace. Vous savez ce qu'il nous reste à faire ? Nouveau défi. On s'arrache ! Ninja Turtles 2. Accrochez-vous. Les quatre frères les plus cool débarquent aujourd'hui au cinéma. Go, Abonga ! Vivez le Turtle Power en 3D. Avec énergie. Non-stop hit music. Energy. Energy Hit Music Only. Je suis venu, j'ai vu et j'ai failli perdre la raison. Peut-être que j'aurais dû simplement rester dans ma maison. La vie est dure et je ne fais que subir toutes sortes de pressions. Mon passé me rappelle que je dois tout donner dans mon présent. Le futur est flou, demain je ne vais peut-être plus voir mes parents. Mes parents qui se battent pour rentrer voir les leurs au moins une fois par an. Je redoute la fin parce que sur le chemin j'ai dû clairement blesser. Si tu vois que je veux tout stopper, mon ami, faut me laisser. Je ne veux pas sortir, je veux m'isoler, je suis déboussolé. Même avec du monde, je me sens seul, je veux m'isoler. Je suis désolé, et j'ai cogité toute la nuit. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai fait le tour de ma vie. Et j'ai cogité toute la nuit. Manger et juste avant de vous coucher. Du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, retour à l'antenne ce soir sur Énergie. Passez une bonne nuit, les gars. Merci d'être avec nous. Hein. Bon courage si vous êtes encore en mode examen ce soir. Nous sommes le 29 juin déjà. Eh oui, déjà. Ah, quelle merde. Juillet. Ça passe vite. Hein. Vous trouvez pas que ça passe de plus en plus vite? Ah, franchement, la vie là. Non, mais le 29 juin, j'ai l'impression que cette année, je ne l'ai pas vu passer. On est dans la deuxième partie de l'année là, ça y est. Ah, c'est... Dans 6 mois, c'est Noël. Ah, bientôt. Ça y est. Bon, hey, on est avec Guillaume qui appelle de la Manche et qui nous appelait, qui nous racontait et qui nous avait raconté une énigme. Il y en a des mauvais. Les filles qui le sont en sont des manquées. On peut enterrer sa vie. Les serveurs en sont de café. Qui suis-je? J'ai des drones, hein, des DJI Phantom 3. Il faut envoyer Guillaume et la bonne réponse au 6-11-12. On vous file des cadeaux chaque soir. Ça dure vraiment 30 secondes. Et ensuite, on enchaîne avec le jeu du plan A3. Il y a Guylaine qui vient de s'inscrire. Ouais. De Condat-sur-Vienne. Condat-sur-Vienne dans le 87 et qui veut énerver Jean-Philippe. C'est ça. Son mec qui est au chômage depuis 5 ans. Ils sont ensemble. Et il a 29 ans. Son mec, apparemment, il est très très nerveux. Ah, cool. Et je vais me faire passer pour François, un mec qu'ils ont rencontré en soirée, qui est un peu beau gosse, ouais, ça pourrait les énerver. On va le faire dans 2 minutes sur Énergie, il est 22h28. Est-ce que ça serait la réponse, mon Guillaume? Est-ce qu'il serait un garçon? Oui, c'est ça, bravo. Eh ben voilà, c'est une bonne réponse. Je rêve de thunes de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage, on va changer de paysage. Tête dans la lune, pied sur terre, je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bas de terre qui seraient prêts à tout donner. On vous offre ce soir les drones DJI Phantom 3 à l'occasion de la sortie de Ninja Turtle 2 qui ouais, est sorti aujourd'hui justement, ouais, ouais. Avec Megan Fox, produit par Michael Bay. On vous file du coup les drones DJI Phantom 3. Guillaume, on va faire un truc. J'ai la roue des cadeaux, d'accord. Tu connais le truc, c'est toi qui vas animer, d'accord. Je ne parle plus. Ça sonne, bonjour à toi, je m'appelle Guillaume, enchanté. Attention, c'est pas Guillaume Play hein, qui est sur Énergie, c'est moi qui ai donné l'énigme. Bonsoir à toi, enchanté. Comment tu t'appelles? Tu lui poses des questions, tu lui parles et ensuite tu lui dis: allez, t'es prêt pour faire tourner la roue des cadeaux? C'est bon, on y va. Allez, on y va. Et là, on fait tourner et j'enverrai le truc, d'accord. Je n'interviens plus jusqu'à que la roue du cadeau est tournée, ok. Fais nous rêver, hein. Okay. Allez, fais de la radio. On fait de la radio, gros, on fait de la radio, on partage l'antenne. C'est parti, je ne parle plus. Salut. Je casse. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Merde. Ah là là. Deuxième fois. Guillaume, je te connais maintenant, tu m'en rapports. De quoi? Ah non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Le mec, il est pas là vraiment. Non, attends. Non, pas ça, mais le petit salut que t'as dit là. Ah, Ah oui, non, ça, c'était pour dire je me casse, salut. Ouais. Attention, je préviens juste, tous ceux qui ont joué, JM du Standard va appuyer sur le logiciel. Attention. Il ne faut surtout pas que vous passiez un message maintenant, sinon on va retomber sur votre répondeur. Ouais, voilà. C'est un numéro privé, il faut répondre. Voilà, exactement. Il est meilleur que moi. Je suis déjà pas classé quand je monte. Ça y est, ça marche. Rico, je t'ai pas. Je vous explique ce qui se passe. JM du Standard, il a le truc refusé numéro caché, ce con. Quand vous jouez à un jeu avec nous, les mecs, c'est comme si vous jouez au loto et vous mettez et vous déchirez le ticket. Ouais, c'est ça. Si vous empêchez le numéro, tirer une balle dans le pied, quoi. Amina du Standard, tu vas pas tirer au sort numéro, tu vas prendre le premier qui est arrivé. Ouais, ok. S'il te plaît, on va prendre le premier qui est arrivé quand le numéro au sort ne répond pas. C'est parti. À voir si ça marche. Là, il est 22h30. Vous avez vu la vidéo de Rémi Gaillard avec les abattoirs? Ouais, j'ai vu. Il est en mode sérieux là. Putain, c'est. De plus en plus. On en parle de cette vidéo. Ah, les animaux, il se prend un peu. Allez, mon Guillaume, vas-y, il a raison. Ouais. Guillaume du 50, je ne parle plus. Putain, si celui-là, il répond plus non plus. La poisse. Allô ? Allô ? Oui ? Ouais, devine qui c'est ? Je sais pas. Devine qui peut t'appeler ? Qui peut t'appeler pour dire bonjour ? T'as joué, non ? Oui. Oh, non. Oui ? Ah bah si, moi je m'appelle Guillaume. Avec presque 15 ans de moins, mais ouais. Si, je te jure, je m'appelle Guillaume. T'as joué tout à l'heure ? Oui, d'accord, je viens de comprendre. Ah ouais, tu veux faire tourner un rouleau cadeau ? Oui. Allez, c'est parti. Bah, il a roulé 6 chambres. Un drone, alors ça te plaît ? C'est quoi ton prénom ? Bah ouais, carrément, je m'appelle Wendy. Wendy, t'as quel âge ? 20 ans. Et tu nous appelles d'où ? De Royan. De Royan ? Ah ouais, ok, y a pas de soucis. Bon, bah, t'es content ? Bah oui, carrément. T'es contente plutôt, ouais. Merci. Et c'est des drones, ils coûtent très cher en plus. Hein. Bah ouais, génial, je donnerai à mon frère. Ah bah c'est gentil ça en plus. Hein. Cadeau pour le frère, ça fait plaisir, hein. Wendy de Royan, 20 ans. Bon, bah, c'est bien. Monsieur Play à l'appareil, s'il vous plaît. Voilà, j'ai revenu. C'est marrant. Ah, petit enculé. Ouais. Hey, j'ai pas 15 ans de plus que toi, saloperie. Ouais, tu prends 31, t'es vieux maintenant. Attends. Oh là là. Dis pas les âges. Oh là là. Tu vas énerver Guillaume. Attends, là. Ça y est, tu m'as stressé. Voilà, ça y est. Il est tout rouge. Hey, je peux te dire, mon gars, il y a des mecs de 40 balais, ils sont plus beaux que certains mecs de 20 ans. Ouais. Et Regarde Jardin, il est beau gosse. Non, mais en fait, ça dépend vraiment de ta vie et tout ça. Moi, je suis très bien dans ma peau à 31 ans. Ah, j'ai 30 ans, quoi. On va te faire reculer d'ailleurs. Le mois prochain, ça va arriver vite. Ouais, c'est vrai. Non, mais franchement, moi, je suis pas du tout contre le temps qui passe. Hein. T'as pas le choix. Non, mais je me dis que ça permet de faire d'autres choses. Tu vois, évoluer. Moi, j'aime bien le temps qui passe. Je me dis, tiens, l'année prochaine, il y a plein de trucs à faire. On va faire plein de trucs, on va se marrer et tout. Je suis pas là en mode. Je veux ralentir le temps. Guillaume ? Non, tu m'auras pas. Guillaume ? Allô ? Vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire ? Félicitations pour ton doublage dans L'Âge de Glace. J'avais un mec qui voulait me lécher le trou de balle. Ouais, merci beaucoup, mec. Non, merci sans blague, merci beaucoup. Ouais, je suis très content pour L'Âge de Glace, je serai le nouveau petit mammouth. Je serai le beau-fils de Gérard Lanvin. Ouais, à la famille. Exactement. Et par contre, je parle pas, je fais la voix off, mais je fais que les. Je fais que les trompes. Non, c'est un truc de fou, je suis trop content. L'Âge de Glace, en plus, j'adore, moi, je suis trop content de le faire dans le 5 qui sort le 13 juillet. Et je vais être Julian, le nouveau mammouth, ces nouveaux gros personnages avec Vincent Cassel qui fait Diego, qui fait le tir. Ouais. Il y a Manny le mammouth, c'est Gérard Lanvin. Ouais. Et Elie Semoun, exactement. Avec sa petite voix. Et Elie Semoun qui fait très très bien. Je sais pas le faire. Field. Ah oui, j'arrive alors. Pourquoi tu me dis pas ça, hein? Alors, je le tiens quand même un peu. Ouais. Alors que quand j'arrive, il n'y avait plus de noisette. Pourquoi tu m'as pas attendu? Manny, attends-moi. Ah si, je le tiens quand même un peu. Tu peux le remplacer. Ah, salut Guillaume, t'appelles du 50? Ah bah donne-moi alors, mais j'ai envie de manger des noisettes, hein, Guillaume. Si t'es mousse, j'ai envie de manger des noisettes. Oh non. Oh les lourds. Oh vous pétez les couilles. Le truc original là. Garde-toi jeune, Guillaume, le carton. Le truc de ringard, quoi. Putain, mais arrêtez tous de. Ça fait deux fois, mais il prend cher. Mais arrêtez de me faire toujours votre truc là. Ouais. Vous faites toujours la même. Mais moi je sais que ça se fait pas ça. Non, mais c'est clair. Bah, je vais faire Nicolas Sarkozy si tu veux, mais. Non, mais. le respect ce soir. Ah ouais. C'était pas bon. Il a disparu. Bon, en tout cas, merci d'être passé, mon Guillaume. C'est le moment pour moi de te raccrocher au nez. On prend congé de toi. Après ça, quoi. C'est bon. Il y a une pub à 45 là. Il y en a pas, Guillaume. Si, il y en a une. Et non. Ah bah si. Ah, moi j'en ai pas. Ah oui, bah il y en a une là. Ah c'est vrai, il y a marqué. On a deux ambiances, on a deux. Ah putain, deux ambiances. Deux feuilles. Putain, parce que si je rate un écran pub, je. Ouais. On est en vacances ce soir. Je me prends un coup de fouet. C'est comme en Iran, gros. Bon, et en tout cas, merci à toi et bravo Wendy, en tout cas ma chérie. Excuse-moi, on n'a pas parlé. Là du coup là parce qu'il y a une tête de con qui est lâchée ce soir. Non je rigole hein, mais hyper sympa. Non je suis hyper content de te parler de la Manche en plus d'une affection particulière. Ah bah moi aussi je suis content de te parler, j'ai hâte de te rencontrer surtout. Ah bah écoute viens hein, quand tu veux, on est venu à Caen, bon c'est un peu loin. Mais, ouais ça faisait un peu loin, je pouvais pas. Ah vous êtes dans la Manche là ? Exactement. Wendy t'as changé de voix toi gros. Ah oui, non, je suis ton copain, moi je suis de la Manche et elle est de Royan. Ah énorme. Ah. Tu viens d'où ? C'est où, de la Manche ? Je viens d'où, de la Manche ? Exactement. De quoi ? À Coutances. Coutances. Ah bah ouais, Coutances, putain, Coutances. C'est énorme. Ah oui. Oh, je suis de Port-Bail, moi, Barneville-Carteret. Ah bah je connais. Ah, là où j'ai passé mes vacances. Ah bah ouais, c'est magnifique, c'est exactement. Eh bah un bisou les Manchés. Merci. Est-ce que je vais faire une dédicace Je sais, j'ai fait exprès. Mes anchois quand même. Les Manchistes, bisous les Manchistes. Ah, salut, ouais. Qui veut faire une dédicace ? J'ai pas compris, c'est le bordel là, je maîtrise plus l'émission, ça part en couille. Vas-y, alors attends. Alors toi, Guillaume, je te propose de fermer ta gueule juste une minute. Comme ça, je finis avec Wendy qui a gagné la ligne. Attends. Comment tu t'appelles le mec de Wendy là ? Manu. Alors toi tu l'as piqué le portable mais vite fait bien ah fait. Ouais, quoi. T'es comme ça. Il a entendu qu'il y avait un drone à gagner, le portable elle est partie quoi. Il a quitté sa meuf, il a pris le portable. En plus je crois qu'elle va pas te l'offrir à toi, elle a dit qu'elle offrait à son frère le portable. Ah ouais. Ouais, c'est mon temps de faire. Ah merde. Tu vas voir. Bon, c'est, ouais, c'est clair. Prends-lui maintenant direct. Ton prénom c'est Manu. Manu. Manu. Manuel. Ouais. Manu. C'est ça. Eh ben très bien Manu. Tu veux faire une dédicace toi qui a pas gagné, toi qui est passé en pirate. L'inconnu. Le mec c'est un pirate quoi. Il est arrivé à l'antenne. Ah ouais, il s'est posé. Tiens, vas-y mon Manu, fais une dédicace tu veux. Je fais une petite dédicace à tous mes potes de Coutances, de Saint-Lô et de Caen qui me reconnaîtront. Eh ben, grosse dédicace à Cherbourg aussi. À la Manche, ah oui, bien sûr. Aussi, ouais. Eh, dédicace à tout Cherbourg, à tout. Moi, je t'en fais rien, Guillaume. Non, c'est pas à toi, je t'ai dit. Attends, oh là là, on t'a dit de fermer ta gueule une minute, ça fait 30 secondes. Bon, prends un ticket, mec, c'est minute, là. Une seconde. Eh, Wendy, passe-moi Wendy, wow. Oui. Vas-y, merci beaucoup. Et dédicace à Écart de Reville, etc. Et on parlait de Cherbourg, c'est collé Écart de Reville d'où tu appelles, justement, Guillaume. Ouais. Et Cardonville, c'est le petit village, enfin le petit village, la petite ville à côté de Cherbourg. Juste, ouais, vas-y Wendy, tu veux faire une casse dédi ? Bah oui, dédicace à toute ma famille qui me reconnaît et voilà. Et il n'y a pas de problème, en tout cas, merci beaucoup de passer un petit coup de fil. Allez, voilà, la je t'envoie le drone demain matin, d'accord Wendy ? Bravo. Merci beaucoup. Tu travailles dans quoi Wendy ? Je suis encore en études. En études ? Tu fais quoi comme études ? Comptabilité. Ah ok. T'as mis le haut-parleur toi Wendy, non ? Bah oui. Ah, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Ouais. Oui. Parce que du coup, ça fait un petit écho. Bon, je te fais un gros bisou et je te repasse Flo des cadeaux pour l'adresse. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup. Allez, de rien. Gros bisou à toi. Salut. Il est 22h38 ce soir sur Énergie. Qu'est-ce qu'on devait faire ? On avait dit qu'on ferait dans 2 minutes. Le jeu du plan 3. Ouais. Et un peu de cul. Ah, on va parler de fion ce soir, de cul. On va parler mariage et de cul. Ouais, ça va ensemble. On fait dans l'ordre. Ouais, voilà. Une noce. Mariage et cul après. Exactement. Et c'est bien monté. Pardon, Guillaume ? J'ai dit la case dédiée juste avant. Oh là là, le forceur. Oh là là, le loup. Putain, et va refaire Homer Simpson sur RFM. Ah ouais. On va te bannir. Attends. Je me tape RFM tous les jours au stage, là, c'est bon. C'est vrai, ils écoutent RFM, ils ont pas de goût. Ah, tu peux l'enlever, RFM. Non, mais c'est un enfer. Ouais, c'est normal. Enfer. Bah, c'est normal. Ils ont 160 ans, ouais. Non, mais toi, c'est pire. Non, c'est pour rien. En plus, je les embrasse, les collègues. Salut. De RFM. Et moi, j'aime les autres radios. Bruno Guillon. RFM partie 80. Salut. On embrasse, t'as dit quoi, Bruno Guillon sur RFM, ouais, d'accord. Ouais, si tu veux. Non, mais y'a pas de problème. On embrasse 10 fois sur Radio Classique. On embrasse. Nagui sur le move. Ah ouais. Bon, c'était le moins drôle. Ah là là, bon mon Guillaume, vas-y fais ta dédicace gros là. Ok bah moi je suis une. J'ai tout gâché. Putain. Bah alors vas-y. Ouais, une grosse dédie à mec. Ça va Cherbourg d'ailleurs, le nez de Jobourg et tout ça Cherbourg. Non, c'est pas Cherbourg en plus. Ouais. Le nez de Jobourg, c'est à côté de Cherbourg. Non, tu fais pour faire rigoler tes potes, j'aime pas. Non, non, non, non, non, tu fais le. Ouais, mais le nez de Jobourg, c'est. Je fais rien du tout. Tu fais. Refais Homer un peu là. Bon, tu dis le même niveau que moi alors, t'es non, moi je fais pas ça, t'inquiète. Ah putain. Mais moi j'ai arrêté, c'est pour te dire. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous, Guillaume Radio 2.0, c'est le bordel ce soir. JM, tu vas aller faire un tour, tu vas épicer. Ah non, non, il va aller chez RFM faire Omer. Non, restez là. Non, mais c'est très très beau. Si vous avez l'occasion d'aller visiter Cherbourg, le nez de Jobourg, c'est une plage, c'est bleu turquoise, c'est exactement. C'est comme la Corse. Hein. Ah ouais, c'est un nez. Et c'est vraiment. Wow. C'est, voilà, je montre une photo à JM. C'est juste à côté de Cherbourg pour ceux qui connaissent pas, qui ne situent pas. Viens justement. Viens à Cherbourg. Bah, j'y viens tout le temps, mais maintenant que je sais que tu y es, j'irai plus. Je vais y aller cet été, finalement, j'irai dans le sud. Je rigole, je vais y aller en plus. Avec plaisir, je vous dirai tout ça. S'il y en a qui sont de Cherbourg, on se rencontrera. Exactement, avec plaisir, mon pote. Bon, tu voulais gratter un cadeau ? Non, juste une case de 10. Ah bah ça tombe bien, j'ai pas t'en donné. Mais un cadeau, oui. Vas-y, fais ta merde là. Pose ta corde. Bah, tu me laisses faire mon jeu ou quoi ? Putain, j'ai des jeux à faire, il y a du monde qui attend le jeu là. On est à 1,5 million. Ah bah, aussi, hein. On est à 1,5 million là, on est suspendu à ton bourrelet, putain, je t'aime. Alors, j'ai une grosse case dédiée à Maxime, parle plus fort. Gros parle plus fort. Je fais non, une grosse case dédiée à Maxime et tes gros rien. Je fais une grosse case dédiée à Maxime. Il est bon ce gars. J'ai pas compris ce que t'as dit. J'ai dit moi aussi je vais faire de la radio, peut-être que je vais devenir comme toi un jour. Ah bah c'est vrai, je te le souhaite pas. Ouais. je te le souhaite pas. Non, tu veux faire quoi plus tard d'ailleurs mon Guillaume, toi tu sais un petit peu ce qui t'aimerait faire. Moi j'aimerais travailler soit dans l'audiovisuel, dans la régie ou animateur ou réalisateur dans la radio, et justement j'ai peut-être moyen de faire ça à Radio Hag FM qui est à côté. Exactement, Hag qui est une ville juste à côté là où il y a la centrale nucléaire. La Hag. Ah ouais. Exactement. Non pas le Cap d'Hag. C'est à l'opposé. Hein. Ouais, exactement, à Hag. La centrale d'Hag qui est la connu. Centrale nucléaire, voilà. Ouais. De la Hag, on dit la Hag. Ouais. Jim Sandard. C'est quoi les examens que t'as foiré ? T'as dit tout à l'heure quand t'es arrivé. Le BEP. En fait, à cause d'un stage, parce que sinon au niveau écrit, je l'aurais eu, mais c'est à cause du stage de l'année dernière qui comptait pour plus de la moitié des points. Mmh. Et j'ai fait de la merde, j'ai pété le plomb, je me suis barré. À la base, je pensais faire l'électricité, et je fais quoi ? Je récurais le fond des poubelles. Alors, j'ai pas cité dans un grand magasin, mais. Ouais, enfin, ça t'a pas plu et tu t'es barré. Quoi. Ah bah, récurer le fond des poubelles, non, ça m'a fait un peu saoulé, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que, un petit peu comme Guillaume, vous avez eu des stages ? Ça peut arriver hein, d'être déçu d'un stage et tout. Ouais. Après, du coup, là, tu fais quoi ? Tu redoubles l'année prochaine ? Non, du coup, je passe quand même en terminale, mais peut-être que je passe en candidat libre, mais bon, après, quand t'as le bac, le BEP, il sert à rien. Et après, là, tu vas aller bosser dans une radio locale, du coup, qui s'appelle Hag, quoi ? Hag FM. Hag FM, non, peut-être, parce que j'ai des contacts, justement, qui peuvent peut-être m'aider. Et donc voilà. Ah, tu peux te faire pistonner peut-être pour aller voir le directeur. Justement, c'est ma prof de français qui m'a aidé à me faire pistonner et je faisais des chroniques tous les jeudis avec elle. C'est super, mec. Et vu comment t'es rapide et que t'es bon, si tu veux, je te ferai une lettre de recommandation si tu veux. Comment il s'appelle le patron, la patronne là ? J'ai aucune idée. Ah, tu sais même pas. Ah. Ouais. Ah. Bon, c'est une radio dans la Manche qui cherche un mec qui est un peu vif d'esprit, là. Il est là. Et il pète un peu les couilles à la langue, mais. Le prenez pas. Non, je rigole. Le prenez pas juste. Il est vraiment très très bon. Le prenez pas pour faire des imitations. Non. Ça, il sait pas faire. Voilà. Sans son CV, il faut marquer les points forts et les points faibles. Dans tes points faibles, tu les connais. On peut t'aider à les trouver, tes points faibles. Ouais, déjà. Ouais. Premier point faible, je suis un stagiaire. Ah, casse-couille. Voilà, casse-couille. Deuxième, j'ai le standard. Mauvais imitateur. Amina du standard. Usant. Flo des cadeaux. Trop de dédicaces. Voilà, trop de dédicaces. T'as l'air sympa et drôle, mon pote. En tout cas, bon courage. Si un jour tu viens en stage chez nous, tu viens en stage ici, hein, comme vous tous. Hein. À Paris, oui. Et d'ailleurs, juste en 30 secondes, avant qu'on se fasse le jeu du plan A3, je voulais juste vous dire, ça y est, on a eu Énergie qui est d'accord pour payer timbre pour les autocollants. C'est bien, on est que le 29 juin. voilà. donc on peut enfin vous envoyer des autocollants. Regardez, j'en ai fait faire 1000. J'ai 1000 autocollants, pas un de plus, d'accord ? Je vais vous expliquer comment on fait. Il faut juste m'envoyer un SMS maintenant. Vous envoyez Guillaume au début du texto et vous envoyez votre adresse complète. Par exemple, Maxime Bernard, je vous donne ça à la con. Hein. Maxime Bernard, 3 rue de la République, 33200 Bordeaux-Mérignac. Voilà. Vous mettez bien votre code postal, votre prénom, votre nom, votre adresse complète, les gars. J'ai besoin de 1000 SMS. Même si vous imaginez que vous appelez Coralie et vous m'envoyez 2 SMS, je vous enverrai 2 autocollants. Okay, je vous ferai 2 enveloppes différentes. Chaque SMS, c'est un autocollant. J'en ai 1000. Peut-être que j'arriverai à en avoir 200 ou 300 avant la fin de l'année. Possible. Et comme ça, l'autocollant de l'émission, vous le prenez en photo, vous le collez quelque part un peu marrant. Vous le collez sur un. Sur le bus. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Ah, pardon. Je retire. Pas sur le bus. Que tu vas prendre une. Il faut les retirer des bus. Du CSA. Petit Fibou, je rappe. Ah, pardon. Il va sur une meuf alors. Non, il avait un truc à pas dire, il l'a dit. Jacouille. Attends, le lourd. Attends. Appelle-moi Jordan l'apprenti, s'il te plaît, Minestin. Jordan. C'est lui qui va faire les lettres. Jordan. On mange. Jordan, on mange. Maman, elle a fait chauffer. Ah, c'était trop ça. Comme... Jordan l'apprenti, c'est toi qui vas faire les enveloppes. Ah bah. Donc, ouais, cool. Donc reste ici. Ouais, on t'écoute depuis la Bourgogne. On est en voyage avec Sarah et Laurette. Dédicace à toi. Alors, allez-y, Guillaume, et vous envoyez. Maintenant, vous envoyez votre adresse complète au 6-11-12. Guillaume au début, un espace, Martin Renault, 25 avenue des Peupliers, 76-040 Le Havre. Voilà. Allez-y maintenant. Voilà, j'en ai reçu 150. Voilà, 160. Allez-y, je vous dirai top, hein, les gars, il n'y a pas d'embrouille. Voilà, il y en a plein où il manque le nom de famille. Déjà. Putain, voilà, et typiquement mon coin, Varu Léon Jouot à Calais, ça ne me suffit pas. Quoi. Bah ouais, le code postal. Pas venez pas me faire chier dans 3 jours. Tu m'as pas envoyé l'autocollant. Voilà, vous m'envoyez le code postal et la ville. On n'a pas que ça à foutre. Le nom, nous chercher la ville. Bah ouais. Okay, on le fait gratos déjà. Le nom d'entrée. Le nom de famille. Vous m'envoyez tout. Le nom de famille. Voilà, par exemple, je m'appelle Valérie. À Saint-Quentin, ouais. Valérie de Saint-Quentin, ça suffit pas pour recevoir une enveloppe. Ah bah ouais, c'est sûr. Il me faut la totalité, voilà. 340, j'ai voilà, 340 messages. Allez-y, hein. Vraiment, j'envoie au 1000 prochain. Guillaume, et vous envoyez votre adresse complète au 6 11 12. Voilà, Favelas, Favalesa Amandine, chemin Saint-Privat. À Rousset, voilà, je l'ai reçu. Amandine Laurency, je l'ai reçu. À Seloncourt. Représente le 25. Ouais, le Doubs. Merci au chaud. Salut à tous ceux du Doubs, là. 72, La Flèche en Force. Guéwen. Salut à Adrien Croise. À Adrien Croisé. Salut. Flore Mangelers, à Cluny. Salut à toi, non, Marianne Dumais. Voilà, je les vois, les messages. Allez-y, ça fait 720, 730, 740. Voilà, je les reçois en direct. Hein. 760. Je l'ai fait tout à l'heure, les enveloppes. Voilà, 790. 820, 830, allez-y, bientôt 1000. Et les adresses au 612. Et je vous les envoie demain matin. Jody Pagé, voilà, attention, il en reste 30. Il en reste 11. Et top, voilà, on arrête d'envoyer, les gars, j'en aurais plus des autocollants. Ouais. Je vous les envoie déjà ces 1000 et je vais en refaire après pour vous les renvoyer avec plaisir, les gros là. Voilà, Justin Damien, 63 rue de Marengo. Arrêtez d'envoyer, les mecs, j'en ai plus. Arrêtez, je vois les mecs, les sages qui arrivent là. On arrête. Je vais voir si je peux en avoir 100 de plus, mais là, ouais, je vois que ça continue d'arriver. Stop, les mecs. On se fait le jeu du plan A3, on se fait juste Olivier Dion. On s'est pas fait Olivier Dion. Non, pas encore. On se le fait de mes propres ailes, jeu du plan A3 qui arrive après. Guylaine qui veut énerver son mec. Ah, t'as pas fait ta ligne. Mais non. Oh merde, bon, juste après Olivier Dion, bouge pas. De mes propres ailes sur Énergie. Ce que je laisse, c'est à contre-coeur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur doux. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier qui s'ouvre à la vie. On ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'un pari et même un défi. Si je reviens, ce sera debout. Mais jeunesse est faite d'erreurs qu'on réveille un jour, les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meure, sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un bon levier vous ouvre à l'envie, on ne va loin que jusqu'au bout. Qu'importe ce qu'on dit et de tous les avis, je ne crains rien, plus rien du tout. Mais il faut s'en aller quand il le faut, croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut, de mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Jamais rien regretter, partir pour tout commencer. Oh oh, sans vous oublier, sans ne jamais me retourner, partir là où tout peut arriver. Olivier Lyon hein, sur Énergie, de mes propres ailes. Eh hey, mon Guillaume, tu veux faire une dédicace? Il reste 20 secondes avant la pub. Ouais, je veux bien, ouais. Vas-y, juste après. Je vais monopoliser l'antenne. Non, je vais faire une grosse dédicace. Je vais faire une grosse dédicace à Jimmy, ses gros tétons. Maxime, ses gros tétons. Et Jimmy qui pue de la bite. Ah. Et voilà. Et quand je viendrai à Paris, je te dirai, voilà, c'est moi qui fais mal au Mertinson avec un humour de GM du Standard. Non. J'espère que t'as de bonnes blagues, parce que pour le moment. Vu que vous parlez souvent de séries, regarde une série qui s'appelle Hell on Wheels. C'est super, c'est un western, franchement, ça déchire. D'accord, ok. Hell on Wheels. Voilà. Hell on Wheels. Wheels. Vas-y, je vais aller voir avec plaisir. Par Walking Dead, tout ça. D'accord, ah, très bien, je vais aller voir ça. J'ai grand plaisir. Ils ont ouvert l'attraction Walking Dead au parc Universal Studio. Ouais, studio Il paraît que c'est un truc de ouf. Faut le faire. Elle est trop bien notée, il paraît que c'est dingue. Il y a carrément des rues qui ont été reconstituées. T'as des zombies qui arrivent et tout. Énorme. Les Américains, de toute façon, en termes de show, laisse tomber. Bon, je t'embrasse, mon Guillaume, on fait le jeu du plan A3 là. Ouais, bisous. Je te repasse la minute du standard. Bisous à toi, mon pote. Et t'es bienvenue quand tu veux passer à la radio, t'es très rigolo. Ok, ok. À bientôt. Ciao, ciao. On se fait juste après 30 secondes de bulle, le jeu du plan A3. Guylaine va énerver son mec. Les énergies préférées sont toutes sur la scène du Energy Music Tour. La plus grande tournée musicale revient samedi sur la grande place de Roubaix. Sur scène, c'est Amir, Erail Streffy, Ritza, Chris Cab, Vita, Unique, Zao, Claudio Capeo, Slimane, Souf, Boosty et Esquil Imperator, Julian Peretta. On Energy. Energy Music Tour, présenté par Koé. Samedi, sur la grande place de Roubaix. Un événement énergie. It's music only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Ninja Turtles 2, les quatre frères les plus cool reviennent au cinéma. Leonardo. On s'équipe, les gars. Donatello. C'est parti. Michelangelo. J'ai un look de tombeur. Et Raphaël. Il ferait quoi, Vin Diesel? Sans peur. Il regrette. Ninja Turtles 2. Aujourd'hui au cinéma, vivez le Turtle Power en 3D. Avec Energy. Energy. It's music only. Avec Jennifer en concert. C'est Jennifer sur Energy. Jennifer est enfin de retour pour une tournée événement partout en France. Infos et réservations. Energy.fr, LiveNation.fr et points de vente habituels. Jennifer en concert, un événement énergie. Vous cherchez quoi en fait? Faire des rencontres. Un moyen simple et sympa de trouver de nouveaux amis. Et pourquoi pas trouver l'amour? Accédez à des centaines de profils qui vous ressemblent en envoyant Célib au 63602. Le premier service chat SMS de France à votre service. En envoyant Célib, C-E-L-I-B au 63602. 50 centimes plus prix du SMS, INRJ. Venez voir vos stars préférées sur la scène du Energy in the Park. Vous étiez plus de 40 000 l'an dernier. La troisième édition du Energy in the Park. C'est le 8 juillet à Angers-Trélazé. Sur scène, Ritza, Willy Williams, Souf, Boosty, Macassé, Unique, France, Slimane, Chris Cab et Jennifer. C'est Jennifer sur Energy. Le Energy in the Park. Présenté par Guillaume Play. Le 8 juillet à Angers-Trélazé. Un événement Energy. It's music only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Allez, sur Énergie, 22h54. Tous les soirs, 21h minuit sur Énergie. C'est Guillaume Radio 2.0. Allez, lourde l'émission, frère. Allez, sur Énergie, il y a Guylaine qui est là avec nous au standard. Ça va, Guylaine? Ça va. Bonsoir, Guylaine. Salut. Bonsoir. 26 Salut. Ans de Condat-sur-Vienne dans le 87. Ouais, l'Audienne. Vers Limoges. Exactement. Toi, tu fais quoi dans la vie, Guylaine? L'assistante maternelle. Ah, si, ok, cool. Eh ben, en tout cas, enchanté. Hein. Merci d'appeler et tout, Guylaine. Je sais que t'es un peu stressé, t'as dit Amina du standard, là. Ouais. On va appeler ton mec, ton chéri, il s'appelle Jean-Philippe. Oui. Il a 29 ans, il est au chômage. Il cherche du taf. Ça fait 5 ans que t'es avec lui. Tu voudrais que je me fasse passer pour un mec qui s'appelle François, qui est une connaissance, en fait, que vous avez rencontré dans un anniversaire. On appelle en direct Jean-Philippe. Tu lui fais croire que François t'a rappelé pour te draguer suite à l'anniversaire, un mec que vous avez rencontré. Il t'a proposé de faire un plan à 3 et t'as accepté. Et t'attends ton mec du coup pour faire un plan à 3 et ça va le rendre apparemment fou. Bon courage. Ok, on essaye, Maguilaine. Allez, on y va. Allez, vas-y, on fait le numéro et on t'écoute. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché. Allez, dès que ça sonne, c'est à toi, hein, d'accord, Guylaine? Oui. On appuie sur le bouton. Voilà, ça sonne et dès que c'est bon, on t'écoute. Ouais, allô? Oui, chérie, ça va? Ouais, avec toi? Ouais, ça va, qu'est-ce que tu fais? Là, je me monte en voiture, là, chez Jérémy, là. Non, ça va. Toi, là, t'es dans un endroit calme, là? Hein, ben oui, je suis dans ma voiture. Faut que je te parle d'un truc. Quoi? Tu te souviens de François, qu'on a rencontré à l'anniversaire de Sandrine? Ouais, je te fais, ouais. Ben, il m'a... Ouais. Il m'a recontacté cet après-midi. Hein? Et ouais. Puis bon, on a parlé un peu, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Et alors, ben rien. Il voulait savoir comment on allait. Et puis, ben, me proposer de boire un café, quoi, de passer à la maison. Donc, je lui ai dit oui. Quoi, tu lui as dit oui? Pourquoi? Pourquoi tu lui as dit oui? Parce qu'on a sympathisé ensemble. Même toi, tu lui as parlé à la soirée. Ouais, vite fait. Je m'en rappelle plus. C'est une grosse tête, t'en bats les couilles, pourquoi tu as dit de venir On a le droit d'avoir des copains chacun, enfin, non, on n'a pas le droit. Je ne veux pas m'éluciner une bille, lui. Oh, bah tu sais pas, tu le connais pas, faudrait que t'apprennes à le connaître, parce qu'il m'a proposé quelque chose, enfin, faut voir, quoi. Ça pourrait Mais de être quoi, sympa. Il t'a proposé quoi, lui? Cette grosse tête, là, vas-y, dis-moi, il t'a proposé quoi, là? Mais il m'a dit que je lui plaisais bien, et... Il est sérieux, je vais lui casser la tête, je m'en bats les couilles. Mais non, mais du coup, pour éventuellement faire un petit plan à trois. Mais t'es sérieuse, mais alors, tu m'as déjà dit que non, mais bon, après, ça pourrait éventuellement le faire, non? Ah non, du tout. Je partage pas. Quoi? Franchement. C'est qui parle, là? Ben, c'est François. De quoi, c'est François, là? Qu'est-ce qu'il fait, là, lui? Je t'ai dit, il est à la maison, on a parlé. Et mais de quoi, vous avez parlé? Mais tu parles de rien du tout, là. Mais t'es un ouf, quoi. Mais vas-y, mais fais-le sortir dehors, lui, là, déjà, là. Mais non. Vas-y, mais qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il y a? Pas que toi, ce bâtard, là, c'est mort, là. Mais t'es un ouf, toi, Francis Huster, là. Vas-y, ferme ta chatte, là. T'as envie de coucher avec moi? Chulé, là. Je te le dis, voilà, on se le dit. Bon, quoi, mais... Mais je te jure, je vais monter, mais je vais tout démonter à la maison, là. Ah, t'as plus le droit de... Je vais vous démonter, je te jure, je vais vous démonter. Bah, démonte-moi, mais moi, je démonte ta femme, voilà, on se démonte. Ouais, ok, ouais, tu vois, je vais bien te démonter, ouais. Ça s'appelle un plan à 3. Je vais monter, là, dans deux heures, je suis là, à la maison, je t'attrape, je t'encule, tu vois, voir. Oui. Il faut que je recule ton mari, il faut que je démonte sa mère, ouais, il faut que je le prenne, je mets des patates dans sa bouche ou quoi? Mais t'es sérieux, mais t'as vu la galette que t'es, Francis Huster, là? Foiré, moi. Je vais te prendre, te casser un 4 en tête de mort. Ouais, d'accord. Allez, vas-y là. Mais t'es sérieuse là? Je vais mettre en mode camouflage, je vais t'éclater la gueule. Ouais, ok. Attends, t'as vu comme t'es fille ou quoi? Passe-moi le téléphone, Guylaine, va me faire à bouffer là, je te dis là. Mais quoi, mais va me faire à bouffer là? Mais ferme ta gueule, comment tu parles? Je vais t'en coller une, Guylaine. Ok, mais t'es sérieux toi, tu vas lui en coller une. Tu t'en colles une si tu continues. Mais toi, tu bois un café avec ce truffe là. Allô? Ouais, j'ai le téléphone. C'est moi qui ai le téléphone, abruti, si t'arrives. Ouais, mais de quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais t'es sérieux toi? Comment tu parles ou quoi? Tu vas aller chez mon cul ou quoi? Ah, mais tu vas voir, moi je vais choper Sandrine, je vais lui demander où t'es, je vais te trouver, je vais te démonter. Attends, mais en plus, moi je suis sympa, c'est-à-dire que je te propose de faire un plan à 3, je peux la niquer toute seule, ta femme. Y a pas de plan, y a rien du tout là. Elle a craqué, elle là. Elle a vu ma bite, elle a rigolé, craqué. Je lui ai montré ma bite tout à l'heure, elle a halluciné. Ouais, ok, ouais, d'accord, ouais. Je vais montrer ta bite. Guylaine, comment il est? Il est pas énorme, mon sexe? Ah, il est énorme. Mais allez, mais garde la pêche, mais t'es nul, toi, ou quoi, là? Enculé, mais. Ah, ça va, là, t'inquiète, elle m'a même pas branlé, elle a touché vite fait. Mais garde la pêche, mais fermez-la, là, mais qu'est-ce que vous dites, là? Je te jure, mais. Je vais pas mettre 2h30 à rentrer à Limoges. Je vais mettre 2h, j'arrive, là, je pars, je m'en bats les couilles. Mais toi, t'as craché, toi aussi, là. Je t'en passe ta connasse de femme. Ah, Guylaine! Ouais, mais ta connasse de femme, mais vas-y, mais tu laisses parler comme ça, c'est enculé, là. Va me faire un petit bisou sur mon Laisse pas parler comme ça, là, mais t'es ouf ou quoi? Mais mets-le dehors, ce mec-là. Juste mon antenne. Tu fais quoi, là? T'as vu comme il est pas, là? Mais vas-y, je vais niquer sa mère, lui, là. Enculé, mais il a craqué la feuille, là. J'arrive, je m'en bats les couilles, je vais démarrer la voiture, je m'en bats les couilles. Mais viens, comme ça, on pourra en parler en face à face. Mais bien sûr, mais on va pas parler. Je te promets qu'on parle pas. Bouffias, je te dis caresse-moi les pieds. Mais le laisse pas parler comme ça. T'es ma petite bouffias à moi. Allez, mais pas enculé. Ma petite salope perso. Mais vas-y, mais laisse pas parler comme ça là. Mais le dehors, ce mec là, je te dis, c'est lobby, ce mec. Mais non, mais parce que ça m'intéresse. Je veux que tu. Mais de quoi ça t'intéresse? D'accord, je sais pas quoi là. Tu vas te casser la tête, toi aussi, là. Putain, non, mais t'es ouf ou quoi, là? Tu me fais craquer, là. Elle est où, ta fille, Guylaine? Elle est en bas. Mais laisse ma fille tranquille, là. Elle dort. Non, mais regarde. Mais t'es ouf, toi, en plus, il y a la petite à la maison. Mais t'es malade. Mais sur la... Voilà, là, mais t'es ouf. Mais t'as des gros problèmes. Mais arrête-toi, mais je vais rentrer, mais je vais t'enculer, mais... Oh, je vais vous démonter tous les deux, je vais me parler avec la gamine, mais t'es sérieuse ou quoi, là? Attends, tu t'énerves. Mais vas-y, prends pas les couilles, là. Arrête, tranquille. Je rentre, je vais tout casser, là. La petite, elle regarde un dessin animé pendant que je prends le sommeil. De quoi, la petite, elle regarde un dessin animé? Mais il n'y a rien du tout, il y a la petite et tout à la maison, mais vous êtes malade. Attends. Mais vous avez des gros problèmes, je te jure. Oh, Guylaine, mets-toi quatre pattes. Mais ferme-la ta gueule, toi, là. Putain, là. Non, mais vas-y, là. Vas-y. Enlève-toi les faux conneries, là. Oh, mais vous avez craqué, là. Enculé, quoi. Oh là là. C'est quoi ce délire, là? Je te jure, là. J'appelle le parrain de la petite, là. Il arrive à la maison, moi j'arrive aussi, là. T'en bats les couilles. Vas-y, tu sais. Appelle-le le parrain, là, qu'il la prenne et qu'elle se casse, comme ça, moi je peux m'occuper. Non, mais garde la pêche, là. Vous allez craquer, là. Mais vas-y. Je t'ai battu. Allez, faire foutre, là, mon enfoiré, là. Attends, pourquoi tu cries, putain, tu me déconcentres. Mais ta gueule, toi, je vais t'enculer à sec, là. Oh, tu me déconcentres, putain. Chien de la caisse, là. Oh. Putain. On dit pas chien de la caisse, on dit chien de la casse. Quoi? Putain, non, mais... On peut plus niquer tranquille, là. Mais de quoi, on peut plus niquer tranquille, mais on nique que dalle, là. Bon, c'est bon, c'est pas d'aujourd'hui que je nique avec ta femme, hein. Déjà, avant qu'il y ait ta fille. C'est pas d'aujourd'hui, mais vous êtes fous, vous, ou quoi, là? S'il faut ta fille, s'il faut ta... Peut-être que ta fille... Allez, arrêtez. Eh, frère, peut-être que ta fille, c'est la mienne, on sait pas, alors... Ouais, mais t'es un ouf, toi. Hein? Vas-y, c'est quoi? Je prends la bagnole. Attends, y'a mes potes, Guylaine, qui arrivent là. Ouais, mais ferme ta gueule, tes potes de quoi, là? Attends, je vais la rouvrir, ils sont là. Ouais, ça va, Thomas, ou quoi? Bien. Ouais, ça va, et toi? Tranquille, ou quoi? Ah, merci de l'invitation. Bien, pas ton pain. Ouais, c'est bon, vas-y, j'arrive. Salut Thomas, salut Fabien. Loin du micro. Ouais, mais ferme ta gueule, là, mais c'est quoi, tout ce monde de ta maison, là? Mais ferme ta gueule, là, mais t'es une ouf, là. Thomas, bien. Moi, je prends la voiture. Je m'en bats les couilles, j'ai la voiture, là. Hop. Bien, ou quoi? Comme tu peux l'entendre. La baisse. Tranquille, la famille. Voilà, j'ai bougé là. La cousine, la sœur, ça va aussi. Mais ferme ta gueule. Mais parlez-vous de chez moi là, mais c'est sérieux là, Guylaine. Je présente ma meuf, Guylaine. Elle est belle, Guylaine. Mais de quoi ma meuf, Guylaine là? Mais ferme ta gueule là, je suis de la casse là. Je suis les bâtards là, mais vas-y, mais. Vous allez bien? Allez, en plein. Oh là là, mais vas-y. Elle est en plein divorce, mon frère, il est au téléphone. Ouais, mais de quoi, elle est en plein divorce? Ferme ta gueule, toi, là. Mais ferme ta gueule, mais pars-toi de chez moi, je te jure, j'arrive, là. Je m'en bats les couilles, j'arrive. Mais arrête d'arriver. J'avais dit rentre chez toi, mais c'est nous qui sommes chez toi. J'ai la clé. Guylaine, elle est pas vilaine, hein. Ouais, mais vas-y, mais ferme ta gueule. Elle mérite, elle a pas dit. Enculé, vas-y, mais pas rien de mal, toi, enculé, là. Elle mérite sa cartouche, celle-là. Allez, mais c'est toi, là, tu vas prendre ta cartouche, là. Tu vas voir, je bouge pas, j'arrive, je te jure que j'arrive. Guylaine, c'est ma petite autruie, je l'appelle. Mais t'es sérieux là? Mais vas-y, mais c'est quoi ce bruit là? C'est qui? Mais ferme ta gueule là! C'est l'autre Molance qui parle au téléphone. Il déconcentre là! Mais enculé là! quoi ce délire là? Non mais vous êtes des malades. Par là. Contre, hey, quand tu viens ce soir, dans deux heures, moi je serai parti avec mes potons, on sera couchés. Par contre, ce serait bien, c'est que tu passes acheter deux trois trucs parce que tu vas bouffer dans ton frigo. Là. Ouais, des bières. Ouais, non mais d'accord, ouais, mais t'as gagné. C'est toi déjà qui vas faire les courses. Et malgré que tu sois parti, je vais te retrouver. Je m'en bats les couilles. Mais de quoi tu vas me retrouver? Moi je suis un introuvable. Mais bien sûr, je vais te retrouver. T'inquiète pas, va. Je suis un incollable. T'inquiète pas, va. Cherche pas. Mais je vais te retrouver, je vais t'enculer, va. Cherche pas, fils, tu sais pas. Ouais, mais de quoi? Tu vas voir si je sais pas, tu vas voir. Ouais, des fugitifs. Non, si je sais rien du tout. Ouais, ok, ouais, tu vois, le fugitif de quoi? De rien du tout, oui. C'est plutôt, je vais t'attraper. Mon frère, ça fait 10 ans, il est recherché par la police, même Interpol, il le trouve pas. Ouais, par contre, moi, j'ai pas ta foi. Ok, ouais, d'accord, ouais, allez. T'as gagné, ouais. Oh, moi, je suce, là. Suce merde. Suce merde. C'est quoi, suce merde, là? Oh, suce Jack Neal. Eh, t'es sûr? Mais vas-y, Charon, mais arrête de vivre, là. C'est toi, là. Je vais vous attraper là. On bat les couilles, je suis en volant là. J'arrive, je m'en fous, je prends la route. Et ce soir, qui conne un cul, c'est Guilhem. Qui conne un cul, c'est Guilhem. Qui comprend le vrai, c'est Guilhem. Qui qu'on fait jouir, Guilhem. Qui suce, Guilhem. Qui cavale, Guilhem. Qui facial, Guilhem. Mais vas-y, mais ferme ta gueule toi là. Vas-y, mais calmez-vous là. Parler comme ça là, hey, bon enculé là. Je t'en passe vas-y, ton super steak là, enculé là. Hey, Guilhem, je t'en passe ton bâtard. Je vais me faire ouais, mais vas-y, mais parle toi là, toi là, mec là. Mais t'es sérieux toi ou quoi là? Allô. Ouais, mais t'es sérieux toi? Mais vas-y, mais toi tu finis toute seule toi. Il y a pas de charisme là, ton sérieux mec. Hey, Guilhem, je vais te dire un truc. Putain, non mais. Ma chérie, mais tu l'as pas de ça, ces gens-là, là, mais ils sont bidons, là. Chérie, je veux dire un truc, ouais, il a pas de charisme, mon mec, c'est hallucinant. Hallucinant. Putain, mais vas-y, mais... J'ai rarement vu un mec sans charisme. Ah ouais. Hey, dis-lui de fermer sa gueule, à ce mec-là, là. Ouais. C'est un calamar, ce mec. Ouais. Mais non, mais j'ai pas à lui dire, il fait ce qu'il veut, il a droit à la parole, hein. Même au genou, il a plus de charisme. Je vais t'enculer, je vais vous démonter tous, là. Tous, vous attraper, là. Oh, mange couille. Bon, allez, putain, mais y'a pas de ma couille là, je suis pas ton pote là. Je suis pas ton pote, tu comprends ça? Je suis pas ton pote. Allez, mais garde la pêche toi, vas-y, Vincenzo, passe dessus. Vincenzo, ouais. Nickel. Ah putain, elle est bonne, Guilhem. Mais ferme ta gueule là. Ah, je suis en train de tuer le fil dans Guilhem. Aïe, la cour de toi là! J'ai chaud là! Al Capone! Arriva! Allez là, mais vas-y, mais. Souceur de nœud! Vas-y, je raccroche, je m'en bats les couilles, j'arrive. Attends, dis-lui où on est, Guilhem, ça! D'accord, dis quoi où on est? On est où? Dis-lui où il va venir nous sucer le zizi! Dis-lui où il va venir, Guilhem! C'est qui, va? Yeah! Culé! Dis-lui où on est, à ce moment je couille! De quoi? Mais on est sur Énergie. Ce soir, bienvenue chez vous. C'est Guillaume Radio 2.0. Ouais. 21h minuit sur Énergie. Tu m'entends ou pas? C'était une blague. Ouais. C'était une blague. Jean-Philippe, c'était une blague. Ouais. Gâché, maintenant. C'est Guillaume. Guillaume Radio 2.0. Là, Guillaume. Salut. Le soir sur Énergie. Salut mec. Mais ça va? C'était une voiture, les gars. Là, je suis en train de rouler. Là, sérieux ou quoi? Là. Franchement, t'es pas devenu fou parce que moi, on ferait ça. Ouais, t'as insulté, mais. Franchement, je serais devenu hystérique. Ouais, moi, j'aurais tout cassé, moi. Ah non, franchement, t'es resté assez calme. Hein. Moi, je serais bien. Mais t'es malade ou quoi? Mais attends, Allez, c'est vrai, t'es vraiment... Ah, bah oui. Ah, tu voulais revenir à la maison. On est en direct sur Énergie, elle est toute seule, Guilhem, elle voulait juste te piéger pour te faire une blague. T'inquiète pas. Oh là là, mais t'as des gros problèmes. En tout cas, t'as gagné un beau cadeau, moi. Guilhem, on va te reprendre aussi, on va prendre ton adresse pour envoyer des trucs, d'accord? Bravo. D'accord. On va regarder ce qu'on peut vous envoyer, les potos, là. Hein. Tu veux faire une dédicace, mon Jean-Philippe, avant de partir? Dédicace à Énergie, quoi. Et aux potos de Limoges et tout ça, quoi, mais. Vas-y, y'a pas de problème, gros. Je te fais. Dédicace à François. Non. Elle est ouf. Attends, j'essaie de rattraper le truc, putain. Bon, allez, bisous, j'en fais des bons courage. Qu'est-ce qu'on gagne alors, du coup? On va te repasser le standard, justement. C'est gentil, merci. A bientôt. Salut, bonne soirée. Merci, Jean-Philippe. Ciao. Et Guilhem, tu veux faire une dédicace avant de partir? Eh ben, tous ceux qui nous écoutent, et c'est cool. Vas-y, je te repasse le standard, ma chère, aussi, d'accord? Okay, allez, je du plan à 3 comme ce mercredi de cette semaine, 21h minuit sur Énergie. Là, même l'été, on est là avec vous sur Énergie en direct. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. On finit la minuit l'été, ouais. minuit 23h09. Salut, dommage que je ne puisse vous écouter ce soir. Demain, je pars à Venise. Eh ben, qui vient. Bravo. Mordor, il s'appelle Jean-Philippe, il a une petite voix de thug, c'est énorme. Salut les gars. Ça sent le fake à plein nez, il fait semblant de s'énerver. Salut JC. 49, salut Guillaume, putain les gars, c'est horrible, il pleut au taquet à Toulouse, c'est la fin du monde. Salut Dave. Bon courage, salut Dave. Salut les potos à Toulouse. Hâte de vous voir le 14 juillet. À Toulouse, il y a le concert qui va être exceptionnel. Voilà, que j'ai la chance d'animer. Je suis vraiment très content de le faire parce que c'est le plus gros concert de l'histoire qui a eu en France 370 000 personnes. Il y a du monde. Je pense que avant de monter sur scène à 20h29, je vais avoir un doute quand même. Ouais. Faudra changer de caleçon. Ah bah, merci Gilles. Avec plaisir Guillaume. J'ai l'élégance à ma gauche. Ah bah oui. J'ai l'élégance c'est à ma gauche. C'est vrai, on aura la pression. J'ai l'élégance à ma gauche et le côté crade à ma droite. Bah, merci. Ah, je me suis peut-être trompé de sens. Voilà. Mais non. Peut-être. Bon, en tout cas, voilà, à Toulouse le 14 juillet, les mecs, on va rigoler. Je crois qu'il y a Sean Paul, non? Ouais. Got to love you. Ouais, il y a tout le monde. Apparemment. Ouais, il y a tout le monde. Il y a Il y a des chanteurs. Il y a qui en international? Je crois qu'il y a un plein. Sean Paul. Il devait y avoir. C'est pas Enrique. Non, je sais plus. Il y a plein de mecs qui vont être annoncés au dernier moment. Des surprises. Plein de surprises. Il y aura Luan. Ouais. Il y aura Soprano. Il y aura Kinvé. Il y aura qui, Gilles Sandard? Ah bah je vais voir Guillaume. Bah, il est au courant. Non mais je peux pas dire de bêtises. Attends, t'as pas la feuille des artistes là? Bah, je l'ai pas en fait, je l'ai demandé mais c'est en train de se faire. Y a pas tout le monde de valider. Ah oui, c'est pour ça. On sait pas trop ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on a pas le droit de dire. Ça négocie. Je te sauve la vie parce qu'en fait je sais qu'il y a d'accord, on a le droit de dire quand même et qu'on a pas dit. Bah, y a Zao. Y a Jason. Ah oui, non, y a pas Zao. Bah si. Non, regarde bien. Zazie peut-être. Retrouver, vas-y. Zao, retrouver sur Zaya. Maintenant dis les villes. Attends, non, je crois. Non, c'est ça, prise des fissures. Non, c'est ça. Ah, ils l'ont rajouté aussi. Putain, elle doit être contente, Zao, ouais. Là. Il y aura les trois mousquetaires, Sean Paul, Jason, Zao, Kinvé, Ritza, Chris Cab. Bon, il y aura tout le monde, quoi. Ça, va être vraiment, ça va être vraiment énorme. Ah, t'as raison, il y aura Zao. Ah, ben merci, Guillaume. Elle fait son retour. Il y aura Zao à Trélazé, viens avec nous le 8 juillet aussi. On sera. Elle fait, les deux. On sera à Angers. Franchement, j'ai prévu des trucs, les gars. Ah ouais. Putain, on va être sur scène, c'est énorme. Fantastique. Vraiment. Et là, quand on est venu samedi à Bastia. Vous étiez entre 25 et 30 000. On a fait quand même un 1-2-3 soleil sur scène. c'était quand même magnifique. J'étais de dos, vous bougiez à mort, etc. Et moi, je faisais 1-2-3 soleil. Et je me retournais avec une caméra. Et d'un coup, vous étiez figé comme ça en l'air. Qu'est-ce qu'on a ri. Putain, j'ai encore les. On va à l'école. Non, mais attendez, je vais vous faire écouter la vidéo parce que j'ai filmé avec mon portable. Alors, c'est juste pour vous montrer l'ambiance. On entend 30 000 personnes rigoler, c'est vraiment ouf, quoi. En même temps. Voilà, regardez, c'était le 1-2-3 soleil. Écoutez. Là, il y avait la musique. Et là t'entends 30 000 personnes rigoler. Et du coup on le refait du coup. Voilà, c'est ouf hein. Franchement, on a trop rigolé, j'ai trop hâte de le refaire là. Salut Guillaume, je voudrais faire une dédicace si ça fonctionne. Je vous aime pas changer, pas Marie de Lille, gros bisous Marie. Salut Marie, salut. Bah, je t'embrasse très fort. Salut Guillaume, Johnny Hallyday était en concert à Sedan, je suis passé autour du stade, c'est le feu. Salut j'imagine qu'un concert. Ah Johnny, franchement, ça doit envoyer. Il va, lui, c'est sûr. Ah, non, mais de toute façon, il en fait tellement peu des concerts, je crois. Pour son âge en plus, c'est génial. Il passe, ça doit passer, ça doit s'envoyer. MHD tout à l'heure, maman, j'ai mal. Le nouveau Major Lazer sur Énergie, il s'appelle Boom, on s'écoutera tout à l'heure. Et on se fera môme. On se le cale hein, tout à l'heure là. C'est un morceau qui vous fait envie, vous me le dites. Juste après on va parler de cul. On avait du cul, je stagiaire. Ouais, les plans crades. Ah, on va parler ça, des c'est plans génial. Crades. Amina on va se mettre bien. Ouais. En plus, et toute la journée, elle m'a saoulé pour en parler. Bah oui, j'adore, évidemment. Elle m'a dit, Guillaume, c'est quand qu'on parle de crade. Ouais. J'ai trop hâte. Attends, on a fait Justin Timberlake? Non, pas encore. On n'a pas écouté. On va écouter MHD parce que je l'ai annoncé. On s'écoutera Justin Timberlake juste après. S'il y a un autre morceau qui vous fait kiffer, vous me le dites. Hein. Guillaume et votre message aussi 612. À Noyon, nous c'est le feu ce soir avec Kenji. Eh ben, kiffez bien les mecs. Un bon concert. Guillaume d'être Marion du 64. Gros bisous la Haute-Savoie. Allez, MHD maintenant sur Énergie. Maman, j'ai mal. Et juste après, on parle de cul. Et on parle des plans crades. Ah, c'est bien. On va rigoler sur Énergie ensemble. Deux à la fois, maman me fait confiance. Elle dit que je suis un bras pour la sortir des soucis. Je peux laisser un bras. Le bête contre moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour le vieux loin. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir, chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début du business, c'est vraiment j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. Ah, ah, plus souvent sous le porche qu'à la maison. L'équipe s'est réduite à chaque saison. On m'a dit MHD, vas-y tout seul. Personne te suivra dans ton cercueil. La confiance achète, l'amitié ça paye pas. Si l'amour est avec, pour maman, je suis Richard. La neige sur ma montre, c'est mon air qui approche. Avant de bouger, Disney, je vais faire danser mes proches. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir, chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire qui s'écrit. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Et plus le temps passe, je me rends compte que le succès n'est jamais très loin. J'étais loin des strass, j'appréhende toujours quand je monte sur l'estrade. J'entends le bruit de la foule, maman t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup. Je me plains pas, j'ai la mif qui m'entoure. On dit que j'ai prié à l'ancien temps. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Juste après manger et juste avant de vous coucher. Yeah. Du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, c'est l'heure de parler de QQ sur Énergie. Il est 23h17. Cette musique me fait trop rire, moi. Ouais, je l'adore. Un film. Alors, j'ai reçu une lettre aujourd'hui pour mon intention. Guillaume Play, par contre, il a marqué P-L-A-Y, ma chérie. Voilà, comme Play. Voilà, c'est P-L-E-Y. Bon, voilà, 22 rue Boileau, 75-016 Paris, l'adresse du bâtiment d'Énergie où nous sommes. Au 6ème étage d'ailleurs. J'ai reçu un petit colissimo, enfin une petite lettre rapide. 3 kilos max. Et à l'intérieur, il y avait un t-shirt pour Flo des cadeaux. Ah, merci beaucoup. Parce que Flo des cadeaux, il y a quelques jours, il a mis un t-shirt vraiment trop sale. Et on lui a dit, c'est terminé les t-shirts comme ça. Ouais. Et du coup, le peuple a proposé de l'habiller chaque soir en envoyant un t-shirt différent. C'est gentil, merci. Alors, ce t-shirt-là, il a l'air un peu cracra. Oh là là. Il a été effectivement peint. Flo des crados, en gros. Ah, je le sens mal. Comme jamais. Flo des crados, comme jamais. Ah, énorme. Avec la main de Déborah dessus. Ah, classe. Ah, il est beau. Ah, il est joli. Ouais, il est joli. C'est de l'art. Hein. Attends, il y a eu du travail. Ah ouais. Je vais stagiaire, je t'envoie. J'y vais. Tu viens lui donner à Flo des cadeaux. Merci, Déborah. Ce t-shirt est pour Flo des cadeaux en espérant qu'il lui plaira. Voilà. Salut à Clarzé, 14 rue. Hein, bonsoir à toi. Guillaume, j'appelle Déborah. J'ai 12 ans. J'ai 13 ans le 29 juin. Ah bah bon anniversaire. Ah, ouais, alors, attendez. Je veux dire, je vais pas vous mentir, je l'ai déballé cet après-midi. Enfin, j'ai même pas déballé le t-shirt, j'avais laissé plier, mais j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu que c'était marqué anniversaire par hasard. Ouais. Donc du coup, elle avait laissé son portable et le téléphone de sa maison. J'ai appelé chez elle et juste avant l'émission, j'ai fait une petite surprise. Voilà. Bon anniversaire. Et je lui ai souhaité bon anniversaire et voilà. Donc elle était très contente et je lui fais un gros bisou. Voilà, je suis énormément fan de l'équipe. Vous êtes super. Ne changez surtout pas. Merci Guillaume pour la carte dédicacée. En échange de ma lettre pour la vidéo, on ouvre vos lettres. Ah, parce qu'on a ah oui. Ah, oui. Photo dédicacée à l'époque à tous ceux qui nous enverraient une lettre. Désolé s'il y a des fautes. Je n'en fais pas autant que j'ai un stagiaire. Voilà. Et c'est le 29 juin, c'est mon anniversaire. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir un petit cadeau de ta part, Guillaume, un petit poster dédicace. Bah oui. Avec plaisir. On te le fera tout à l'heure. Ouais, Guillaume, je te laisse ta petite enveloppe. Je récupère. Voilà. Voilà. J'aime bien l'apprendre. Merci. Flo des cadeaux, il porte ton t-shirt, ça y est, ma chérie. Fièrement, il le porte. Attends, j'ai dit le nom ou pas, non? Le nom, c'était Déborah. Ouais, Déborah, avec son famille. Gros bisous, ma chérie Déborah. Salut. Voilà, Flo des cadeaux, porte ton t-shirt et bon anniversaire à toi et bon anniversaire à tous les concernés. Il est pas mal ce t-shirt Flo des cadeaux là. Pas mal. Ouais, il va bien. Merci Déborah. Avant, bon qu'on, parle de, t'imagines, c'est son anniversaire, c'est elle qui te fait un cadeau. On va parler de sexe un peu cracra. Ouais. Est-ce que tu m'entends normalement Arnaud, qui a 26 ans? Guillaume. Ça va comment con? Je t'entendais mal. Ouais, ça va. Salut. Ça va mec, merci d'appeler en tout cas, c'est gentil. Hein. Tu voulais réagir ce soir par rapport au sujet. Enfin, c'est toi qui lance le sujet, tu nous as écrit cet après-midi. Ouais, c'était par rapport au sujet de hier soir en fin d'émission que tu disais là, par rapport au sexe un peu dans des endroits dehors. Dehors. Au départ, dehors, on parlait des trucs dehors, mais pas des plans crades. Mais apparemment, toi, t'as fait un plan un peu crade. Un peu crado, toi. Ouais, on va dire c'est Amida qui a dit que c'était un petit peu crade. Après moi, on va dire. Un petit peu quand même. Ouais, donc je vais t'expliquer vite fait. En même temps, une branlette pour Amina, c'est le crâne. Ah ouais, ouais. Ouais. Pas du tout. Enfin, elle n'a pas besoin de grand chose. Je m'appelle Béal. Nous sommes en 432 après Jésus-Christ. Je suis dans le désert. Le désert d'Oman. Ou d'Oman. Ou d'Aristocrat. Un désert qui n'existe plus. Le désert d'Alexandrie aujourd'hui. Et je marche seul, à la recherche de mon cousin, Nino. Ça fait maintenant 3 semaines que je marche seul, avec de l'eau et un coucher de soleil. J'avais qu'une petite gourdasse. Dans cette gourdasse, il y a quelques gouttes de niol pour tenir le coup la nuit quand il fait froid. Dans l'autre gourdasse, quelques gouttes d'eau pour survivre avec un petit peu de sucre. Je marche maintenant depuis 3 semaines dans ce désert. Putain, qui est cette ombre là-bas? Nino! Ouais! Nino! Ouais! C'est toi! Ouais! Viens là, mon Nino! C'est toi! Viens! 3 semaines! Ah oh, ouais! Ah oh. Oh, tu m'as manqué! J'arrive plus à respirer! Ah, toi aussi! J'ai soif! Est-ce que t'as pas d'eau non plus? J'ai faim! Tu viens de quelle direction? De l'Est! Ok, prends la main! Je tombais sur une bête, un chameau. Il a essayé de me dévorer, mais j'ai fait face. J'ai perdu un bras, une jambe. Non, attends, je vais essayer. Il faut monter crescendo. Un chameau qui a mangé une jambe. Bon, on parle des plans crado. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour ou des rapports sexuels en général? Ouais. D'une manière un petit peu crado, on en parle. Guillaume, et votre message à 602. Venez voir vos stars préférées sur la scène du Energy in the Park. Energy. C'était plus de 40 000 l'an dernier. La 3e édition du Energy in the Park. C'est le 8 juillet à Angers-Trélazé. Sur scène, Reza, Willy William, Souf, Boussi, Zao, Makassé, Unique, France, Slimane, Chris Cab et Jennifer. C'est Jennifer sur Energy. Le Energy in the Park. Présenté par qui on plaît. Le 8 juillet à Angers-Trélazé. Avec les magasins Tarty. Un événement Energy. It music only. Un été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes et profitez d'offres exceptionnelles. En direct du match des bonnes affaires chez Micromania avec Fallout 4 à moins 15 euros qui passe à The Division à moins 20 euros. Beau tacle glissé de moins 30 euros sur Call of Duty Black Ops 3. Relance de moins 20 euros sur Dark Souls 3. Belle remise de moins 35 euros sur Naruto Storm 4 qui saute. But de moins 20 euros sur FIFA 16. Quelles offres, c'est magnifique! Les bonnes affaires, c'est maintenant et en exclusivité chez Micromania. Du 20 juin au 11 juillet dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr. Journée spéciale Ninja Turtle 2 sur Énergie. Envoyez tout de suite par SMS Énergie Ciné plus vos coordonnées au 612 et soyez les tout premiers à gagner vos places pour la suite des aventures des super-héros les plus cool. Ninja Turtle 2, aujourd'hui au cinéma en 3D. Ouais, carrément trop mortel. Avec Énergie, it's music only. Je partirai, j'en sors, 35 centimes plus coût d'un SMS. Dial au 62070. Vos plus belles rencontres par SMS. C'est un vrai portail de rencontres et sans engagement. Utilisable de mon téléphone, sans connexion internet et à tout moment. Envoyez par SMS Dial au 62070 et découvrez que tout cela est possible. Des milliers de profils qui vous correspondent. Dial, D-I-A-L au 62070. Dial au 62070. 50 centimes plus prix du SMS, INRJ. Baby got ass like a trunk. From a man, he a punk. She got a body like Baywatch.

something more. Du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie. Momy déchire le morceau. Hein. C'est des Français en plus, hein, ouais, ouais, ça. Ouais. C'est déchire quand même. Ah ouais, hein. Comme quoi, c'est bien. Les trucs crades, envoyez du lourd les gars, le Fourbe 2.0. Ah, il y a des amateurs de crado ici, ouais. Bah, c'est très bien. Voilà, Amina du Standard, on va l'écouter parler dans la prochaine demi-heure. J'espère que la couscoussière viendra cuisiner ma saucisse, justement, Bob l'auriculeur. Dédicace au lycée Henri Meck, salut Margot. Là. Salut. Alors, on va parler des plans crades et Arnaud nous avait lancé là-dessus, on a déjà Suzy qui a réagi. Est-ce que tu m'entends, Arnaud, 26 ans hein. Ouais, je t'entends. Voilà, tu disais que c'était pas vraiment un plan crade pour toi, mais bon, voilà, t'avais réagi hier par rapport à l'amour dehors. Qu'est-ce que c'est ton plan crade alors, mon con? Bah, alors, le plan, si tu veux, ce qui se passait, c'est qu'on faisait un petit barbecue avec des potes dehors à l'été, là, l'été dernier. Et on avait un jacuzzi. Et il faisait chaud, tout ça. Moi, je me mets au jacuzzi à l'eau tranquille. Et il y a une meuf qui vient pour me rejoindre. Et la meuf pour me rejoindre, elle fait quoi? Elle s'est pris pour Nemo, elle a plongé direct, tu vois. Oh. Elle a plongé dans le jacuzzi? Dans l'eau? Ouais, elle a plongé dans l'eau, mais si tu veux, elle a cru qu'elle pouvait respirer sous l'eau, elle est allée direct sur mon sexe, tu vois. Non. Elle est attirée, un aimant, là. Non, mais c'était qui la fille? C'était une amie que je connaissais, que j'avais rencontrée dans un club de motards. Ouais. Parce que je suis motard, si tu veux, et donc du coup, je l'ai rencontrée par pur hasard, et puis ça faisait quoi, une semaine que je la connaissais, quoi. Ouais, d'accord. Et donc du coup, après, on commence à faire notre affaire, on commence à niquer tout ça, et là, je vois mes deux potes qui me regardent en train de faire le barbecue, tu vois, normal. Bah moi je fais quoi? La meuf, aucune gêne, moi aucune gêne, bah je les appelle, je leur dis de venir. Et les mecs voulaient pas venir, tu vois. La meuf, je la mettais la tête dans la bouée du jacuzzi, tu vois, pour pas qu'elle bouge et tout ça. Et personne voulait venir, les mecs tellement dégoûtés, ils se sont barrés. La fille, elle était un peu crado de base ou pas du tout? Enfin, je pense plus libertine, tu vois. Ouais, ah ouais, putain. Ouais, ouais. Mais excuse-moi, mais je vois pas trop comment tu peux te faire sucer sous l'eau dans un jacuzzi. Ah ouais, y a des bulles. Mais la fille, ça doit être atroce. Il faut qu'elle respire. Non, en plus, t'as de l'eau dans la bouche. Enfin, ça doit être vraiment l'horreur. Non, mais l'horreur. Faut que tu t'assoies. Mettre un masque ou un pince-nez au pire. Mais non, mais quand même, il faut respirer. Oui. Il faut que tu t'assoies sur le rebord du jacuzzi. Là, la fille, au moins, voilà, elle est bien. Non, mais le jacuzzi, il sert à rien, excusez-moi. Ah ouais. C'est comme une baignoire. Il faut mieux se faire sucer sur un transat, à la limite. Ouais, voilà. Sur un pédalo. Mais sur un pédalo. C'est rigolo. Sur le toboggan du pédalo. Ah ouais. En vacances. Ah là là. Et alors, attends, je sais déjà, elle se fait sucer sur la bouée banane. Ouais, bah franchement, en avançant quoi. Ça va vite. Ah, attends, et donc, attends, on n'avait pas fini. Et au final, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, la fille fait l'amour et veut faire l'amour avec tous tes potes aussi. Non, qu'avec moi en fait. C'est moi, tu veux, qui ai dit à mes potes de venir, tu vois. Je suis pas un crevard, je fais partager. Hein. Bah, t'es bien toi. Non, mais la fille, elle était d'accord. T'es en équipe. Bah, pourquoi tu veux qu'elle soit d'accord? Bah je sais pas, à un parce moment donné c'est bien qu'elle soit au courant quoi. Sinon ça s'appelle du viol, attends, mon garçon. Je veux dire, à un moment donné tu fais pas venir des potes si elle a pas envie la fille, donc c'est mieux qu'elle soit d'accord. Mais non, mais tu la préviens. Regarde, on est en train de niquer dans le jacuzzi, elle sait qu'il y a mes potes qui sont à côté, donc ça veut dire qu'elle a aucune gêne, donc ça veut dire que ça la dérangerait c'est pas pareil pas, non plus. Attends, ça voudrait dire que ça la dérangerait pas que mes potes viennent, tu vois. Ouais. Tu raccourcis un peu trop vite les choses. Hein. Elle est un peu exhibe, peut-être. Ouais. Elle est pas farouche, mais après de la partager, je sais pas. Ouais. Bah, au final, je l'ai niqué tout seul. Tout était pour moi, donc je m'en fous. Ouais. Elle était jolie, la fille, ou c'était vraiment Non, ça va, elle avait son charme. Un Pokémon, quoi. C'est Pikachu. Avec des couleurs de partout. Ah ouais. Non, mais donc plutôt pas mal, etc. Et au final, vous avez fait l'amour dans le jacuzzi complètement. Ouais, complètement, ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller en club échangiste et qu'il y ait des mecs qui couchent dans les jacuzzi. Ouais. Mais je veux dire, moi jamais je rentre dans un jacuzzi où des mecs ont couché avant. Quelle horreur. En plus, parfois, il y a des genres de partout. Enfin, ils sont plusieurs dans le truc, etc. Ils éjaculent partout. Amine, elle est là, elle boirait la tasse. Non, mais c'est pas seul parce que je vais trop grand berger. Non, mais attends. Et donc, au final, ça s'est terminé dans le jacuzzi, juste à deux, quoi. Ouais, voilà, juste à deux, tiens. Ouais. Normal. C'est marrant. Est-ce que vous avez déjà fait des plans un petit peu crado comme ça? J'aime, t'en as le plan le plus crado que t'as fait en sexe. Émouvant mais légèrement glauque sexuellement, ce côté histoire. Putain, j'ai pas compris Clarisse du 02 là. J'adore quand vous faites des improvisations avec la musique derrière. Sarah Duran. Ah, salut Sarah. Salut, salut Man. J'ai fait la mort sur une tombe dans un cimetière, c'est pas crade, non, mais hard. Non, non, il faut pas. Le bonjour à tous les routiers en frigo, ah, pas bon du 89. Non, mais jamais, moi je le ferai par respect quoi. Ah, ouais. Je suis solo dans mon camion pour fêter mes 34 ans ce 29 juin, c'est un peu glauque. Ah bah bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. De la part d'une équipe d'énergie, voilà, gros bisous. De la part de Guillaume Radio 2.0. Ouais, inventaire. Voilà, mon Flo d'Épernay, gros bisous à toi, on pense à toi. Et un bon anniversaire, un joyeux anniversaire. On va trinquer pour toi, mon gars. Chin chin. Eh oui, chin chin, allez, à la sienne. Allez, bon anniversaire gros. Mais d'abord Arnaud, plan crade, JM du standard, plan crado, une fois, le plan le plus crade que t'aies fait. Ouais, moi j'ai déjà raconté, c'est quand en fait j'avais mis des doigts à une fille qui avait ses règles, elle le savait pas plus, tu vois. Oh. C'est vraiment non, dégueulasse. Ça c'est pas un plan crade. Ah ouais, mais tu le sais pas. Non, je parle de plan crade. De plan crade, là c'est, il t'est arrivé un accident, on va dire. C'est pas un plan crade ça, c'est deux choses différentes. Si t'avais un plan crade, ça aurait été, je commence à la lécher parce que je crois qu'elle a ça, c'est voilà. C'est genre ça c'est un accident. Ah bah alors, il m'est arrivé, je voilà. Et t'as jamais fait du cul un peu sale, un peu crade. Si, mais je fais attention, tu vois. Jamais un peu crado. J'aime le standard, j'ai essayé hier. Ouais. Moi, une fois, c'était en soirée, j'étais bourré, j'avais de la bière sur moi. Et en fin de soirée, je vais avec ma meuf, donc chez elle. Et là, elle commence à me lécher le pantalon, l'entrejambe. Mais c'était dégoûtant, tu vois. Ouais. J'avais un petit peu vomi avant et après. Oh. Mais vraiment, elle était chaude, la meuf. Non, là, c'est de la connerie. Non, je te jure, c'est vrai. Après, la fin, excuse-moi. À quel moment tu fais le. Excuse-moi, il y a des filles qui le font. Et lèche la bosse ? Ouais. Ah oui, ça m'est arrivé. C'est super excitant en plus. Alors que tu t'es frotté la barre du métro, non ? Ouais, je te jure. Non, j'étais en soirée, j'avais un peu de bière partout, c'était un peu dégueulasse. Ah ouais. Si. Moi, j'ai vomi dessus et tout, non ? Moi, il y a une fille qui m'a léché la bosse. Je me rappelle très bien. Je me rappelle comme si c'était hier. Ah ouais, c'est charmant. Elle passe la main dessus et tout après, ouais. Et elle te regarde. C'était il y a longtemps, j'ai dit j'étais en couple. Elle m'a dit ah bon, elle s'est mise à genoux, elle a commencé à me lécher le jean. Ah, c'est chaud. Voilà. Ah, t'as pas trompé ta copine de l'époque alors Non, j'ai pas trompé ma copine de l'époque. Ouais. Presque. Non, je me suis pas trompé quand tu fais. Un léchage. Non, mais j'allais pas la pousser. Non, mais en vrai, j'ai poussé, j'ai dit vas-y. C'est une épreuve quand même. C'est une épreuve. Après, est-ce qu'elle a ouvert la braguette ou pas? Franchement, elle a essayé. Là, tu l'autorises. Faut de la volonté. Il y avait une digicode. Elle a réussi à toucher. Arrête. Et très compliqué, ouais. Non, attends, j'ai le stagiaire. Et donc, elle avait léché le vomi, non? C'est non, mais il n'y avait pas du vomi sur le pantalon, il y avait un peu de bière et tout, mais elle léchait le pantalon de fin de soirée quand même. Parce qu'elle était complètement démontée? Non, pas forcément, elle était juste chaude en fait. Ouais, d'accord. Elle avait envie et puis voilà. D'accord, ok, ouais. Puis une autre fois, j'avais rencontré une meuf en soirée, je l'avais doigtée. Enfin, faut être très chaude là pour. Ouais, mais elle était bien, tu vois. Ouais, elle était à point, quoi. Ouais. Et une autre fois aussi, c'était. J'avais mis un doigt à une fille et j'avais léché mon doigt en fait. Ouais. Je la connaissais pas très bien, tu vois. Ouais. Et après, j'ai mis le doigt dans la bouche, c'était rigolo. Voilà. Ouais. C'est la base, ça. C'est pas grave. Non, mais je la connaissais pas. Ouais. Bon, une fille que tu connais pas, j'irais pas lécher mon doigt. Bah, moi, j'aimais bien, c'est. Je l'avais dans sa bouche. Mais qu'est-ce qu'il y a chez Soda? Je sais pas. C'est drôle. Ouais. Mais toi, tu crois que c'est les sucettes le. Ah, sérieux. Bah, en soirée, ça. Je l'ai fait dans ma voiture sur le parking d'un cimetière. Bon, ça va parce que tu sais pas. Ouais, sur le cimetière à côté. Voiture, quoi. Ouais, enfin bon. Le double plaisir, c'est se faire sucer en chiant, merci. Qui me fait souffrir, dis-moi ce que tu veux. Au moins, ça sera clair. Oula, salut J. Bonsoir J. Salut J. Bisous, bisous. Le message est transmis, Justine ou J, ou je sais pas comment. Je croyais que je me branlais. En fait, je tirais sur le nez de JM du standard. Ça, c'est bon. Et l'autre jour, je m'essuyais le cul, je croyais que j'ai pas bien gueulé. En fait, c'était le crâne chauve de Julien Stagiaire. Ah, arrête de dire ça. Amina du standard, ma Miss France. Ah. Mon petit couscous du standard, plein de bisous dans ton cou. Ton fidèle admirateur, Joe, le mille. Salut le militaire. Salut, Joe, bisous salut. À toi, Joe et militaire. J'ai stagiaire a été recouvert de caca par Amina du standard. Ah, ouais, moi, j'ai baisé sur la plage, c'est Tom Pousse. Salut. On se raconte un peu nos plans un petit peu crado. Hein, voilà. J'ai fêté mon anniversaire au taf agriculteur. Gros bisous, les copains. Hein. Je vous embrasse tous très fort, hein, les agriculteurs. Ouais, bon courage à vous. Bisous. Un plan dans les toilettes, la fille m'a rejoint dans les toilettes. J'étais en train de le chier et j'ai de l'éniqué, mort de rien. Je suis sûr, j'ai stagiaire, c'est un scatophile. En gros, c'est sûr, il mange sa merde. Non. Salut Clément, mort de rire. Alors il y a beaucoup d'appels hein, voilà, c'est une princesse Amina du standard transport Transcal. Salut à Francky 14 du transport Malherbe, Baptiste du 14. J'ai couché avec mon mec dans la piscine avec ses potes autour. Salut Molly. Oh, c'est pas sale ça. Molly, ça fait vraiment Molly, un film américain, j'adore. Molly Malone. Donc je vais essayer plan crade Amina du standard, un petit plan crado. Plan le plus crade que t'aies fait. Bah en fait à chaque fois c'est malgré moi parce que moi j'aime pas ça, j'aime bien quand ça sent bon, machin, le parfum et tout ça. Et une fois j'étais avec un gars, ça faisait genre quelques semaines et à chaque fois il enlevait son jean en même temps que son caleçon, il restait en t-shirt. et moi je trouve ça hyper bizarre. Donc un jour j'ai mené l'enquête et j'ai été rattraper son caleçon, tu vois, dans la nuit, pour voir pourquoi il l'enlevait si vite. Ouais. Et en fait, il enlevait les deux, bah moi j'enlève les deux aussi, un problème. Et tu restes en t-shirt. Non, ça dépend, mais parfois, genre quand je suis vraiment hyper excité, bah j'ai pas enlevé un puis l'autre, j'enlève les deux d'un coup. Bah non, c'est pas ça. Ah non, je garde pas mon t-shirt, j'enlève tout, mais Ah oui, t'enlèves. J'enlève une chaussette. C'est comme garder les chaussettes, ça sert à rien. Mais là, il était en t-shirt chaussette. C'est pas grave quand même. Bah si, dans le film camping, il est en t-shirt chaussette. Ah, c'est vrai, Franck Dubosc. Claquette. Non, franchement, moi, claquette je chaussette. Pas. La claquette chaussette de base. Hein. La sandale filage chaussette. Non, le mec, il est en classe, t'es dégoûté. Ouais. On t'a déjà pris en le en claquette chaussette. Ah, non. Désolé. Et tu mets des fessées avec la claquette. Non. La tête dans la tente. Non, ça va. Merci, c'est gentil. Claquette la tête bouche. Dans le camping gaz, je vois. Ah, ouais. Dans le but à non, gaz. Non. Avec du banania, tu sais. Pour le petit déj. Qu'est-ce qui t'arrive, Jules Sandard? C'est un produit d'un camping. C'est Benko. Benko, ah, c'est pareil. Ah ouais, pardon. Voilà, attends. C'est pareil. Il nous ressort le mot banania. Placement produit. Attends, le mec est payé par une marque. Même pas. Alors, attends, et donc on n'a pas fini. Et donc, c'était quoi ton plan crade? Et ben, donc, le problème, c'est que moi, je trouvais ça bizarre de rester en t-shirt chaussette. Donc, un jour, j'ai mené l'enquête et j'ai été dans le panier à linge récupérer un caleçon. Et là, j'ai vu que c'était pas propre, quoi. Il y avait des traces. Excuse-moi, c'est pas du tout le sujet, là. C'est pas un plan crade. Bah, si, c'est un plan crade. Non, là, c'est que le sujet, c'est tombé sur un mec sale. C'est pas un plan crade. Un plan crade, c'est un truc que tu fais volontairement. Bah, oui. Tu sais que c'est un peu crado. Tu lui lâches sur le mec ou quoi. Imagine, tu vas lui parler, tu vas lécher son caleçon envers les yeux. Ça, c'est. Non, mais un plan crade. Un plan crade. Ça, c'est bien lécher le jean. J'ai l'impression que vous comprenez pas ou que vous faites semblant de pas comprendre. J'aime du sonar, il fait semblant de pas comprendre. Non, je te jure. Ou alors, je sais pas si vraiment il comprend pas. Sandra, t'as jamais fait genre une énorme queue leu leu où tout le monde s'en fout? Ouais. T'as pas vécu un truc un peu crado? Le dernier truc, un peu limite, c'était l'histoire de la bouteille d'eau que je me suis pris dans la gueule, là. Mais j'ai toujours pas compris. C'est de l'eau. Comment. Ouais, il t'a vidé une bouteille d'eau dans la gueule. Bah ouais, bizarre. Ouais, franchement, ça va. Ouais, c'est de l'eau. Non, je te jure, c'est surprenant. Attendez, un truc de foufou, là. Bon. Non, mais je le connais pas. Et ouais, bon, d'accord, compris. T'as dû l'énerver. T'as pas pissé dessus, là. C'était un plan cul, alors? Bah ouais. Ah, je croyais que t'avais jamais eu plan cul, tu m'avais dit. Non, c'est pas vraiment un plan cul, c'est un plan dodo. C'est quoi? C'est une nouveauté que je viens d'inventer. C'est un plan dodo, c'est-à-dire qu'on dort ensemble, mais voilà, il se passe rien d'extraordinaire. Ah ouais, le mec, il a vraiment rien à faire. Hein. Parce qu'aller faire un plan dodo. Ça m'est déjà arrivé de faire des plans dodo. Non, c'est trop bien, tu dors pas tout seul. Tu fais quoi? Je suis en couple, on peut dormir ensemble. Exactement. Mais on prend une peluche. Ah, mais ça recouvre. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Ah, le mec, il était en couple et tu as quand même vu. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai? Non. Mais vous embrassez? Ouais. Ah ouais, mais pour moi je trouve ça plus insultant. Imagine un jour j'ai une meuf, j'apprends qu'elle a dormi avec un mec et qu'elle l'a embrassé, je trouve ça plus insultant que le sexe. Pour moi, c'est faire va au bout des choses, quoi. Non, moi je préférerais, si un jour j'ai une meuf qu'elle me trompe, aller coucher avec un mec qu'aller dormir avec un mec. C'est hyper intime, je sais pas, c'est dormir avec quelqu'un. Bah c'est hyper intime. Bah le sexe aussi, coucher avec quelqu'un, excuse-moi. Ah, mais c'est autre chose. Bah je peux voir ça bestialement, moi, plus cérébral de dormir. Mais si elle couche avec la personne et qu'elle dort avec elle. Pour moi, c'est plus du sport et tu prends du plaisir en même temps, tu vois, le sexe. Ouais, ça me fait plus chier quand même. Enfin, tu vois, c'est plus cardio. Moi, je peux coucher. Oui, chacun voit le sexe que va faire un ping-pong. Moi, je prends plus de plaisir. Je prends du plaisir avec une nana, etc., sans l'aimer, mais juste en kiffant avec elle 10 minutes, tu vois, en marrant et tout ça. Que aller dormir, on s'en fout. Dormir, moi je trouve ça limite insultant. Moi, je suis d'accord. Ça veut dire un bisou, c'est aussi trompé. Bah oui. C'est aussi insultant, du coup, c'est un bisou. Non, mais je préfère que. Préfère qu'elle suce un mec ou un bisou. Le jour où j'ai une meuf, qu'elle embrasse un mec, qu'elle ait une relation avec un mec complet, qu'elle ait dormi avec un mec, j'ai appris qu'elle l'a embrassé, qu'elle a vécu un petit truc un peu, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Mais si elle couche et qu'elle dort avec le mec, c'est la totale, là. Bah là, il n'y a plus de discussion. Et Guillaume s'est fait un enfant, bien sûr. Tu me rajoutes une couche à chaque fois. Là, mais évidemment. Mais quand même, toi. D'accord. Non, j'ai le sandal. À peu près pareil. Ouais. Attends, une fille que t'aimes, ça te fait chier de savoir qu'elle est dans un lit avec un autre mec, si c'est pas pour coucher, quoi. Bah, je sais pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais le sandal. Ah, mais je suis complètement d'accord. C'est vrai, ouais. Donc c'est encore plus sale ce que t'as fait. Hein. Ça, parce que déjà c'est pas moi qui suis en couple. Oui, c'est pas elle. Elle, c'est la connasse. Elle, c'est la mort. Ah ouais. Jusqu'à que la mort vous sépare. Pas du tout. Déjà, le mec, c'est lui qui a forcer de ouf, il arrête pas de m'envoyer des messages, viens on se voit. Donc oui, déjà, on veut dire non, on dit non. Personne n'a été payé. Mais non, mais en fait, il vient de se faire dégager par sa meuf parce qu'en fait, il sort avec une fille qui est bi et qui est tombée aussi amoureuse d'une fille. Putain, mais faites un trouble quoi. Bah ouais, et donc du coup, il était un peu deg et tout, et il est plus ou moins en célibataire, donc c'est pas mon problème, il se démerde. Hein. Enfin, pour moi, le couple parfait, c'est deux filles, un mec. On fait un trouble. Ouais, mais je crois qu'il était pas motivé. C'est rare, ouais. Ah, c'est jackpot, hein. Non, ou alors, soit t'es avec une fille, ça j'ai dit 20 fois, et puis voilà. Tu fais des plans à trois de temps en temps avec une autre meuf. Ah, on l'a trouvé après. Et donc, Amina du standard, jamais truc plus crado que ça, quoi. Bah, sinon, la plage, ouais, c'est un peu sale. Ouais, c'est crado. Quoi. Ça va. Mais non, mais c'est pas un plan crado, c'est un plan limite romantico. Tu rigoles ou quoi? L'euro, c'est crado. J'étais déjà testé l'euro ou pas? Non, mais je vais le faire. Franchement. Ah, franchement, je te jure que c'est dans mes petites notes là. Ouais. Mais... Non, mais je te jure, c'est vrai. Il nous a raconté qu'il s'était fait sucer sur les marches devant le PSG. Ouais, c'est vrai. Au Parc des Princes. Ah ouais. Je suis repassé aujourd'hui et j'ai repensé à ça du coup. Vous voyez un mec qui est carboné la nuit qui se fait sucer. J'ai une casquette. La prochaine étape, c'est Stade de France. Ah, non, mais ouais, mais Stade de France, ouais. C'est loin, c'est plus loin. J'ai couché avec mon gars dans la piscine avec ses potes autour. Ouais, on va t'appeler là. J'espère que t'as couscous fière cuisine. Salut. Je suis sûr, juste déjà, c'est un scato. Non, je te jure, je suis pas scato. On se raconte un peu nos histoires. Flo des cadeaux, est-ce que t'as déjà fait un plan un petit peu crado? Ouais, moi avec une fille en festival, on n'a pas pris de douche pendant 3 jours et on a couché ensemble. Ouais, bon ça va, ça pue vraiment. Ouais, c'est un peu crade. Ah, tu le sentais? Même la fille, là tu t'es dit c'est trop là. Il y avait pas de préliminaire quoi, on y allait pas de contact buccal, on y allait C'est vrai? Ouais, direct. Ah, tu peux de la gueule et tout? Bah non, mais c'est pas ça, mais on savait très bien que sous la ceinture, c'était un peu dégueulasse quoi, donc on y allait direct. Ouais. Même ça pue des pieds et tout, ça doit être un cauchemar. Ouais, mais t'embrasses pas les pieds. Non, attends. Bah, moi si j'adore mais. Ah, mais quand j'ai envie. Attends, 3 jours. À 3 jours où tu fais rien. Mais tu te laves les dents en 3 jours? Oui, bah oui. Ça c'est possible avec une bouteille d'eau. Mais toi tu t'étais lavé les jambes. Oui. Ouais. Mais c'est la douche entière, ça c'est plus. Les tout bras, les aisselles. Ouais. Mais même ça refoule quand même, t'as une remontée de. Ouais, l'odeur. Bah, comme l'odeur remonte, la chaleur remonte. Oui. Comme quand tu prends. En levrette, c'est insupportable parce que ça m'est déjà arrivé de coucher avec des effluves. Ouais, c'est ça. Il y a des effluves. Hein, ouais, c'est ça. Pourquoi? Non mais d'accord. En levrette, moi ça m'est arrivé de faire une levrette et tourner la tête sur le côté. Ah ouais. Il y a un pince nez. C'était pas moi qui sentais mauvais. Elle voit pas ta deuxième main, tu te bouges le nez avec. Ça lui a quoi? Non. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire une levrette avec un masque à gaz. Elle tourne la tête, elle doit te boucher grand bleu. Et j'étais, je me suis mis un truc sur les yeux là, sur les, ah ouais. Une écharpe sur le, comme les mecs dans les manifs, c'est. Ah ouais. Une levrette manif. Moi, j'ai pas de bloc crado parce que je suis plus chaud, j'ai pas de copine. Salut, le PD du 7-8, salut à toi. Salut. C'est son pseudo, c'est pas moi qui. Ouais. Vous parlez de cul et tout, et puis moi aussi, je suis plus chaud. J'ai qu'une copine en 16 ans. Salut mon gros. Bah laisse ton numéro si tu veux, avec plaisir. J'essaie déjà, elle se fait sucer par Passepartout. Qu'est-ce que tu fais? Non, sérieux, les gars, respectez-moi, respectez tout le monde là. Ah ouais? Putain, mais oh! Mais surtout! Non, mais moi aussi, alors. Respectez mais Passepartout. Moi, je suis un humain, j'ai un cœur. On embrasse le passe là. Salut. Et moi, on m'embrasse. Moi, on s'en fout de ma gueule. J'ai fait une levrette en chaussette Burlington, salut Guillaume. Salut les gars. Et que ce soit Burlington ou Zara, c'est pareil les gros. Hein. Ouais. C'est pas sexy. C'est de foot, t'as la trace de la chaussette après, J'ai une sœur, elle adore boire la pisse de jeu stagiaire. Arrêtez, je l'ai déjà fait dans les toilettes d'un McDo avec ma copine de l'époque. J'étais à l'armée à ce moment-là. Salut mon Greg. C'est pas crade ça. Les toilettes du McDo, c'est pas non plus le moyen. Moi j'ai reniflé les règles de ma meuf à mon pote, mais genre j'étais défoncé de Clément le renifleur. Salut mon Clément. Les odeurs, si. J'aimerais savoir ce. Alors, j'ai pas compris la suite de ton message, mon ami. J'aimerais savoir c'est qui avait gagné. Vous savez, quand on avait donné un point à telle personne et le dimanche, on dirait c'est qui le gagnant. J'ai pas compris, mon. Ah mon oui, copain. Ah, le classement qu'on avait fait, en fait, c'était l'euro. L'euro de la radio. Je sais plus qui avait gagné. Je crois que c'était Amina du standard. D'ailleurs, j'ai une PS4 à vous offrir. Alors, vous savez quoi, en deux secondes, vous envoyez Guillaume et la réponse avec votre numéro au 612. C'est pour une PS4 avec le jeu Lego Star Wars, le réveil de la force qui est sorti. Ouais. Que je dis hier, qui est sorti hier. Je vous offre la PS4 plus le jeu Lego Star Wars. Il faut juste me répondre à ça. Quel est le nom français de Star Wars? Voilà, Guillaume et la réponse avec votre numéro de téléphone au 612. Je vous explique, c'est moi qui ai fait la question. Ouais. Parce qu'ils m'ont dit, je vous offre une PS4 tous les jours si tu fais poser une question à l'antenne en rapport avec le jeu pour parler du jeu. Je dis bah vas-y, donne-moi la PS4 et je vais leur faire une question moisie pour que tout le monde trouve. Bah oui, donc voilà, c'est quel est le nom français de Star Wars? C'est la guerre des quoi? Ah bah là tu donnes la réponse. C'est abusé. On s'en branle, putain. C'est bravo Guillaume, t'as gagné la PS4. La guerre des quoi, on dit Star Wars la guerre des Guillaume boutons. Et vous mettez seulement avec votre numéro de téléphone au 612. Allez-y, je vous laisse 10 secondes là, on prend un gagnant direct. On se fait dans 2 minutes, on se fera plaisir. Galantis, on s'est pas fait Galantis. Non, pas encore. On s'est pas fait des oro, Bailar. Non, on s'en rappellera là. Il dure 2 minutes, il est très court. On se le fait maintenant, je prends un gagnant juste après. Et venez nous dire les plans de crade que vous avez déjà vécu. Guillaume, et votre message aussi sur Énergie. Allez, bonne nuit les gars, 21h minuit jusqu'au 15 juillet, on profite des quelques soirées en... Il faudrait qu'on fasse un décompte des soirées d'ailleurs, j'y moins machin là. On est en direct, 23h50 de bonne nuit les mecs, je suis très content de partager ces soirées de radio ensemble. Il y a Suzy qui est là de Ronchin qui vient d'appeler, on va prendre un gagnant Star Wars dans 2 minutes. Venez nous dire à l'antenne les plans crates que vous avez déjà fait en termes de QQ. Et tu m'entends Suzy de Ronchin? Oui, je t'entends. Ça va, t'as 15 ans, t'es du 59. Enchantée, Suzy. Salut, Suzy. Enchantée, je suis super stressée par contre. Bah, faut pas. Tu sais, nous, on fait que de la radio et on envoie les missiles seul, c'est tout. Voilà, là, non. On travaille, tu sais, t'avais déjà entendu qu'on avait expliqué qu'on travaille aussi pour l'armée française? Ouais. Non, t'avais pas entendu? Si. Ah, parce qu'en fait, j'imagine que t'as entendu. En fait, si tu veux, la moitié du temps, en fait, jusqu'à 21h, en fait, j'aime ça, un caporal dans l'armée. Tout à fait. Je suis stagiaire et en fait parachutiste. C'est ça, ouais. Je commando para, ouais. Flo Décado, ouais. et sniper. Oui, tout à fait. Et Amina du Standard et cantonnière. Voilà. Voilà, on a chacun notre rôle, si tu veux, dans l'armée française. Et voilà, on s'est enrôlé jusqu'à 21h. Et à 21h pile, j'arrive à l'antenne et je deviens animateur radio. Tu vois, la journée, tu m'appelles comment? Je suis stagiaire. Mon caporal. Voilà, mon caporal. Ouais, voilà. Mon caporal, oui, comment? Mon caporal chef. Voilà, mon caporal chef. Ouais, c'est important. Voilà. La rigueur. Donc là, on déconne et tout, mais en fait, la journée, on est vraiment dans la rigidité. Ah ouais. Et on rigole jamais la journée. Beaucoup d'éducation militaire. Moi, j'étais au ministère quand j'étais école avec mon parachute. Voilà. Quand tu décolles avec voilà. Et donc, pour te dire, Suzy, moi j'ai une table de mixage ici et dessous j'ai un petit vérin électronique et je peux envoyer des missiles. Faut pas trop le dire, ça, Guillaume. Faut pas trop le dire. Excusez-moi. Ouais. Secret défense. Même la fusée, on l'a. Hein. Secret d'État. Et donc, en fait, on dit toujours qu'il y a une bombe atomique sur Paris, je peux te dire qu'elle est pas loin de moi. Ouais, je parle pas d'Amina du Standard. Non, c'est une vraie. J'aurais pu. Et donc, pas de blague. Il y a une trappe qui s'ouvre du toit d'énergie, j'appuie sur un bouton et. Attends, tu veux qu'on essaye pour voir? Ça arrive où le truc? Attends, donne-moi l'adresse de naissance où t'es né, Suzy, juste pour essayer là. Bah, à Lille. Attends. Attends, je vais envoyer un, si tu veux bien. Te trompe pas de bouton, Guillaume. Ah non, t'inquiète, y a pas de raison. Avec le siège éjectable là. Attends, les gars, je suis quand même un pro, je vous rappelle. Attends, je vais un stagiaire, prends ton fusil. C'est bon, je l'ai. Tire un coup dans le mur pour montrer. Vas-y, 1, 2, 3. Voilà, tu vois. Ouais, ça va. Donc, attends, tu veux que j'envoie un missile? Hein, Suzy? Peut-être qu'elle a peur, vraiment. Elle a eu peur. Ouais, vas-y, vas-y. Attends, parce que je peux même tirer un missile sur nous, tu vois, pour qu'il revienne. Ah ouais, attends, ouais mais bon, on essaye. Il est tombé sur l'hôpital juste à côté. Ah merde, on a eu du cul. Désolé, il faut qu'on s'excuse. Attends, on va recommencer. Non, là, c'est le voisin. On va encore passer sur BFM. C'est l'école, là. Je suis désolé, là. Bon, j'ai un stagiaire et d'ailleurs, t'as ta voiture, hein, t'as ton 4x4. Ouais, il est en bas. Il a sa Jeep avec le klaxon. Yes. Ah, si j'ai customisé, j'ai mis un coup de 106. Non, c'est pour rigoler, évidemment. Suzy. Ouais, je me doute. Voilà. Bon, je te sens un petit peu stressé, j'essaie de te détendre. Ouais, j'ai un peu cru quand même. En vrai, nous ne sommes pas militaires, nous sommes dans un vaisseau spatial. Voilà, tu nous entends de loin. Il est 23h55. En vrai, je suis un robot, moi je n'existe pas, Suzy. iRobot. Voilà, exactement. Comme dirait JM du standard, iRobot. Voilà. Yeah. Est-ce que tu veux que je te parle avec ma vraie voix? Bah ouais. Voilà. Non mais si tu veux, hein, tu vas entendre vous allez entendre pour la première fois ma vraie voix. Voilà, moi j'aime pas trop me dévoiler. Hein, je vais vous dire un truc. Faut, voilà. Ça me gêne un petit peu, mais enfin je peux le faire si la vous voulez parce que vraiment. Obligé. Parce qu'on partage tout. Voilà, je peux le faire. Alors je vais. Voilà. Je vais parler avec ma vraie voix. Je vais enlever. Voilà, tu m'entends mieux, Suzy. Je suis avec Julien le stagiaire. Salut Suzy, moi c'est Julien le stagiaire. Nous sommes en direct de notre vaisseau spatial iRobot 3. Bisous les humains, on vous aime bien. Avec JM du standard qui a un vrai grand nez en robot. Ouais, et c'est un vrai nez. Merci JM du standard. Voilà. Bon, alors, ma Suzy. JM du standard. L'homme sort est parti. C'est drôle, c'est un concept. Ah ouais, c'est un. Moi, il a vraiment un concept. Moi, je dis qu'il a un concept. Ce qui est énorme, quand même, c'est que JM du standard, il y a des fois. Tu sens qu'il. Attends. Ah, j'avais pas d'inspiration. J'ai mal au cœur. JM du standard, passe-moi la lettre qu'il y a devant toi, s'il te plaît. Ah ouais, non. J'aimerais expliquer un truc. JM du standard, en ce moment. Ça fait un mois. Je sais pas ce qui se passe. Il rentre dans une pièce, il dit bonjour, personne lui répond. Ouais. On est avec des. Il y a des mecs qui me reconnaissent dans la rue, ils viennent me voir. Et ils savent pas qui est JM du standard, ça le vexe. Et en fait, et même parfois, et genre quelqu'un va reculer sur lui, il va lui marcher dessus, il va pas le sentir. Ouais. Manque de charisme, quoi. On a reçu encore une lettre. Guillaume, il a dessiné tous nos personnages. Guillaume le boss, voilà, Flo des Crado, Vagin Amina du standard, Julien Stagiaire. Et il n'y a pas de personnage pour JM du standard. Il était très vexé, mais c'est normal quand tu fais des blagues comme ça, j'aime ça. Ah ouais, mais les, je te lance dans un sketch et il y a personne. Ah ouais, mais bon, enfin, alors, juste avant, attends, ma Suzy, tu vas me raconter ton plan crado. Juste avant, on va offrir une console PS4. Alors, on va vous faire une PS4, les mecs, avec le jeu qui va avec le jeu Lego Star Wars, Le Réveil de la Force. Il est sorti hier, le jeu. J'appuie sur le bouton, ça va sonner chez l'un d'entre vous. Je vous offre le cadeau maintenant. Répondre, je suis en numéro caché en 2 secondes. Allô? Allô? Ça va quoi, con? Ouais, ça va. Ça va, gros, c'est salut. Salut. Guillaume d'énergie. Non. C'est même plus mon con, c'est quoi? Eh, ton prénom, c'est quoi? C'est Sésime, j'étais venu à Rennes. Eh ben, enchanté, Sésime de Rennes. Salut, Sésime. Salut. Eh, on s'est rencontré à la FNAC de Rennes? Eh oui, j'étais venu après ton restaurant. Exactement, avec des lunettes. Oui. Avec des lunettes. Putain, c'est rigolo. Et bah écoute, tu ressors par Amina du standard. Bravo. Qui n'a pas fait exprès. Bah voilà, c'est vraiment un logiciel. Et bon, on est content que ce soit toi. Et si on vous connaît, on vous connaît. Si on vous connaît pas, on vous connaît pas. Et en tout cas, félicitations, mon Sésime. Alors, quel âge tu as, Sésime? 15 ans. Et ben, Sésime, 15 boules. Et ben, mon gros, je t'envoie la PS4 demain matin avec le jeu Lego. Bravo, ouais. Bravo, mec. Non, oui. C'est vrai. Hein, en plus, j'ai failli pas répondre. C'est vrai, bah ça aurait été bien fait, pour moi. Ouais. Hey, tu sais quoi, je te repasse Flo des Crado et tu vas prendre l'adresse pour le Colissimo demain matin. Ouais. D'accord. J'en aurai d'autres demain. Merci. Encore, les poteaux, à vous filer. Je t'embrasse, mon Sésime. Bisous. Merci. À bientôt. Merci. Salut. Ouais, bonne nuit, poteau. Ciao. Salut. Sésime qui est là, qui a gagné le truc. Attends, merde, j'arrive pas à appuyer sur le bouton. Voilà, c'est bon. Julia qui est en stage chez nous jusqu'à l'été, là, viens. Ouais, salut. Bien la journée, ça va ouais. Salut. Super. Ça salut. Va, dis donc, tu mets un petit haut comme ça, un petit haut sur un petit haut noir, sur ouais, un petit haut blanc. Une petite dentelle. C'est un petit double haut. Black and white. C'est quoi? Black and white. Merci, c'est Gilles. C'est pas lourd. C'est pas lourd. C'est la fin de soirée. Oh là là, c'est vraiment là. C'est fini. Ah, il est vide. Ça. Ta gueule, parfois t'as envie de dire. Au pire, dis-moi, c'est pas. Hey. Grave, non, tu rigoles jamais, je te dirai ça. Ah, merci. Même s'il le pense fort. Ouais. Non, pas du tout, c'est un plaisir de l'avoir à mes côtés. Merci, Guillaume. Vraiment. Un bon troubadour. Ouais, vraiment. Je lui dis souvent, je lui dis vrai, souvent. Merci beaucoup, Guillaume. Bon, en tout cas, Julia qui est en stage chez nous. Une histoire crado. Est-ce que t'as déjà vécu Attends, une histoire crado? Attends, oui, parlez-en. Non, c'est pas ça. C'est moi, mon meilleur ami. Il a couché avec une fille. Non, ça c'est pas. Non, toi, toi. Ouais, mais moi aussi je peux raconter. Je sais, mais franchement, j'ai pas trop vécu d'histoire très crado. À part que j'ai fait l'amour sur la plage, comme je vous ai raconté hier. Mais mon meilleur pote, il a couché avec une fille et quand il a fini, s'est rendu compte qu'il y avait un tampon usagé sur la table de nuit. Oh, c'est pas ça. Non, c'est horrible. Ça veut dire que ça arrive. C'est horrible. Ça veut dire que la fille, elle, sans lui dire, elle a enlevé son truc en cachette pour le mettre à côté. Ouais, mais c'est qu'elle avait envie. C'est ça qu'elle le garde. Non, remboursez-nous. Non, remboursez-nous le ticket. Une autre histoire. Non, une autre. Allez, on veut une autre histoire. On s'en va pas, sinon. Non, une autre histoire. J'ai pas d'histoire. Je suis pas famille. Invente. Non, pas inventé. Hein. Bah non, du coup, je parle. Un truc seul que tu fais. Une autre histoire. Non, t'as pas fait. Un plaisir sale. Juste hier. Ah bah camping. C'est la musique de camping, apparemment. La danse des tongs. J'ai stagiaire, tu connais bien. Ah, tu connais pas? Non, je connais pas. C'est bien sûr. Il est minuit, bon anniversaire le 30 juin, si vous êtes né le 30 juin. Bon anniversaire. Suzy, alors j'espère que t'as une histoire mieux que Julia qui est en stage chez nous jusqu'à l'été. Pardon, j'ai envie de dire, ça peut pas être pire. Hein. Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé, Suzy, toi? Bah, en fait, moi j'ai 15 ans et mon copain il y en a 14. D'accord. Donc, on est ensemble depuis 7 mois. Et on a fait pas mal de trucs ensemble au lit. Ouais. Et par exemple, on se lavait à deux et puis il m'a pissé dessus, mais volontairement. On le voulait tous les deux, enfin, voilà. Ouais. Ah, vous avez déjà fait l'euro à 15 boules, quoi. Ah ouais. Moi, je le vois comme ça aussi. Hein. Wow. C'est bien. Mais attends, mais vous avez fait ça comment, Suzy? Bah, on se lavait à deux, puis il rigolait, il disait qu'il avait envie de pisser, et bah, il l'a fait. Enfin, au début, je disais non, mais voilà. T'as pas l'air très clair. Ah ouais, t'as pissé où? T'avais envie qu'il le fasse, c'est pas grave. Attends, ça c'est un truc, il y en a plein qui le font, hein, faut pas avoir honte de. Là, Golden Shower. Il y a plusieurs trucs. Shower, alors attends, j'ai déjà le spécialiste. Non, mais il a pissé sur les pisseurs. C'est l'envoyé spécial Euro de l'émission. Non, pas l'Euro. C'est l'Euro de l'Euro 2016. L'Euro direct. Non, mais s'il pisse sur le visage, par exemple, là, c'est vraiment de l'Euro, je pense. Mais t'as pissé où, Suzy? Bah, sur moi, on était debout, il était face à moi. Est-ce que tu t'es penché? Genre sur les pieds ou vraiment sur toi? Tu t'es baissé un peu ou pas? Bah, sur moi, sur mes jambes, je sais pas. Ah oui, sur tes jambes, ouais. Ouais, c'est 1000 euros quand même. Ça va. C'est pas validé pour l'euro pour moi. Ouais. Attends, c'est pas de l'euro. Bah, non, attends, c'est quand même pisser sur moi. Moi, j'aimerais bien le faire, mais je l'ai pas fait. Amina du standard, alors, elle-même ne se pisse pas dessus. Ah, elle ne fait pas quelqu'un. De pisse dans la douche. Ah, ouais. Ah bah oui, ça se fait pas. Elle préfère gaspiller 30 litres d'eau qu'aller faire pisser dans de l'eau potable alors qu'il y en a qui n'ont pas à boire. C'est scandaleux. Elle va pisser dans l'eau potable et par contre, elle va pas pisser dans la douche. Et est-ce que ça te plairait qu'il y ait un mec qui te pisse sur les cuisses? À moi? Non. Dans la douche, non? On m'a déjà proposé, hein. C'est vrai, des propositions un peu insolentes, mais non, je refuse. Hors de question. C'est toi qui es insolente. C'est ça qui est bon. C'est vrai, Guillaume, j'ai un pote qui a enculé une chaudasse. Il est rentré tellement d'air dans son cul. Et c'est tellement chic les messages parfois. Moi, ce que je suis obligé de les lire comme ça. Parce que quand il s'est retiré, il a lâché un vilain pot de chiasse tout au plafonnier de la voiture. Mais non. Bien cadeau. Ça, c'est pas taillard. Je te jure, bien crado, mais très vrai. Ah ouais. Le plafonnier. J'ai vomi sur ma voiture. J'ai vu Elle a quand même réussi à se faire un pote à moi dans la soirée. Salut Gauthier. Salut. Un pote à moi. Non mais c'est quoi ces messages, les garçons là? Un pote à moi a vomi sur sa meilleure amie aussi. Putain, donc c'est la mode. Ouais. Et elle a quand même réussi. Alors attends, elle t'a envoyé deux numéros différents. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Une fois c'est Gauthier, une fois c'est Aloïs de Dijon. J'ai l'impression que c'est de la couille. Sans le mytho. J'ai l'impression que c'est deux copains qui veulent passer à la radio tout de suite. Ouais, cramé. Moi j'ai doigté une fille dans ton lit et tu sens qu'elle a oublié de tampon dans sa moumoute crade ou pas. Ouais, c'est un peu crado, mais bon. Ouais, ça arrive, c'est humain. Tu peux rien, c'est de le dire pas. Hein. Ouais. J'ai vu Camping 3 ce soir, c'est juste énorme. Ah, film à voir entre amis. Céline du 67. Pas spoiler. Elle avait qu'à prendre la paille. Alors attends. Donc en gros, il a pissé. Ça t'a plu qu'il te pisse sur les jambes? Bah, ça m'a pas dérangé. Ouais, ça t'a pas dérangé. Mais toi, tu voulais qu'il te pisse sur le visage carrément, non? Les jambes, c'est non, quand même pas. Ouais. Mais les jambes, c'est comme de l'eau, hein, c'est peut-être dans le prochain cap. Hein, le On vient de m'envoyer une photo de sosie de Brad Pitt et d'Angelina Jolie qui est. Ah ouais, j'avoue. Qui est magnifique. Je vais vous la mettre sur la page Facebook de l'émission, là. Guillaume Play, PLEY, je vais vous la poster après. Là. Vous êtes 400 000 à avoir vu la vidéo du ventilateur qui devient une horloge USB. Là. Je vous l'ai mise aussi sur la page Facebook. Hein. Voilà, on est 1 942 000. Venez liker la page, les mecs, on arrive à 2 millions tous ensemble. Là. Guillaume Play, PLEY sur Facebook. Et t'as fait un autre truc un peu crado, Suzy, toi? Bah ouais. C'est quoi? Bah, hier, il est venu dormir chez moi. Et je lui ai mis un doigt. Dans le cul? Ouais. Putain, vous allez vite, hein, vous étouffez. Ah ouais, quand même. Ah, non, après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein, dans mais après, voilà. Bon, dans 10 ans, tu vois. Et bah, elle mangera caca. Voilà. Ouais. Non. Bah, ouais, ah, tu feras autre chose, j'en sais rien. Non, mais bon, après, c'est vrai que vous faites tout direct, là, hein, c'est chaud. Ouais. Après, vous avez raison. Et donc, alors, vas-y, raconte. Bah, ouais, et après, bah, je lui ai léché son anus. Je sais pas. Ça va, c'est un annulaire. Vous étouffez ouais, quand même. Bah, désolé. Bah, ouais, je vois pas. Ouais, on a fait pas mal de trucs. Ouais, c'est bien. Qu'on a pas fait. Vous avez léché le trou de balle et tout. Pas crade. Tu l'as fait un annulingus avec un doigt dans le cul. Attends, à 15 ans, c'est bien. C'est énorme. Ouais, attends, JM Zandar. C'est fort, bravo. Attends, je sais pas où vous allez vous arrêter. Il va falloir créer des trous. Non, c'est vrai. Non, attends, c'est vrai. Bah, ouais, attends. Il va falloir inventer d'autres portes. Ouais. Hein. Quand t'es rentré partout, c'est quand même dingue ça, non? Attends, et Suzy, donc, t'as aimé lui lécher le trou de cul ou pas? Bah ouais. Ouais, bah c'est bien, ouais. Ouais, bah c'est en bien. Plus, s'il venait de prendre la douche, c'est bon, il n'y a pas. Et de... vous avez fait quoi d'autre? Vous avez fait quoi d'autre? Bah, on a tout fait un peu, enfin, je sais pas trop, mais. Ouais, t'as tout fait, quoi. Ouais. Ouais. Les plans à plusieurs, pas encore? Non, pas. L'année prochaine? Hein, pas quoi? Pas plusieurs, mais derrière, bah, il veut, enfin, mais moi. Enfin, on l'a déjà fait, mais ça me fait mal. Du coup, je veux plus. J'ai pas. Ah ouais. Ouais, ah ça sert à rien de se faire mal. Hein. Faut le dire doucement. Ouais, faut lui dire. Eh, mollo, l'astico. Ouais. Là, c'est le mec, il a déjà tout fait. Ouais, tranquille, tranquille. Ça fait que 7 mois. Après, vous allez vous faire chier. Ah bah ouais. Attends. Après, si t'as commencé tôt, toi. C'est ouf. Hein. T'as commencé vite, en tout cas. Ouais, pas tôt, mais vite. Bah, c'est bien. Bon, je te fais un bisou, ma Suzy. Je vais laisser la parole à Mickaël. Tu veux faire une dédicace en bisou. Speed. J'ai pas vu. Ouais, je vais faire une dédicace à Louan, à Rebecca, à Pierre, mon chéri qui m'écoute. Et à Maïve. Pierrot l'enculeur. Bon, tu feras une bise. Gros bisous, ma chérie. Merci d'avoir appelé Suzy. Bisous. Je t'embrasse très fort. Gros bisous. On parlera des plans crates demain. À demain, Arnaud. Une dédicace en 10 secondes. Ouais, vite fait. Une petite dédicace bah, du coup, à Miguel, Castel, Lionel, à mon pote Manuel, Arnaud qui est à l'hôpital là. Et puis bah, à tous les chauffeurs routiers. Et puis à Frigo 7, quand même, Esgouen. Bon courage, les mecs, si vous êtes à l'hosto. Ouais, bonne route. Ouais, gros bisous. Gros bisous. Quelle galère. Je t'embrasse, Arnaud. À bientôt. Ouais, à bientôt. Je t'en passe à Mina au standard. Oui. Bisous, salut, Arnaud. Salut, ciao. Salut, un noyau Châtillon sur Seiche. Gros bisous dans le 35. Salut à. On est venu à Rennes, pas très loin de chez toi, vendredi. Ouais, ouais, mais je suis venu. Je vous ai vu. Il y a que toi que j'ai pas vu. Et du coup, c'est mais vrai sinon, j'ai vu. Ouais, j'ai pu discuter avec JM un petit peu. Ah, salut, mon pote. Ouais, je suis le mec de Bayonne. Ah putain, ouais, ça me dit quelque chose. Putain, fallait venir faire une bise, mon pote. Pourquoi t'es pas venu me voir, toi? Il y avait vachement de monde, tu vois, donc c'était un peu difficile, quoi. Bah ouais, ouais. On a parlé. Merci à vous tous d'être venus en match. Je t'embrasse très fort, Arnaud. Merci d'être venu et tout, c'est trop gentil. Merci, merci. Ça va, mais c'est cool à vous, vous me faites rire, en tout cas, sympa. Vous me passez le temps sur la route. Trop sympa, mon pote. Trop sympa. Bon, je t'embrasse très fort, Arnaud. Ça marche, allez, ciao. Ciao, mec. Allez, salut. Restez avec Mickaël. Bonne nuit, je vais stagiaire. Bonne nuit, à demain. Ciao. Bonne nuit, Guillaume, à demain. Bonne nuit, Julia Kerstage. Salut, bisous, tout le monde. Bisous, à demain, Amina du Sordard. À demain, bonne nuit. Bonne nuit, Flo des cadeaux. Bonne nuit, Guillaume, bonne nuit, tout le monde. Et Mickaël, tu vas pouvoir nous lâcher un petit plan crado. Ça va, Mickaël? Ça va, et toi? Est-ce que Polo a fait un petit plan crado? Moi, non, Polo, rarement. Enfin, je pense, après, en tout cas, Toff le dit plus souvent. T'as déjà fait de la merde, Toff, des plans crado, toi, non? C'est quoi un plan crado? Ouais, parce que j'ai un plan qui est volontairement élevé que. Parce que je pense qu'on doit pas avoir le même niveau de crado. Ça. Non, pipi caca, je fais pas. Après, voilà. Pour le reste, c'est open après, bar. Après, pour le reste, j'ai pas de limite. Julien Stagiaire va tester le pipi. Ah ouais. Ouais. Bah, j'espère bien. Ah non, il voulait t'emparer d'ailleurs. Non, n'importe quoi. Pas avec moi, tu vois. On peut essayer d'autres trucs si tu veux. On peut faire une double peinée et tout, mais pas de. Sur JM. Pas de pipi caca. Julien Stagiaire, tu te vois faire une double peinée avec Toff? Non, je rigole. Attention, parce que le kiff de Toff, c'est d'avoir donc la double, effectivement, mais une sodomie et une. Par le vagin, parce qu'il veut sentir, alors de ses propres termes, il veut sentir la bite de l'autre à l'intérieur. Ah oui, je veux sentir le frottement à l'intérieur, ouais, comme dans les films. Ah oh, mais quel bon, c'est ça. Ouais. Voilà. Moi j'ai déjà fait, alors je peux rien dire, mais j'ai déjà fait. C'est gênant un peu, non? Mais alors, tu sens la bite de l'autre ou pas alors? Ouais, tu sens la bite de l'autre. T'as un peu un contact avec le mec. Un petit peu. Il y avait un ogre dans les chimiquelles. Non, tu sens un petit peu, tu sens pas de. Bah, tu sens que ça frotte quoi. Non, tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge en fait, comme si. Enfin, tu sens pas vraiment la limite quoi. Et Amina, elle en pense quoi de tout ça là? Bah, déjà, une personne c'est compliqué psychologiquement. Psychologiquement, il lui faut une aide psychomédicale après. Mais moi du docteur. Il y a une tante de la sécurité civile dans chez elle qui va faire le poste de secours. Ah la tristesse quoi. Putain. Bon, amusez-vous bien les mecs. Allez, salut. À demain 21h. Ciao. Demain 21h et nous on est là en direct jusqu'à 3h. Bienvenue. Ne sois pas triste. Le plus important dans la vie, c'est toi. Ta vie, ton bonheur, ton choix. Prends ton balou. cochon et voyage. Regarde, émerveille-toi. Profite de la vie. Tu es seul. Alors avance. Marche à contre-courant. Parle, change, apprends. Choisis la voie la moins empruntée. Le bonheur est au bout du chemin. Mais ne suis pas le chemin des autres. Personne ne peut rien faire pour toi. Ta vie, ton bonheur, ton choix. Tu veux faire le premier pas ? Écoute Mickaël sur Énergie tous les soirs. Tous les soirs de minuit à 3h. Allez, on est là. Bonsoir tout le monde. Minuit 9. On est en direct sur Énergie jusqu'à 3h. Et j'ai lu un truc sur Facebook. Je voulais démarrer par ça. Ouais. C'est sur le Saviez-vous. Je sais pas si vous avez déjà, si vous êtes abonné à la chaîne ou pas. Bref, c'était rigolo. Qui nous donne une info très intéressante. Une personne moyenne sort entre 80 et 90 insultes par jour. Alors évidemment, Polo n'est pas comptabilisé Polo là-dedans. Est hors catégorie. Hors catégorie, hors compétition, parce qu'il doit être au moins à 200-300 minimum. Donc si on le mettait dans le sondage, bah forcément, ça aurait faussé. Hein. Oui, bah oui, là, on aurait explosé les scores. Voilà, exactement. Ça aurait faussé le sondage. Et donc c'est pour ça qu'on l'a exclu du sondage jusqu'à nouvel ordre. Voilà. C'est normal. Voilà. Il devait être exclu. Il doit être exclu, effectivement. À ton avis, t'as combien d'insultes alors par jour? Moi? Combien t'en sors? Je sais pas, parce que je fréquente Polo, donc j'ai dû augmenter un mais peu. Mais tu sais que moi aussi, depuis que. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais vraiment, vraiment. T'as tendance à dire putain, fils de. Mais t'es en train de t'énerver, puis à chaque fois, je me dis, mais putain. Mais, ouais. Mais c'est vrai, parce que l'autre jour, j'étais. Enculé! Bâtard! Il y a pas si longtemps que ça, j'étais avec une copine avec qui j'avais plus pris la voiture depuis super longtemps. Et la pécho? Non, je l'ai pas pécho. Non, quel échec, avant, non, si, je l'avais déjà pécho avant, mais depuis elle a un mec, elle est mariée. Enfin bon, bref. Ah ouais, d'accord, ok. Donc je suis. Bon, bref. On la connaît. Tu sais, toujours les mêmes questions. Non. Quand il dit non comme ça, c'est qu'en fait, oui, il veut masquer. Bon, et donc. Et donc, on roule. Et en fait, j'ai tellement roulé avec Polo ces derniers temps qu'en fait, je suis devenu hyper violent avec les mecs qui font de la merde. Mais espèce de fils de pute, tu crois, il roule pas à droite, il roule pas à gauche, on est au milieu. Et du coup, elle me fait, ouais, on voit que t'es devenu parisien. Ah ouais. Et je non, en fait, c'est pas ça, mais bon, c'est. Elle est pas de Paris. Elle est pas de Paris. Bon indice, comme ça pris au passage. Dites-nous vous si vous avez tendance à vous énerver facilement. C'est quoi l'énervement que vous avez eu le pire, celui que vous regrettez. Voilà, vous vous êtes énervé et puis vous êtes dit, vas-y, laisse tomber ça. Est-ce qu'on parle du mec au feu rouge avec qui Polo s'est embrouillé ou, Non. Je pose la question à Polo. Le mec qui vous a des appels de farce sur l'autoroute. Est-ce qu'il y a un énervement dont tu te souviens et que tu as regretté en disant, bon, voilà, ça n'a servi à rien. Oui. Okay. En fait, si, parce qu'en fait, c'était. Je me souviens plus des situations. En fait, c'était. En fait, tu sais, je me suis énervé comme ça et en fait, je me suis rendu compte que le mec était pas net, quoi. Tu vois, il était pas normal. Et ça, j'aime pas parce que ça fait. En fait, j'aime. Tu te rends pas compte de la situation parce que tu penses que le mec est net et quand tu vois que le mec est un peu fou. C'est un peu fou. Ah, là, du coup, tu dis ouais, je me suis dit. Bah oui, il est pas net, donc tu dis bah, tu laisses passer. Bon, bah, dites-nous. Lidl, tous ces autres bâtards là qui crèvent, genre. Ouais, ouais. Bon, bah, dites-nous donc, vous, si vous vous êtes déjà énervé pour rien et si vous avez des regrets. Valentine au standard, comment ça va? Ça va bien, hein, merci. Tu t'es déjà énervé pour rien ou pas? Non, je s'énerve pas, Valentine. Bah, si, ça m'est arrivé. Ouais. Faut le temps qu'elle énerve. Bah, en fait, quand elle s'est énervée, elle est devenue, tu vois, normale, quoi. C'est ça. Voilà, non mais non, sérieux. Mais quand je m'énerve, je suis une vraie psychopathe. En ah oui, bon, ça n'avait pas bien rendu compte encore. Je suis vraiment pas cool. Non, ouais. Énerve-toi sur toi pour rien. Mais, imagine, non, mais t'as fait un coup demande. De pute de pute. Il a couché avec ta mère. Oh putain, bah, imagine, en voilà. Fait, là, tu vois, il n'y a pas de mots, je crois que je le tape en fait. Je te jure, je pourrais pas. Non, mais c'est quoi tes insultes les plus fortes? Fils de pute, dégage, connard, ta gueule. Ah ouais, putain, basique, non, Polo. Il faut savoir que Valentoche est également en contact de Polo. Mais oui. Est devenu extrêmement vulgaire. Oui, tout à fait. Depuis que je suis avec vous, je dis beaucoup d'insultes. Mais arrête, hein, je vous jure. Mais quelle salope, celle-là. Ah non, incroyable. Bon, dites-nous donc 01 40 71 5000. Vous nous appelez par SMS et Mickaël et votre message au 611 12. Et puis venez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, sur Instagram également. Vous tapez M-I-K-L officiel. Il y a d'ailleurs la PS4 ou la Xbox One que vous allez pouvoir gagner peut-être demain. On tirera au sort demain, bah, dans 24 heures pile. Tiens, si vous avez envie de tenter de gagner la PS4 ou la Xbox One, comme je le dis, c'est vous qui choisissez. Et bah, vous m'envoyez, enfin, vous allez sur Facebook, vous tapez M-I-K-L officiel. Voilà, on va saluer également les nouveaux qui viennent d'arriver sur le Twitter de l'émission. Il y a Alexia qui est là. Il y a Élise, il y a Estelle, salut Estelle, il y a Loïc, il y a Passepartout, salut à toi, il y a Thomas, Johanna, il y a Amino qui est là également, il y a Hugo, c'est Marie, pardon, il y a Anthony, Sophia et tous les autres. Voilà, si vous voulez me rejoindre, vous tapez @MIKL officiel. Il y a Seb de Quimper qui dit bonsoir, content de vous entendre l'équipe et Kenavo, Polo, Kenavo. Bah, salut Seb. Luna aussi, j'espère que ton émission sera de la bombe comme d'hab, vous gérez, bah, c'est gentil. Écoute, le problème c'est qu'on ne peut pas le savoir à l'avance. Hein. Non. On fera tout pour, mais après ça dépend de vous aussi, hein. Nous on ne fait pas l'émission tout tout seul, on fait l'émission avec vous. Aurore aussi qui dit salut les copains, comme d'hab à votre écoute, je vous fais des gros bisous. Bah, salut à toi Aurore. Et tous vos messages, n'oubliez pas sur le Twitter notamment de mettre le hashtag Mickaël si vous voulez qu'on lise les messages tout simplement. Il y a Franck qui est avec nous à Paris. Salut Franck, comment ça va? Ça va et toi Mickaël? Bah ça va très très bien. Bon Franck, t'as passé une bonne journée? Eh bien écoute, super. Bon, très bien, t'as fait quoi? À vrai dire, pas grand chose. Ah voilà, voilà pourquoi la journée était bonne. Enfin, j'ai fait un peu de jacuzzi cet après-midi. De jacuzzi, comment ça? Ouais, ouais, ouais. J'ai Lune, fait du jacuzzi. Tu sais, il y a un centre aquatique et un jacuzzi avec un remous chauffé à 38 et je me suis fait un petit kiff. Ah oui, tout seul ou? Tout seul. Ouais, après, je t'expliquerai. Mais voilà, en ce moment là, c'est du cool. Mais vraiment du cool. D'accord. Parce que, voilà, j'ai vécu un truc de folie, mais vraiment grave. Tu vois, grave de chez grave. Ouais. Mais je t'expliquerai tout à l'heure. Bon bah. Et donc voilà. Donc là, maintenant, philosophie de vie, c'est exactement ce que t'as mis sur le jingle, c'est-à-dire kiff ta vie. Et voilà. Très bien. Bah écoute, tu fais bien. Hein, cela dit, il faut kiffer sa vie. C'est ce que je veux dire. Bah bien sûr, évidemment. Mais bon, oui. Franck, et tu nous appelais pourquoi à la base? Bah écoute, à la base, c'est que en fait, si tu veux, il m'est arrivé une merde avec un ostéopathe, tu vois. Mais grave. Un ostéopathe, mais pas loin de chez toi en fait, tu vois. Ouais. Genre 16e beau quartier. Ouais. Parce que le mec il a fait. Enfin, chez moi, fait... c'est la radio, hein. J'habite pas loin de 16e. Pas loin de chez toi. Ouais, j'ai un immeuble. Bon. Ouais, enfin, à côté. Parce que le mec, si tu veux, tu vois, usurpation du titre d'ostéopathe. C'était pas un vrai ostéo. Ah là là, putain. Ah oui, donc arnaqué. Mais en plus, en médecine, comment t'es quand? Non mais attends. Non mais parce que les ostéopathes, c'est pas des médecins. C'est pas des médecins, c'est vrai. C'est ça le problème. Et donc du coup, quoi, il t'a fait de la merde? Ah mais il m'a défoncé, si tu veux. Il m'a niqué, je devrais même pas être là, je devrais être mort, tu vois. Sans déconner. Oh putain, bah Franck, reste deux secondes, on va te reprendre dans un instant, tu vas nous expliquer ça plus en détail. Bouge pas de la Franck, et puis bah vous aussi appelez-nous hein, 01 40 71 5000, numéro du standard Valentine décroche. Faites le 02 703 0071 si vous êtes en Belgique. Ce soir on fait le jeu de la piscine également, si vous voulez jouer avec nous, bah n'hésitez pas, il y a une tablette Arcos à gagner. Jeu de la piscine, je vous expliquerai comment ça se passe tout à l'heure. On va également se faire les appels mal intentionnés avec Toff, et puis on va s'écouter du son, hein. Je vous mets le son de Mommy qui va arriver. Il y aura Gino également tout à l'heure avant 3h. Et Raïs Réfi, que je vous cale, promis, bougez pas de là, il est minuit 16. On est au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël sur Énergie, comme toutes les nuits. On est là de minuit à 3h hein, pendant les deux prochaines, enfin pendant cette semaine-ci et la semaine prochaine. Et puis dès le 18 juillet, on sera là de 20h à minuit pendant tout le reste de l'été. Voilà, donc on va bien se marrer. Je pense qu'on aura le temps de faire pas mal de conneries. Et puis minuit 16, comme promis, je vous cale le son de Ritza maintenant sur Énergie. Bonne nuit. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est le regard qu'on me lance. Désormais je m'en fous. J'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air. Ouais, au fond,